Salut à tous, Subcast numéro 43, on est le 1er mai, on a passé la journée à rien foutre, donc on est plutôt en forme autour de cette table et à distance, puisqu'on est assez nombreux pour ce podcast, on est 5. Je suis Greg, je suis l'host et je suis avec Julien, mon fidèle co-animateur parmi les autres. Salut Julien, comment ça va? Salut à tous, ça va bien. C'est vrai qu'il y a d'autres sites par exemple qui perdent des membres de leur rédaction, nous au contraire, on grossit. Ils perdent des Julien, nous voilà. On en gagne, on ne fera pas d'autres allusions, peut-être qu'on en reparlera, on verra. Vous êtes également habitué à entendre la voix de Dimitri, de loin de sa province, qui a en plus déménagé entre deux podcasts. Salut Dim, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, donc j'espère que le podcast va bien se passer, parce que j'ai perdu un petit peu en débit en déménageant, mais bon, on verra bien. Déjà qu'avant il était à 56K, ça va pas être facile ce soir, on vous l'annonce direct. Écoute, je vais essayer de trouver un moyen d'avoir la fibre, ou je sais pas, on verra bien. On dit pas province, on dit région. Excusez-moi à tous ceux qui se sont sentis vexés, voilà. Alors qu'on est ici même pas exactement à Paris, je tiens à le préciser. Ouais, l'honneur est sauf. Bande de petits bobos parisiens. Et puis deux invités récurrents finalement pour ce podcast. Le premier qui est avec nous, c'est déjà Yao. Salut Yao. Salut, techniquement on n'est pas à Paris, Dim. Ouais, on n'est pas à Paris, attention, respecte ouais, un petit peu pas, ici les moulineaux. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ici, c'est les moulineaux. Ici, the fucking place to be, 92130 dans la place. Ouais, donc salut tout le monde, je suis en attente de la semaine prochaine si je vais prendre un charter ou pas. Voilà. Ah, il pourrait y avoir du changement suite aux élections dans le podcast. En fonction des élections, il y aura peut-être des membres qui seront finalement perdus. Et il y en a déjà qui sont partis à l'étranger. Ils en avaient déjà ras-le-bol de la France. Bon, c'est Elohim. Alors Elohim, malheureusement, il ne peut pas vous parler pour le moment. Il est invité, il est présent, peut-être. Mais en tout cas, il n'est pas encore arrivé. Il cherche une façon de se connecter à Skype et de nous rejoindre pour le podcast. À son boulot, il faut préciser. Je pense qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre. On va tenter de le rappeler plusieurs fois pendant le podcast. Donc il y aura peut-être un petit moment de flottement quand on essaiera de joindre Elohim. On vous prévient par avance. J'essaierai de couper ça au montage. Mais voilà. Mais non. En tout cas, de toute façon, on va partir comme d'habitude pour pas mal de news, divertissement, des débats sur le cinéma, etc. Il y en a pour pas mal. Il y a un programme chargé. On a un gros, gros programme. Donc on voulait commencer un peu plus tôt. Et puis ensuite, on parlera de jeux vidéo où on a également un gros programme, je crois. C'était pas prévu. Mais bon, voilà, c'est parti. Ça va durer au moins 8 heures, je pense. Non, on va faire court. Je vais vous mettre la pression comme l'autre fois, ça avait très bien marché. Il y avait quelque chose à faire sur les retours, podcast, etc. Oh, ça fait trop longtemps. Là, ouais, non, on est parti. Pendant que t'es parti aux States chercher des news, j'ai cherché Alexandra Daddario sur toutes les plages de Malibu et je ne l'ai pas vue, donc je suis extrêmement déçu. On a vu les photos, il n'y avait aucune. Voilà, il n'y avait que des beaux couchers de soleil. Et j'ai vu des beaux mecs, mais j'étais moins content. Bon, allez, on va enchaîner, on va partir sur les parties divertissement. Partie divertissement, on commence tout de suite avec la reprise de ce. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, on le sent quand même, je me sens enrouillé un petit peu. C'est le fou rire. Ouais, c'est le fou rire de la contraction du stress, on va dire. Et on va commencer avec le fameux débat. Alors, c'est pas tellement un débat qu'une news commentée, comme j'appelle ça. C'est moi qui m'en charge cette fois-ci. Pour pas te mettre la pression. Je me sentais pas les épaules de porter un débat, donc je voulais plutôt vous parler de ce qui s'est passé entre nos deux podcasts. Et donc, il y a eu un peu dans l'actualité des prises de parole que je voulais commenter. En tout cas, je voulais avoir vos avis respectifs là-dessus. Vous le savez, ça va concerner en fait Leftovers. C'est une série que j'avais conseillée dans un des premiers podcasts qu'on avait fait, que je continue à suivre, dont je parle régulièrement. Certains aiment, certains n'aiment pas autour de cette table. Même, je crois que les avis sont peut-être un peu plus partagés. Moi, je sais que je suis un gros fan, mais Julien... J'aime beaucoup. Je crois que tu étais un peu plus en J'ai adoré la première saison. J'étais un peu... pas mitigé, mais je trouve la saison 2 très différente, mais j'aime beaucoup. Bon, écoute, tant mieux. Ouais, je crois que tout le monde aime bien, en fait. Toi, Yao, tu suis Leftovers ou pas? Je connais pas. Tu connais pas? Bon, non. Écoute, voilà. je t'incite à découvrir cette série, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Je me suis arrêté à Lost, désolé. Mais en tout cas, on va pas parler de la série en elle-même, on va parler de ce qui s'est passé autour de la série, en fait, à savoir de Damon Lindelof, le créateur de The Leftovers, un des créateurs de Leftovers, qui a eu une prise de parole entre nos deux podcasts et dit qu'il y avait aucune raison de s'engager dans de mauvaises habitudes pour regarder la télévision. Il fait très clairement référence au binge-watching. On n'a pas de terme en français, je crois, pour consommation abusive de télévision. Je crois qu'il y a un terme. Il me semble qu'il y a un terme. En gros, qui consiste tout simplement à regarder quasiment tous les épisodes d'une saison, les uns à la suite des autres, voire même peut-être en une soirée, pour tous se les enfiler sans se laisser le temps de les digérer entre-temps, comme on avait à l'époque l'obligation de respecter peut-être un délai d'attente d'une semaine entre deux épisodes en général. Parce que là, voilà, en fait, il a envoyé une lettre. Quand on sort une série, une nouvelle saison d'une série comme The Leftovers, on envoie ça à des critiques pour qu'ils puissent commencer à faire leur première review sur Internet. Et donc, dans la lettre qu'ils ont envoyée aux critiques, l'équipe de The Leftovers, il y avait un petit mot de Lindelof, et il a partagé dans cette lettre son opinion sur l'évolution du business de la télé et sur la façon dont le streaming a eu justement une influence négative sur l'expérience de visionnement des séries. Alors, pour la lettre, je vous la traduis vite fait. Il dit: chère communauté critique, bienvenue à la troisième saison et dernière de The Leftovers. Je tenais à vous dire quelque chose avant de commencer votre voyage dans The Leftovers. On peut dire que c'est le mot est bien choisi. Binge-watcher est mauvais. Voilà ce qu'il dit, tout assez clairement. Je continue en sa lettre, il dit: je suis de la vieille école, et pas seulement parce que je suis d'accord avec Josh Whedon pour à peu près tout, je reviendrai à ce qu'il veut dire par là. Il dit: jamais auparavant dans l'histoire de la langue anglaise, la frénésie, pour dire le binge-watching, n'a été associée à quelque chose de sain ou productif. Juste parce qu'il y a une boîte de Pringles devant vous, ça signifie pas que vous devriez tous les manger en une seule séance. Chaque fois que j'ai fait ce genre d'expérience, je me sentais un peu triste, un peu coupable, et en plus j'étais fâché contre la Pringles Corporation, ce qui n'était peut-être même... Enfin voilà, il est fâché contre la boîte qui fabrique les Pringles. Il reconnaît néanmoins que les temps ont changé. Il reconnaît qu'il n'y a pas trop de télévision, mais même lui, il dit, je peux même pas dire qu'il y a trop de télévision, il dit qu'il y a trop de bonne télévision, ça devient même un autre problème, on n'est même plus dans la surconsommation de télévision, on est dans la surconsommation de bons produits de télévision. Et il dit, oui, c'est vrai que nous, les gens qui produisons des séries, pour marquer un peu les esprits, on doit se mettre un peu à l'air du temps, c'est-à-dire comment s'adapter à ce phénomène de binge-watching qui est là de toute façon. Bon, du coup, voilà, il ne sait pas trop comment répondre finalement à la propre question qu'il soulève, à savoir, le binge-watching est mauvais, mais comment fait-on pour le contourner ? Il n'a pas la solution, il contente juste de dire, le binge-watching est mauvais. Vous l'avez entendu, il fait référence à Josh Whedon dans sa lettre. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça ? Tout simplement que, également, Josh Whedon a fait une sortie, il y a à peu près 3 semaines, sur la culture de la frénésie, la culture du binge-watching, où Josh Whedon nous disait: nous perdons notre compréhension du récit. Plus on rend les choses granulaires et moins complètes, plus il devient un mode de vie plutôt qu'une expérience. Ça devient une expérience ambiante, ça devient une ambiance de regarder la télévision et de regarder un show plutôt qu'une expérience en soi. Donc ça perd de son pouvoir et nous perdons quelque chose avec lui. Nous perdons notre compréhension du récit. Voilà ce que disait Joss Whedon et ce avec quoi est d'accord Damon Lindelof, le créateur de The Leftovers. Alors c'est vrai que l'habitude du binge-watching, elle est finalement assez récente, si on revient dans l'histoire de la télévision et dans comment on la consomme, parce que c'est une habitude qui a été lancée, vous le savez certainement, par les services de diffusion tels que Netflix et Hulu. Donc finalement Netflix en France, ça a quoi, 2 ans, 2-3 ans? Aux États-Unis c'est un peu plus âgé, mais c'est pas si vieux que ça, ça date avec la disparition des choses pour louer les DVD en fait, des magasins de location de DVD. Parce que c'est vrai que Netflix a introduit un peu l'idée et se démarque un peu de ses concurrents en déposant tous les épisodes de ses spectacles, de ses créations originaux d'un coup. Et il encourage en général à regarder tout d'une seule fois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la saison soit terminée dans 8 semaines pour la regarder. Vous pouvez très bien la consommer en une soirée. En une soirée, bien sûr, j'imagine qu'on l'a plus ou moins tous fait à un moment. Non. C'est vrai, vous ne l'avez jamais fait, hein? Non, mais il y a la VOD qui s'y met aussi sur Plus. Enfin, j'ai vu ça sur... par rapport à la série 10%, ouais. Tu peux tous. Ils sont disponibles en fait. Tu peux tous te les enfiler. Mais, par contre, ils sont disponibles à l'achat. Ouais, c'est à l'achat. Ouais. Ouais. Alors que mais sur Netflix, quelque part, tu payes quelque chose. C'est un autre débat. C'est pas forcément très éloigné. Mais... En tout cas, binge-watching, clairement, ce que nous dit Damon Lindelof, c'est que ce n'est pas sain. Le fait de surconsommer quelque chose, ce n'est pas sain. Et il continue en disant que le binge-watching a tué le phénomène un peu de partager ensemble l'événement que peuvent constituer ces séries. C'est presque une expérience sociale finalement, ce que c'était de regarder une série avant. On se souvient par exemple, alors là je remonte très loin dans le temps, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais Dallas avec le fameux « Qui a tué JR ?». À l'époque de cette expérience, ça avait tenu en haleine toute l'Amérique et tous ceux qui regardaient pendant tout un été. Et plus récemment, on peut d'ailleurs penser à Lindelof, les épisodes de Lost étaient apparus avant l'apparition de Netflix, avant l'apparition du binge-watching. Et quelque part, il y avait une expérience sociale, il y avait un partage déjà qui se faisait de l'expérience, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Et on attend tous ensemble l'expérience commune de savoir la réponse aux questions qu'on se pose. Récemment, tu prends Game of Thrones. Tu peux prendre Game of Thrones, voilà, qui, pour le coup, est beaucoup plus difficile à binge-watcher. Ouais. Parce que ça a également tué un autre... une autre pratique, le binge-watching, c'est, ça contribue en fait à la montée de la culture du spoiler, justement. C'est que maintenant, plus tu peux binge-watcher une série, moins tu vas avoir de surprises sur cette dite série, et plus en plus il va être difficile de te les garder pour toi-même. Puisque bah, forcément, si aujourd'hui quelqu'un va télécharger tous les épisodes de la prochaine saison de Game of Thrones, tu vas te sentir très très fortement obligé presque de le regarder toi-même en une soirée pour pas te retrouver avec Facebook qui est inondé d'un Red Wedding ou autre chose de ce genre, quoi. Donc, en général... On a douce. Enfin, moi, j'ai été déjà tenté, par exemple, je sais que de mon propre expérience, j'ai déjà regardé des séries que j'avais pas forcément envie de regarder le soir même, mais juste parce que je savais que sinon j'allais me faire pourrir par les réseaux sociaux, typiquement The Leftovers en ce moment, saison 3. Je me sens obligé, alors c'est pas du binge-watching, mais je me sens obligé de rattraper l'actualité et d'essayer de continuer à regarder les séries, les derniers épisodes qui ont été diffusés au moment où ils le sont, parce que sinon je vais me prendre du spoiler. Ouais, mais là, comme personne comprend rien, ça c'est comme Lost. Genre un mec qui essaie de te spoiler la fin de la dernière saison de Lost, ouais, tu vas te dire, okay, c'est ta théorie, mais tu vois, mais finalement ça, c'est ça change sûr. Pas. Pour Game of Thrones, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que... Après, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est normal finalement que Lindelof soit opposé au binge-watching, hein, puisque c'est vrai que je l'ai rappelé, mais Yao le disait aussi, c'est un des hommes derrière Lost, hein, c'est lui qui a été un des créateurs de Lost, et Lost c'était un des premiers spectacles qui jouait fortement sur l'attente entre les deux épisodes, entre 3 ou 4 épisodes, et dont l'impact justement dépendait de l'attente finalement qu'on avait, hein. La force de Lost c'était plus on attendait, plus finalement l'épisode avait de l'impact. Il y a eu peu de spectacles qui reprenaient cette mécanique de Lost finalement, avec des cliffhangers et un buzz hebdomadaire toutes les semaines. Et peut-être. Après, tu veux dire ? Ouais, depuis Lost, il y en a eu. Ah, et surtout depuis 24, la pli- depuis 24, c'était avant, ouais. Enfin, c'était au même moment. Il y a eu des séries qui se sont croisées, des saisons qui se sont croisées. Bref, tout ça, ça m'amène à pas mal de questions sur le binge-watching. Enfin, il en soulève déjà plusieurs, donc je voulais un peu avoir votre avis à tous là-dessus, sur ce que va dire Lindelof déjà, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez du binge-watching ? Est-ce que vous le pratiquez ? J'ai l'impression que les pratiques sont très différentes entre vous tous. Voilà, c'est un peu les questions que je voulais vous poser pour commencer. Toi, Julien, t'en penses quoi ? Déjà, moi, je binge-watching pas du tout, parce qu'en fait, non, mais quand je regarde un épisode, j'ai pas forcément envie, tu vois, d'enchaîner direct sur un autre. Ouais. Après, sur le sujet, moi, je suis super partagé, parce que je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans des deux côtés. C'est-à-dire que le fait de mettre à disposition toute la saison, je parle vraiment dans la création des séries. Tu vois, moi, je me rappelle quand il y avait 24, je trouve qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a une espèce comme ça de routine du cliffhanger, il y a une espèce de cliffhanger pour le cliffhanger qui est obligé d'être là, parce que finalement, il faut que le spectateur, il attend de la semaine prochaine, donc il y a une espèce comme ça de recherche d'un effet pour que ça t'amène à la semaine d'après, pour pas que tu lâches finalement si t'as pas envie de voir la suite. Voilà, t'arrêtes. Alors que finalement, si tout est disponible en même temps, tu peux te dire que le créateur de la série, il n'est pas obligé de faire du cliffhanger, il peut peut-être construire toute sa saison différemment. Et après, je reconnais aussi que ce côté, tu vois, le lendemain, t'en parles avec tout le monde, le côté, comme disait Lindelof, social, le côté expérience, où finalement t'attends une semaine et tout le monde se dit, ah tiens, t'as vu ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Alors que si les gens sont à des endroits différents de la saison, forcément, ça tient pas du tout. Donc en fait, Je comprends que lui, ça le dérange par rapport à ce qu'il veut faire dans ses séries, c'est-à-dire créer peut-être une attente, créer une expérience sociale. Mais je pense que tu peux aussi très bien utiliser le fait de livrer une saison entière en une fois, et je pense que ça peut te libérer de ce côté cliffhanger à chaque épisode, ce côté. Je pense qu'au niveau création, les deux peuvent s'entendre, et je pense qu'il y a des mauvais exemples dans les deux. Tu vois, moi par exemple, quand je regardais How I Met Your Mother, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien aimé quand on a regardé toutes les, disons ce que j'ai regardé avec ma femme, toutes les saisons en une fois, c'est-à-dire qu'on avait du retard, donc on a jusqu'à la 4, on a tout regardé, et des fois on a regardé 3-4 de suite, parce que c'est des épisodes plus courts, et quand il a fallu attendre chaque épisode, alors en plus la série était moins bonne, mais c'était hyper, t'avais une grosse déception, parce que si l'épisode est mauvais, ce qui était pas mal souvent, c'est quand même le cas assez souvent pour How I Met Your Mother, ou même pour Big Bang Theory, toi t'as qu'un épisode par semaine, ou même deux, toi c'est un peu décevant, si c'est un peu raté, tu te dirais, j'ai attendu une semaine pour ça, quoi. C'est pas faux. Donc des fois l'attente, au moins quand tu peux choisir de regarder, bon, t'en as un qui est pas bien, tu passes directement à l'autre, il va être un peu meilleur, tu vois, tu te fais une expérience un peu plus condensée et moins étalée dans le temps. Après, il y a des séries où l'attente entre deux épisodes n'était pas à des buts uniquement, on va dire, marketing, de suivre le prochain épisode, mais où elle était construite, elle faisait partie de l'expérience. Ouais, mais c'est pour ça que je suis partagé. On la perd un petit peu. Toi, tu binge-watch ou pas, Yao ? Pas du tout. Moi, c'est une question de temps, en fait, surtout. Ouais, c'est vrai que... Donc après, moi, je vois pas trop de problème, en fait. Ouais. Avec ça, c'est juste comment tu gères ton temps. Moi, je me verrais pas à titre personnel enchaîner une saison. de toute façon, donc à partir de 2-3 épisodes, je suis vanné ou je suis fatigué, donc ça me suffit. Et enchaîner des épisodes d'une heure, genre 6 d'affilée, enfin 6 d'affilée, non, je pourrais pas. Ouais, c'est vrai que c'est il faut pouvoir le faire aussi, ouais, voilà, simplement. C'est une question de temps aussi. Et après, comme moi, je suis d'accord avec ce que disait Julien aussi. Ouais. Et puis, même si le binge watching, ça me dérange pas trop, dans le sens où tu as tout à dispo et après tu regardes comme tu veux en fait. Soit tu regardes tout d'une traite ou tu peux te le faire, je sais pas, toutes les semaines. Oui, même quand tout est dispo, t'es pas obligé de faire tout d'un coup. Après, tu perds ce côté expérience sociale avec tout le monde, pouvoir en parler le lendemain à la machine à café pour faire dans la caricature. Mais voilà, c'est vrai que t'as plus d'expérience. Dim ? Toi ? Déjà, moi, je me reconnais un peu dans tout ce que vous avez pu dire. Moi, je pratique pas non plus le binge-watching. Je regarde énormément de séries, mais je dois avoir un petit côté un peu peut-être vieux con et nostalgique, par exemple, de la période où je regardais mes séries sur M6. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de séries, mais je regarde un épisode d'une série, après j'enchaîne avec un autre épisode d'une autre série. Et voilà, quoi. On va dire d'une série, je dois peut-être regarder... un voire deux épisodes par semaine de la même série. Moi, j'aime bien en fait regarder un épisode et après, on va dire laisser reposer, quoi, essayer d'y repenser et tout. J'ai déjà essayé quand même des fois d'enchaîner des épisodes d'une même série et je trouve que l'expérience, c'est pas pareil. Enfin, t'enchaînes et t'apprécies plus les épisodes, tu sais même plus, par exemple, quel détail était dans tel épisode ou des choses comme ça. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc moi, ça me Enfin, chacun fait comme il veut, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère regarder un ou deux par semaine et puis varier, quoi, regarder beaucoup de séries en même temps. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une pratique que j'apprécie. Moralité, on est des vieux cons, quoi. Ouais, on est tous des vieux cons. Mais c'est vrai, est-ce que finalement, c'est pas aussi un truc de génération ? Parce que ça, finalement. Ouais. Est-ce que les plus jeunes, tu veux dire, binge-watch plus que nous maintenant qui sommes un peu oui, plus speed-watch. Speed-watch, ouais, voire même pour certains. Au-delà de ça, ouais, c'est la consommation en général, ouais, tu veux dire. Pour être au courant d'une série, puis même c'est même un mode de consommation, ils ne se posent pas forcément la question. Mm-hmm. Et je voulais dire juste y a, le problème aussi, c'est qu'il y a énormément de séries maintenant. Donc quand tu disais, dis-moi, tu vois, j'attendais l'épisode, je ne sais pas si déjà tu regardes, si tu suis beaucoup de séries, est-ce que tu peux tout voir en fait en une semaine si tu attends les diffusions ? C'est super compliqué, quoi. Il y en a tous les jours, quoi. Ouais. Donc là, au moins, si tu arrives à te réserver, je sais pas, une après-midi, tu fais rien, tu regardes l'intégralité de la saison, c'est peut-être parfois plus gérable en termes d'emploi du temps si tu es un gros fan de série que finalement d'attendre à chaque fois la diffusion de l'épisode. Après, ça peut être compliqué, faut pas que tu le rates, c'est un rendez-vous, quoi. Et ouais, ça va un peu à l'encontre de la consommation qu'on fait de la télévision, quoi. Et après, ça dépend aussi, je pense, de la série. Justement, on parle d'Aman Lindelof, ces séries, par exemple, Lost ou Leftovers, il y a énormément de détails entre chaque épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que je trouverais ça vraiment dommage de noyer tous ces détails-là, on va dire, dans la masse de tous les épisodes que tu pourrais regarder à la suite, quoi. Mais après, tu vois, je trouve que c'est plus intéressant de voir ça un par un, quoi. Il y a cet avis-là, mais non, ça n'empêche pas finalement que Netflix continue à faire ses séries. Enfin, la plupart du temps, quand il n'y a pas un accord avec d'autres chaînes, j'entends, la plupart des séries Netflix viennent toutes d'un coup. Et finalement, là, c'est un peu, je reviens sur l'autre question qui était abordée aussi par Damon Lindelof, c'était la culture du spoiler, qui était finalement un peu liée à cette culture du streaming et à de la consommation frénétique de séries, hein, pour pas parler de binge-watching. Mais voilà, est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien, en fait ? Est-ce que vous comprenez ce lien entre culture du spoiler et binge-watching que Damon Lindelof fait ? En gros, forcément, quand on met toute une série, par exemple, toute la saison 1 de The OA sur Netflix, d'un coup, forcément, derrière, il va falloir s'attendre à ce que sur les réseaux sociaux, il y ait des gens qui les aient consommés tous d'un coup et qui te disent déjà la fin de ce qui se passe de la saison 1. Et donc, du coup, quelque part, t'incites toi-même à essayer de la consommer rapidement pour pas te faire griller par ces spoilers. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un truc là-dessus ? Enfin, Dim, ouais, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, si, c'est clairement ça, en fait. Surtout avec les séries Netflix, on a tous les épisodes d'un coup. Mais des fois, moi, j'hallucine complet sur les réseaux sociaux et je parle pas forcément des gens spécialisés dont c'est le métier, enfin, des gens lambda qui regardent ça en 24 heures et qui te balancent plein d'informations là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Donc généralement, ce genre de série, j'essaie de les regarder rapidement, mais c'est impossible pour moi de les regarder d'une traite, quoi. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur, par exemple, des grosses séries comme Game of Thrones, justement. On va dire, c'est peut-être une des rares séries que je regarde dès le lendemain, dès que c'est disponible en téléchargement, parce que sinon je sais que c'est mort, quoi. j'attendrai qu'une journée, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, hein. J'attendrai qu'une journée, je me fais spoiler sur la mort de tel personnage et tout. Mais tu te fais spoiler c'est un peu pénible de. Bah, tu vas sur Twitter, Mais sur Facebook. Tu te fais spoiler comment ? Parce que, à titre personnel, moi je vois pas. Enfin, tout dépend de ta. Timeline, comme on dit. Quoi, alors après aussi, c'est peut-être dû au podcast où je suis inscrit à énormément de news. Maintenant qu'il est community manager de Upcast. Et voilà quoi, on va dire, quand tu vois un mec, une capture d'écran d'un mec mort dans Game of Thrones. Donc, pas mal. T'es un peu dégoûté. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout le spoiler, c'est pas du tout un truc qui me dérange. Moi, tu peux me raconter la fin des films. Je pense que Game of Thrones, c'est un cas particulier parce que justement, c'est peut-être une série qui fonctionne vraiment sur un peu le cliffhanger. Ça, ouais. Mais je me dis, tu vois, tu me spoiles, Leftovers, bon, ça me dérange pas. Je veux dire, il y a assez d'éléments intéressants dans la série, à l'intérieur de la série, hors des cliffhangers, des choses qui peuvent se passer, pour que tu prennes du plaisir, même en sachant ce qui peut s'y passer. Alors ça, Game of Thrones, c'est un peu particulier parce que, et de plus en plus, c'est devenu une série un peu événementielle. C'est-à-dire que t'attends un peu ce qui va se passer et t'attends les 10 dernières minutes, un peu comme il y avait 24, tu vois, je trouve que 24, ils avaient cette construction, alors que c'est un peu, tu vois, finalement, ça vieillit pas très bien parce que la série aujourd'hui, si tu la regardes, elle a vraiment vieilli dans le sens où... Tu t'y attends, quoi. Voilà, tu t'y attends, tu connais les ficelles, tu vois, donc quand tu la regardes, elle tient vraiment que sur cette tension et des fois, Game of Thrones, ça tient, moi, je trouve, un peu trop sur cette tension et pas assez sur ce qu'il pourrait faire à côté. Je dis pas que c'est une mauvaise série, je la trouve plutôt bien faite, mais tu vois, par exemple, Leftovers, c'est une série que je peux regarder et qui tient beaucoup moins là-dessus. Il n'y a pas toujours des cliffhangers, tu vois, c'est... Non, pas du tout. Donc finalement, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, le spoiler, mais je comprends que ça soit un problème pour des séries qui vraiment misent sur un côté événementiel, quoi. Bah ouais, et puis bah, le dernier point qui m'a fait sourire un peu dans son truc à Lindelof, c'était pour savoir si est-ce qu'on peut le ressentir, peut-être est-ce que ça va venir arrêter le phénomène du beach-watching, quand il parle de cette fameuse boîte de Pringles qu'on a bouffé tout d'un coup et qu'on se sent un peu coupable, on se sent un peu gros, un peu gras, on suit du sel, et qu'on se dit merde, j'aurais pas dû. Est-ce que ça, déjà, enfin moi, je sais pas si ça m'est déjà arrivé de me sentir en colère contre une série parce que j'avais entre guillemets bouffé tous ces épisodes d'un coup. Ah merde, j'aurais pas dû regarder tous les épisodes de Lost d'un coup, fait chier. Là, je sais pas si c'est le truc qu'il décrit existe vraiment en fait. Le côté je me sens en colère contre Netflix parce que j'ai binge-watché telle série qu'ils ont mise, IOE ou un truc comme ça. Je sais pas si ça existe vraiment, je sais pas si c'est un vrai argument qui l'amène là. Non, mais il y a peut-être ce phénomène un peu. Je pense que finalement, si tu fais référence au Pringles, donc un peu à la nourriture, t'as un côté surconsommation et un côté indigestion, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, au bout d'un moment, peut-être que c'est un peu comme, tu vois, dans les jeux vidéo, quand tu joues pendant des heures et des heures, au bout d'un moment, bah, t'as plus la lucidité, t'as plus le recul. En fait, je pense aussi une série, enfin, toutes les œuvres, faut qu'il y ait quand même du recul. Toi, souvent, quand t'as un épisode, tu peux y repenser, tu te dis, ah tiens, il s'est passé ça, tu vois, ça travaille en fait en toi, ça mûrit. Alors que si t'enchaînes, alors après, tu peux mûrir la saison. Mais si t'enchaînes, c'est plus difficile de voir un peu tous les détails, de prendre du recul, d'analyser. C'est peut-être ça aussi, le côté indigestion, finalement, c'est lié à la fois à la surconsommation et à la fois que tu vas avoir trop d'éléments qui vont t'arriver en même temps et à un moment donné, il y a une indigestion de contenu, quoi. Et là, tu vomis du Netflix et tu leur en veux. Après, je pense qu'aussi, c'est pas forcément la pratique qui est à critiquer, c'est plus les gens en eux-mêmes, quoi. Je veux dire, il y a des gens, eux, ils vont binge-watcher une série, et ça leur va très bien comme ça, et c'est ce qu'ils ont envie de faire, et ouais, ouais. Ils s'en foutent, on va dire, de passer à côté de quelque chose en laissant réfléchir, enfin, en laissant un peu mûrir certains épisodes. Et voilà, enfin moi je sais que je m'autocontrôle sur les séries, quoi. je sais qu'il y en a certaines que j'aurais envie justement d'enchaîner peut-être plus rapidement, mais j'ai plus envie de faire durer le plaisir, quoi. Ah, mais tu sais, moi je trouve ça pas mal quand tu commences à regarder une série qui est déjà diffusée, je sais pas, mettons tu te dis ouais. Tiens, je vais commencer à regarder Game of Thrones, de savoir que finalement tu peux aller au rythme que tu veux, parce que souvent le problème des séries, moi je trouve, c'est ce qui se passe entre une saison et une autre. Ouais. C'est-à-dire le temps d'attente, un an et demi, deux ans. Toi, je me dis, quelqu'un qui découvre Game of Thrones aujourd'hui, c'est excellent. Ah bah ça, je l'ai toi, vu, et je dis pas qu'il faut les enchaîner tous, vraiment, mais tu peux en mater un par semaine et au moins t'as pas de coupure dans les saisons. Donc je trouve que ce côté vraiment choisir ta consommation de séries et choisir ce que t'as envie de regarder, je trouve ça quand même super agréable aussi. C'est vrai. Donc voilà, Double Lindelof, hein, si tu as entendu, si tu as le droit à un droit de réponse sur podcast.fr dans les commentaires, on t'attend, voilà. Hein, pour savoir un peu ce que tu en penses de ce magnifique débat. Il était à Paris d'ailleurs, il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, tiens, bah ouais, ils ont fait l'avant-première de Leftovers, putain. Avec Justin Theroux. Je t'ai pas invité. Et Madame Ménant, ce qu'on va l'appeler Madame Théroux maintenant, que c'est. Je sais pas si son mari. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, ils étaient à Paris pour la. Elle est chanceuse, hein. Bon, bref. Pourtant, Greg, t'as un peu son sosie officiel en plus. Bah ouais, je comprends pas, ouais. Et puis bon, j'arrête pas de faire de la pub. J'arrête pas de faire de la pub à la série. Il pourrait au moins m'inviter à podcast, quoi. Bah en plus, tu pars aux États-Unis quand eux viennent en France, donc c'était ouais, un peu le timing mauvais, quand même. Ouais, non, mais j'ai mal réfléchi. On va continuer avec un autre gros point d'actualité d'entre nos deux podcasts. C'est Dim qui va s'y coller. Juste avant, on va peut-être faire un petit appel à Elohim, je vais couper. Je crois qu'il est en ligne, non? Il me semble. Bah écoute, je l'ai vu là, il nous entendait. Je tente de l'appeler, on va couper ça au montage. Voilà, donc on a réussi à avoir Elohim avec nous. Hein. Salut Elohim, bienvenue sur Upcast. Salut. Merci de nous rejoindre. Toi. On vient de finir ce magnifique débat sur le binge-watching. Et on, je disais à l'instant qu'on va laisser la parole à Dim maintenant. Et Dim qui va nous parler, soirée, gars, sans surprise, d'un petit truc dont il nous parle régulièrement. D'une saga spatiale. Star Trek. Non, c'est pas ça. Presque. Merde. Donc, bon. Ouais, voilà. Pendant notre longue absence, j'ai été évidemment hypé comme pas possible sur la Star Wars célébration à Orlando, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et bon, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de point Star Wars depuis un moment. Cette fabuleuse rubrique que le monde entier nous envie, donc voilà. Je vais vous présenter cette célébration qui était XXL comparée à celle de l'année dernière. Cette célébration qui était forcément sous le signe des 40 ans de la série. Et donc, on commence justement par ça, avec le premier jour, avec un panel pour cet événement. De nombreux invités étaient présents pour fêter ça comme il se doit, donc Dave Filoni, Mark Hamill, Hayden Christensen, Billy Dee Williams, et aussi des interventions vidéo de Samuel Jackson ou Liam Neeson, qui prétend faire une bonne blague avec reprendre son rôle pour un spin-off sur Jar Jar Binks. Et aussi certains peu habitués à ce genre de convention comme Harrison Ford ou George Lucas himself. On a eu le droit aussi à un bel hommage à Carrie Fisher avec un montage qui alternait des images de l'actrice et de son personnage avec en prime une photo avec Rian Johnson de l'épisode 8. Il y a eu aussi tout un panel consacré à l'actrice présenté par Mark Hamill qui prouve bien son talent d'orateur en captivant la foule pendant une heure. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes concernant... Excuse-moi. Il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais bizarrement, c'était très tourné sur la trilogie d'origine, un peu sur la prélogie, mais pas du tout sur la postlogie. On se demande pourquoi. Alors peut-être la postlogie. Donc, je connaissais même pas 7, le terme. 8, 9. Ah, ben, c'est le terme employé pour les nouveaux films. Donc peut-être c'était pour pas gêner George Lucas avec les petits nouveaux. Dont je pense qu'il n'en a absolument rien à foutre. D'ailleurs, plus tard, il y a une petite info marrante. Un journaliste a demandé à Harrison Ford s'il attendait le film Han Solo comme un fan. Et lui, il a répondu qu'il n'en avait absolument rien à péter, avec le bon George qui se marrait derrière. Putain. Non, ambiance. Ouais, donc, bonne ambiance, ouais. Enfin bref, le deuxième jour, on a eu le panel le plus attendu par les fans, c'est-à-dire celui sur The Last Jedi, avec le réalisateur, Kathleen Kennedy, et aussi les acteurs, Mark Hamill, John Boyega, Daisy Ridley et Kelly Marie Tran, une petite nouvelle qui jouera une mécanicienne pour la Résistance. Donc ce panel est resté assez vague au niveau des infos sur le film, mais bon, tout le monde était là pour voir le trailer, enfin plutôt peut-être teaser. Et là, je triche, car je vais traiter d'un trailer avant notre fameux point trailer. C'est parti pour 18 minutes. Ce trailer, à l'image du panel, on n'en apprend pas grand-chose, mais ça va de pair quand même avec la stratégie de Disney de garder le mystère sur le film. On entend quand même enfin parler Luke, et comme envisager une partie du film traitera bien de l'apprentissage de Rey, et il y aura bien une réflexion sur le statut de Jedi en lui-même, et que celui-ci doit disparaître. J'espère vraiment un film qui sera à la fois calme et posé, avec une partie où on entendra plus parler, on va dire, sur les deux côtés de la Force, et l'autre plus explosif avec les batailles entre la Résistance et le First Order. Enfin, pour les dernières conférences, on a eu le droit à un panel pour la dernière saison de Rebels, avec là aussi un joli trailer, en espérant que le final ne laissera pas le destin des personnages en suspens. Et petit fait amusant, si vous l'avez loupé, Dave Filoni, le showrunner de la série, avait un t-shirt Ahsoka Leaves avec un point d'interrogation. Et après le trailer, il avait exactement le même t-shirt, mais avec un point d'exclamation. Donc je rappelle que ce personnage, c'est l'apprenti d'Anakin Skywalker dans Clone Wars, qui était laissé pour mort suite à son combat contre Vador dans la saison 2 de Rebels. Donc je pense que voilà, on la reverra dans la saison 4. Et sinon, Dave Filoni a présenté également Star Wars Force of Destiny, une mini-série d'animation qui mettra en scène les héroïnes de la saga, dont Leia, Jyn Erso, Rey, Maz Kanata, Padmé ou Sabine. La série qui a un design sympa, assez sympa en 2D, sera dispo en septembre. On rigole parce qu'on n'en connaît pas la moitié, je crois. Sabine. Sabine. Salut Sabine. C'est un personnage, une rebelle dans Star Wars Rebels. Ah. Et donc cette série, elle sera disponible en septembre et notamment en accès gratuit sur YouTube. Et aussi, on a appris les premières infos sur Battlefront 2, avec enfin un mode solo qui couvrira l'ensemble de la saga et qui sera du point de vue de l'Empire avec l'Inferno Squad des Stormtroopers d'élite. Donc le jeu promet aussi plus de maps, des systèmes de combat et d'amélioration de personnages améliorés. Et surtout, pas de Season Pass, donc pas de jeu en kit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et enfin, concernant les spin-offs, bah, rien à se mettre sous la dent, à part une vidéo de Warwick Davis sur le tournage du film Han Solo. Mais bon, c'est plus du troll qu'autre chose, où il se filme par exemple devant la machine à café ou devant sa loge. Enfin, on voit quand même un nouvel alien, et Kathleen Kennedy a tout de même aussi précisé que les prochains spin-offs seront annoncés cet été. Et on sait que le film sur Obi-Wan est toujours aussi présent dans les rumeurs, et que Ewan McGregor est bien chaud, et qu'il y a une rumeur comme quoi le scénariste de la série Mr. Robot écrirait actuellement un scénario. Donc voilà, j'espère avoir bien couvert l'événement sans vous avoir trop endormi. Moi, je trouve que le changement de t-shirt a été le point marketing le plus hallucinant de toute cette célébration Star Wars. Ah, mais tu te moques, mais pour les fans, c'était la grande question suspens. Est-ce qu'elle a encore envie ou pas, quoi ? Mais je crois que c'est un personnage très aimé des fans. Alors, c'est vrai que nous, Noobie, on connaît pas du tout. Enfin, voilà, moi, je connais peu, je vois un peu à quoi elle ressemble, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était un personnage qui était vraiment détesté. Tout le monde trouvait que c'était un peu débile de mettre un perso comme ça, apprenti de Anakin Skywalker. Et en fait, elle s'est vachement développée au cours des deux séries. On l'a vu grandir, on l'a vu aussi quitter l'ordre des Jedi et tout. Et le personnage est super intéressant. Et j'ai aussi, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un jour un spin-off sur elle. D'ailleurs, il y a... Pas trop de spin-off, quand même. Rosaria Dawson qui fait le forcing pour justement interpréter le personnage en live. À voir. Bon, écoute, on va faire un grand pas dans Upcast comme d'habitude. On change complètement de sujet. J'ai envie de dire, on passe de Star Wars à un autre sujet. Cette fois-ci, je vais passer la parole à Julien. Julien, yes, we can. J'avais dit que je lis ton titre de news. Les titres, c'est du off. Joli jeu de mots. Ouais, ça va loin dans les blagues. J'ai quand même précisé pour ma défense, jeu de mots jamais fait. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on l'a déjà fait en plus. Oui, on l'a déjà fait 10 fois. Donc je vais pas vous parler de Roland Garros puisqu'on est au mois de mai. Je vais parler de Cannes. L'actualité la plus chaude, c'était la composition du jury de la 70e édition du festival, qui aura la tâche et l'honneur, on va quand même rester un peu sérieux si on parle quand même du festival de Cannes, d'accompagner donc Pedro Almodovar. Ça, on en avait parlé il y a peut-être un mois et demi. Je sais pas si on avait fait d'ailleurs une news ou c'était entre les deux podcasts que c'était tombé le... On avait dû en parler un peu. Donc le président du jury, Almodovar. Donc côté femme, on aura donc Maren Adeh. Alors je sais pas si on dit Adeh ou la réalisatrice de Tony Erdmann, qui était sortie l'année dernière. Jessica Chastain, donc là, pas forcément besoin de la présenter. Pour ceux qui écoutent Upcast, on en parle quand même assez souvent, ou ceux qui suivent le cinéma un peu plus, d'action, un peu plus blockbuster. Enfin, elle tourne un peu dans tous les styles de films. Il y a aussi, également l'actrice et productrice chinoise Fan Bingbing, qu'on a vu dans X-Men Day of Future Past. Donc ça, c'est plus pour ceux qui se rappellent. Moi, je me souviens pas du tout. Qui a incarné Blink dans le film. D'accord, merci, Le point mutant au milieu de Cannes. Voilà, le point mutant. On aura Agnès Jaoui. Voilà, donc il y a 4 femmes et 4 hommes. Côté homme, il y aura le compositeur de musique Gabriel Yared, qui a composé Le Patient Anglais et dernièrement Juste la Fin du Monde. On aura Park Chan-wook, donc le sud-coréen réalisateur de Oldboy, le réalisateur Paolo Sorrentino. Et Will Smith, alors c'est un peu le truc qui arrive comme ça, c'est un peu bon, comme le un cheveu sur la cible, tu vois. J'avais pas vu. Pour ceux qui le connaîtraient pas, c'est un obscur acteur de films d'auteur. Fait un peu de rap, je crois, il chante un peu. Non, mais tu rigoles, pour moi, c'est une bonne version. Non, mais après, il y a toujours eu un peu de tout. Oui, mais un acteur de ce calibre, genre, t'es très bien. Dans le jury. Je sais pas, faudra revérifier. Pour moi, c'est une bonne entre Agnès Jaoui et Will Smith, c'est les mêmes grands écarts que dans Upcast, quoi. C'est une grande avancée pour moi, parce qu'en termes d'image, c'est un truc plus populaire, quoi. Mais, ça fait vraiment populaire. Ouais. C'est cool. Par rapport à l'image de Cannes, C'est vrai que d'habitude, c'est toujours un peu péteux, Alors justement, je voulais pas. Tu parles de cinéma péteux, on va voir si finalement la sélection cannoise des films. Dardenne. Ça va être encore. Il n'y a pas les frères Dardenne. Machin, là, l'oncle Boboon, là. Tu dis que c'est mépris pour le cinéma. C'est toujours le cinéma de qualité. L'anguille, les conneries comme ça, là, personne ne va les voir. Alors, je crois que de mémoire, il n'y a que 3 réalisateurs qui n'ont jamais été en sélection officielle. Et par contre, il y a un seul réalisateur qui a déjà été palmé. Donc, tu parlais des frères Dardenne. Non, ils n'y seront pas. Voilà, ce ne sont pas eux. Ça, c'est la première fois qu'ils ne sont pas à Cannes. Quoi. Ah, ouais, ça, c'est bon, ceci dit, c'est une sélection très cannoise. Donc, le palmé, c'est Michael Haneke. Ouais, bon, lui, il est tous les ans aussi. Il n'est pas tous les ans, mais il y est assez souvent. À chaque film, quoi. Donc, il va revenir avec un film qui s'appelle Happy End. Donc, le film qui dresse le portrait d'une famille bourgeoise française avec Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz qui sont installés à Calais, non loin d'un camp de migrants. Ça s'annonce léger. Bon, ça. Ah là là, vous pouvez faire vos blagues. Là. Voilà, ils vont rencontrer Franck Dubox, c'est un peu rencontre du troisième type. Bon, restons sérieux, il y a quand même 4 Français. Bon, malheureusement, il n'y a pas Kechiche, hein, c'est qu'il y a un film en préparation. Il y a François Ozon, il y a Doyon et il y a Azanavicius. Donc moi, je surveille quand même Azanavicius parce qu'il sort d'un gros échec avec The Search. Mmh. On en avait parlé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'auteur d'OSS 117 de The Artist. Et là, il va présenter son biopic sur Godard. Ah voilà, oui, donc, avec Louis Garrel. Avec Louis Garrel, ouais. Sa femme aussi. Il y a aussi Bérénice Bejo. Bah, je pense, elle est toujours là. C'est un peu comme ça, c'est un projet osé. Mila Jovovich, c'est peu une Mila Jovovich avec du talent. Ouais, c'est ça. Elle fait quand même des bons films. Quoi, non, c'est une très très bonne actrice. Du coup, vous avez vu la bande-annonce du film, ouais. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, voilà. Ça annonce léger. Bah, c'est donc, toujours ça. Toujours un film de François Ozon. Moi, personnellement, je suis toujours client quand il y a, il y a du cinéma de Ozon. Ouais, avec justement Jérémy Régnier, avec un thriller apparemment qui s'annonce érotique trouble. Alors, elle se présentait entre De Palma et Cronenberg, hein, donc bon, faudra pas non plus se faire trop écraser par les références. Ce qui s'appelle L'âme en double avec Marine Vacht et Jérémy Régnier, donc comme disait Yao. Donc, je note aussi, moi, Campilio, je connaissais pas du tout, mais là, il a un projet, je trouve un peu casse-gueule, qui s'appelle 120 battements par minute avec Adèle Haenel. Donc Adèle Haenel qui était dans Les Combattants, plutôt une bonne actrice. Donc là, c'est le chronique du combat d'ACT UP dans la France des années 90 au pic de l'épidémie du sida. Mmh. Donc un sujet qui est quand même un peu casse-gueule, ça dépend comment ça va être traité. Ça peut fonctionner comme être totalement raté. Côté américain, il y a du bon casting avec notamment Noah Baumbach qui a fait Greenberg, Frances A. Donc là, c'est un peu le cinéma bobo new-yorkais. On a eu le cinéma d'auteur français, on a le cinéma un peu bobo américain qui revient pour The Meyer Hitz Stories, le récit des traquettes d'une famille new-yorkaise comprenant Adam Sandler, Ben Stiller, Emma Thompson et Dustin Hoffman. D'accord. Donc quand même gros casting. Ouais. Adam Sandler qui sera dedans. Retour dans les films entre guillemets sérieux. Ouais. Bon, il a toujours quand même un peu alterné entre les deux. Paul et Punch Drunk Love. Ouais, mais il a son heure de gloire en France et après ses films. On le voit un peu moins. C'est vrai qu'on le voit. C'est vrai qu'il est moins dans les. Non, plus dans les productions Netflix. Est-ce qu'il marche toujours? J'ai l'impression que c'est une petite. Non, il a beaucoup de mal. Il s'est beaucoup fait racheter par Netflix, mais ça marche pas très bien ses films sur Netflix apparemment. Donc il y a le nouveau Sofia Coppola qui s'appelle The Big Guide avec Colin Farrell. Pas très fan de Sofia Coppola, Yao, apparemment. Bah là, il y aura Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Nicole Kidman qui est très présente cette année à Cannes. Je crois qu'elle a 3 films. Ouais, donc je pense qu'on la verra beaucoup sur la croisette. Il y a le nouveau Todd Haynes donc qui s'appelle Wonderstruck et son précédent film c'était Carole et là encore c'est deux actrices fortes actrices, je veux dire au niveau du talent hein, pas forcément au niveau de la corpulence. C'est Michelle Williams et Julianne Moore. Donc quand même là avant c'était Roseanne Barr et Melissa McCarthy, voilà, il a choisi du lourd. Du mépris, c'est une constatation visuelle. Donc Michelle Williams et Julianne Moore, et avant c'était, on avait vu son film Carole avec Rooney Mara et avec Michelle Williams, c'est Dawson surtout. Kate Blanchett. Ouais, bah oui, Michelle Williams, non, c'est aussi. C'est Dawson surtout. Oui, moi j'adore Dawson, mais je trouve que c'est aussi. C'est Dawson, mais c'est dans les trucs avec Brokeback Mountain. Le truc des cowboys. Elle a eu une carrière artistique quand même. Ouais, elle a eu une carrière artistique. Oui, merci Hélène quand même de souligner la carrière. Dawson, c'est artistique, non? C'était Kevin Williams. Oui, c'était. J'arrive pas à prendre son nom là, Joker de. Ah, il s'est Ledger. Et côté asiatique, puisque faut quand même finir quand même les 3 grands cinémas souvent à Cannes, c'est cinéma français, américain et asiatique. Après, Jackie Chan. Très bonne nouvelle, c'est de voir pour la première fois à Cannes Bong Joon-ho, The Host et Snowpiercer. Comment ? Il n'a jamais été. Non, il était jamais été à Cannes. C'est quoi le film ? Les Coréens, on les confond de toute façon. Okja, il s'appelle le film. Oui, c'est un film de monstre interprété par. C'est Netflix. Voilà. On avait regardé la bande-annonce ensemble lors d'un précédent podcast. Ouais, on ne sait pas s'il va sortir en France au cinéma, mais apparemment oui. Mais c'est vrai, comme c'est. Comment ? Un film qui passe sur Netflix, c'est que. Je ne sais pas si c'est une première, mais c'est vrai que. Netflix réfléchit de plus en plus à faire ses sorties en même temps au ciné, en fait. Et là, ça serait peut-être une expérience intéressante. Si il sort au ciné comme ça, ça m'évitera de m'abonner. Ouais, surtout avec un film comme ça, c'est assez prometteur. Donc Jake Gyllenhaal et Tilda Swinton, qui était déjà dans Snowpiercer, Et bah, cerise sur le gâteau hors compétition, en plus du film de Desplechin, mais ça c'est pour moi, parce que ouais, ça va faire chier tout le monde, c'est les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks. Ah ouais, voilà. Ouais. Ça va faire un beau casting sur le tapis rouge. Ça va faire un très beau casting sur le tapis rouge. David Lynch qui va revenir. Toujours là, hein, voilà, toujours très attaché. Ça doit être quoi son dernier film présenté à Cannes, c'était Mulholland Drive. Est-ce qu'il n'avait pas présenté Inland Empire ? Inland Empire, je sais. Non, je pense pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il était tourné en DV direct. Et... Je me rappelle de sa campagne aux Oscars. Je sais pas si tu te rappelles de ça, parce que comment elle s'appelle l'actrice qui est dans Inland Empire Laura Dern. Ouais, Laura Dern, il voulait qu'elle soit au moins nominée aux Oscars et il a fait un sitting devant l'Académie des Oscars avec une vache. Elle le mériterait. Je sais plus pourquoi, je me rappelle, c'était un des derniers. Puisque depuis, il n'a pas fait de film. On s'attend à Happening, en tout cas, pour les deux premiers épisodes de. Donc ça va être bien de revoir un peu tout le casting. Cannes, c'est toujours une ambiance. On se moque, on rigole, là on est parti dans nos délires, mais c'est quand même une ambiance intéressante parce que il se passe plein de choses en France, il se passe des trucs, il y a du people, il y a des films complètement improbables. Non, mais il y a surtout des très bons films aussi. Et il y a parfois des bons films. La semaine prochaine, on verra l'ambiance. Parfois des bons films, pas toujours. Moi je suis pas toujours d'accord avec ça. Non, parfois il y a un peu trop l'image du Cannes. Ah, vous êtes dans le cliché du film qui dure 8 heures, moldave. Ils s'en servent un peu aussi de ce cliché. Eux-mêmes ils le reconnaissent qu'ils doivent travailler. Il y a toujours eu du gros blockbuster. Bon, cette année je crois que c'est le Desplechin qui est présenté hors compétition. C'est toujours hors compète. C'est pas Valérien ? Ouais, non, je crois pas. Il y avait là qui est présenté. Je sais pas, moi, je pose ta question, non ? Non, mais ça aurait pu, tu vois. C'est pas des renards qui vont faire l'ouverture. Non, mais c'est typique le film qui pourrait, pour créer l'événement, tu fais un gros film comme ça, pour lancer le festival hors compétition. Après, t'as aussi les sélections d'un certain regard où il y a souvent des cinéastes qui émergent. Non, moi, je trouve que c'est toujours un événement dans l'année cinéma, quoi. De toute façon, on en fera un débrief dans le podcast, ça, c'est sûr. Tout à fait, on parlera encore des films qu'on n'a pas vus. Ouais, et on dira du mal. Voilà. Pourquoi lui, il a pas vu ? C'est de la merde. Pourquoi le Modovar l'a donné ? Et puis bon, il y a un bon jury en plus cette année. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Ah, il y a Will Smith, merci. Park Chan-wook, voilà. Ça c'est intéressant. Écoute, je reprends la parole. On va parler un petit peu de séries. On vient de parler quand même de l'essence du cinéma avec Cannes. Parlons un peu des dernières news séries entre nos deux podcasts. On a eu quand même des choses intéressantes qui se sont passées puisque on a eu des news sur Too Old to Die Young. Hein. On parlait de David Lynch qui avait fait son Twin Peaks justement. C'est le cas en ce moment de plus en plus de grands réalisateurs cinéma, on va dire entre guillemets, qui vont vers le petit écran. C'est vrai que David Lynch était un peu le premier avec Twin Peaks, mais on a eu aussi Martin Scorsese avec Broadwalk Empire, Heavy Neal. On a eu David Fincher avec House of Cards. Et là, on a cette année, pour 2017, a priori, on peut parler de Nicolas Winding Refn. On en avait déjà parlé, hein, donc le réalisateur de Drive et The Néon Démon. Et ouais, qui collabore avec Amazon. Je reviens, David Fincher, c'est House of Cards. Ouais, il est producteur, il a réalisé le premier épisode de House of Cards aussi, peut-être même les trois premiers, je me demande. Bon, bref, pour cette petite parenthèse sur David Fincher, là, donc, je parle donc de Too Old to Die Young, le projet de Nicolas Winding Refn en collaboration avec Amazon. Et c'est vrai que ça a l'air quand même alléchant, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Et là, on a su, entre nos deux podcasts, la star principale de la série, ça sera Miles Teller. Qui va incarner le rôle principal de cette série du studio Amazon. Donc voilà, qui va jouer donc un policier englué dans un monde d'assassins et de yakuza, de mafia russe, de cartels mexicains qui se côtoient, tout ça. Ça va être très joyeux, on le sent également. En tout cas, Miles Teller, moi je suis plutôt content. Hein, c'est l'acteur qui jouait dans Whiplash, film également largement promu dans ce podcast par mes soins. Hein. Voilà, donc non, mais je suis content parce que ça reste un acteur aussi qui a eu une carrière assez intéressante au-delà de Whiplash. Il a quand même beaucoup aussi joué dans des petits films américain, des petites productions, etc., avant d'exploser justement avec Whiplash au grand public. Et là, il retourne. Et les 4 comme... Fantastiques. Et les 4 Fantastiques, un excellent film, hein, conseillé par Dimitri, toujours là. Il joue l'acteur principal dans la série ? Non. Dans les 4 Fantastiques, ouais, il joue l'acteur principal. Chose. Non, Monsieur Elastique, il doit jouer. J'en sais rien, en fait, je ne l'ai pas vu. En tout cas, là, les tournages commencent à Los Angeles, à l'automne 2017. C'est Billy Elliot, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Et tu as toujours confiance en Winding Refn ? J'ai pas toujours confiance, mais je suis intrigué par le projet parce qu'en plus, les séries Amazon, pour l'instant, c'est pas encore l'overdose. Elles sont encore avec un niveau de production assez hallucinante. Il y a plein de vieilleries. Hein. J'ai commencé, je suis abonné. Oh. Ah, c'est vrai ? Parce que je voulais voir The Shield. J'ai toujours pas vu la dernière saison. Ah, excellente série. Donc là, j'ai commencé à rattraper mon retard sur la saison 6 et 7. Du coup. Et ouais, donc Amazon, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de vieilleries. Ouais, ouais. Justement, ils ont racheté beaucoup de vieilles séries, mais là, ils en produisent des nouvelles. Et quand ils produisent, on avait parlé pas mal de Transparente, qui était la série principale avec laquelle ils sont un peu venus sur le monde de la série, et avec laquelle ils avaient eu déjà pas mal de récompenses. Et on sait que là, leur intention, c'est quand même clairement d'élever le game, hein, on va dire. Ils sont face à Netflix, donc ils sont obligés de jouer sur la carte de la production de très haute qualité. Donc, après, je sais pas ce que ça peut donner en série, Refn. Ça va être curieux. Moi, son cinéma m'agace de plus en plus. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai vu Only God Forgives. Voilà, c'est vraiment un cinéma que je trouve un peu prétentieux, un peu démonstratif. Pareil, Valhalla Rising, j'avais pas du tout été fan. Alors j'aime beaucoup Drive, mais je sais pas, j'ai l'impression que Drive c'est un peu le seul truc de Refn que j'aime bien, et puis le reste, je décroche complètement assez rapidement. Je crois que... Julien, t'as vu la trilogie Pusher ? Non, justement, j'ai pas vu la trilogie Pusher. Regarde la trilogie Pusher. Moi, c'est le conseil de Dim. Parce que donc c'est bien, j'imagine, si tu lui dis ça, Dim. C'est bien bourrin, ça doit être. Non, bah oui, puis c'est vachement différent de ses autres films en fait, quoi. Enfin, ça fait plus cinéma classique, un peu de mafia et tout, et c'est vraiment super bien fait, quoi. Ouais, je confirme, c'est vraiment bien. N'hésitez pas. Ouais. C'est un mardi, il joue dedans ou c'est. Non, c'est un mardi, je confonds avec un autre film. Dans Pusher ? Ouais. Je sais pas. Je non, non, le film avec Tom Hardy, c'est Bronson. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est lui aussi, ça ? C'est lui aussi, ouais. C'est le film qu'il a fait juste après, après Pusher, justement. D'accord. Je continue rapidement sur mes news en série, assez rapidement pour le coup, parce que c'est des petites annonces. Hein. C'est l'annonce de peut-être la troisième saison de True Detective. Alors là, si on l'attendait celle-ci, franchement, on s'y intéresse plus trop, hein, cette série qui avait quand même fait un événement avec sa première saison. Je me demande si on n'avait pas parlé ici dans le podcast de True Detective, ah ouais, parce que ça nous avait pas mal secoué, ah ouais. Hein, notamment la première saison. Je crois que Julien, toi, t'avais plutôt suivi et plutôt aimé. Ouais. Ah ouais, et là, rien n'a encore été officiellement déclaré, décidé aux côtés de HBO, mais il y a quand même des rumeurs qui commencent à se confirmé sur cette troisième éventuelle saison de la série télévisée True Detective. Hein. Pourquoi ? Parce que bah, déjà en décembre dernier, rappelez-vous, le comédien Matthew McConaughey s'exprimait et disait que c'était très possible qu'il revienne dans une troisième saison de True Detective. Il disait qu'il avait parlé au créateur, hein, donc Nick Pizzolatto, et que tout ça était en train de se décider, mais que lui, de son côté, n'hésiterait pas une seconde s'il était appelé à revenir dans cette série. Donc c'est quand même aussi un point de réassurance pour les fans, puisqu'il n'était pas dans la deuxième saison qui, de l'avis général apparemment, moi je ne l'ai pas vu, mais était déclarée beaucoup moins bonne et avait beaucoup moins séduit au niveau des audiences. Donc là, depuis, on n'a pas eu vraiment de confirmation officielle, je le disais, de la part de HBO, mais on a eu un média américain qui s'appelle EW qui a affirmé que Nick Pizzolatto aurait déjà écrit les deux premiers épisodes de cette troisième saison, et que justement, il y avait un autre auteur, hein, David Milch, qui allait collaborer avec Pizzolatto pour continuer à écrire la suite de la nouvelle saison de True Detective. Donc en général, on n'écrit pas l'intégralité de la saison si elle n'a pas été commandée. Donc on peut s'attendre à une annonce prochaine de HBO sur une saison 3 de True Detective. Alors est-ce que le public sera au rendez-vous ? Ça c'est une autre question, parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde est parti un petit peu ailleurs avec la saison 2 qui a vraiment, vraiment pas marché du tout au niveau des audiences. Au niveau des autres retours de séries, on peut parler rapidement peut-être d'X-Files. Hein. Je le mentionne, je suis plus obligé. C'est la saison 11 qui a été commandée, hein, le retour de la série culte d'X-Files. On en avait parlé lors de son vrai retour pour la saison 10. Et là, bah, voilà, on l'a appris rapidement, on l'a vu sur Twitter, on l'a vu passer. En tout cas, Dimitri l'a vu puisqu'il gère officiellement notre compte Twitter, donc il est au taquet sur les réseaux sociaux. Il a certainement vu ce tweet de David Duchovny, Gillian Anderson, qui reformeront le duo d'agents spéciaux, hein, Fox Mulder, Dana Scully, voilà, pour cette 11e saison. Dernière série dont je voulais parler, c'est American Epic. Peut-être, Julien, tu en as entendu parler. Je ne sais pas si ça te parle. C'est pourquoi je t'en parle, pourquoi je te fais un clin d'œil, Julien, c'est parce que c'est produit par le rocker Jack White. Oui, d'accord, c'est sur l'enregistrement. Exactement. Oui, d'accord. C'est une série un peu documentaire, ouais, un peu finalement, documentaire. Hein, sur les tout premiers enregistrements musicaux aux États-Unis dans les années 20. Donc, mini-série documentaire, en fait, narrée par l'acteur Robert Redford. Et qui produit aussi, d'ailleurs. Et qui produit, exactement, avec Jack White, ouais. D'ailleurs, qui co-produit de son côté. Donc, voilà, on a eu, ça va être une plongée aux origines de la musique US. On a une bande-annonce qui a été révélée sur cette série American Epic, donc je la mettrai peut-être sur le site upcast.fr si ça vous intéresse. C'est un sujet qui a l'air assez intéressant, et là on peut dire que ça tient au cœur de Jack White, ouais, puisqu'il est producteur et qu'il a l'air de faire ça bien. Donc on va voir ça. Je vous mettrai la bande-annonce sur upcast.fr. American Epic, donc voilà, produite par le rocker Jack White et l'acteur Robert Redford. On verra ça, en tout cas on verra ça, point d'interrogation. Bon, ça sera peut-être moins concerné, pourquoi ? Parce que grève des scénaristes va peut-être un petit peu se mêler de tout ça. C'est la dernière news sur ma partie, en tout cas, puisque bah, vous en avez peut-être entendu parler, mais tous les 3 ans en fait il y a un renouvellement des contrats entre la Writers Guild of America, yeah. On voit ton Erasmus, on sent que je suis passé une semaine aux États-Unis assez tranquillement. Donc voilà, c'est le syndicat tout simplement qui défend les droits des scénaristes du monde de l'audiovisuel. Et bien voilà, il y a un contrat qui se renouvelle entre eux et l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers tous les 3 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà eu une grève des scénaristes en 2007 qui avait quasiment changé l'écosystème même des séries, puisqu'on était passé des séries de 24 saisons à des séries de moins, ce qui ne se faisait quasiment jamais à l'époque. Hein. Pour mémoire, je crois qu'il y avait Lost qui était en plein en ce moment-là, qui avait été touché, qui était passé à 17 épisodes puis à 13 épisodes par saison. Et on a vu comment ça émerger charger les épisodes, les séries avec moins d'épisodes à ce moment-là. Et ça pourrait un peu se renouveler puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelles seront les modalités des paiements pour les scénaristes aux États-Unis. Pourquoi ? Bah parce que qu'est-ce qui se passe ? Les scénaristes ont perdu tout simplement, selon le syndicat des scénaristes, a perdu 287 millions de dollars en rémunération lors de la grève de 2007. De bons nombres ont été annulés et en ce moment, ils n'arrivent pas à aboutir à un accord aujourd'hui hein, sur une nouvelle façon de rétribuer un peu les scénaristes sur les séries qu'ils ont en diffusion aux États-Unis. Donc ça pourrait être impacté pas mal de séries qu'on a l'habitude de voir, notamment des grandes séries, hein, les Walking Dead, ce genre de choses. On verra après, hein, peut-être finalement les accords vont avoir lieu, il n'y aura pas de problème, mais c'est un truc à suivre parce que les grèves des séries, ça a un impact économique assez hallucinant. Je passe la parole vite fait, on regarde sur le point série, mais je passe la parole à Yao rapidement. Toi aussi, tu voulais nous parler de deux séries, je crois. La bonne nouvelle, c'est le retour de Roseanne. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas Je ne connais pas, j'avoue. Dim, il doit connaître à tous les coups. Oui, j'ai des vagues souvenirs en fait. C'était sur M6. Ouais, c'était passé sur M6 en fait. C'est une série qui a débuté en 88 et qui a duré 9 saisons avec Roseanne Barr et John Goodman. L'acteur qui joue dans Big Bang, Leonard, l'acteur qui joue. C'est lui. Il était dedans. Johnny Galecki. Ouais, mais il était super jeune. Ouais, super jeune. Ah ouais, je savais pas du tout ça. Ouais, ça m'avait marqué à l'époque parce qu'il jouait le rebelle beau ténébreux dans la série. Waouh. Comme quoi, il a bien changé. Donc a priori, ils sont repartis pour faire 8 épisodes. C'est une série comique, hein, donc. Moi, je connais pas. Ouais, c'est une série comique, en fait. Et ça, ce que j'aimais bien dans cette série, c'est que ça représentait la middle class américaine. Comme vous l'avez dit sur Roseanne, par rapport à son physique. Ça jouait sur ça aussi. Et voilà, donc c'était avec des sujets assez graves. Et c'était assez comique. C'était une bonne série, je trouvais. Par contre, ça va être le même casting. C'est là que John Goodman avait fait ses débuts, non ? Ouais, c'est ça. Et donc, tu disais ? Ça va être le même casting ? A priori, ouais, tout le monde est. Même Léonard partant pour. Il coûte trop cher. Peut-être Léonard, c'est la question, on ne sait pas, vu qu'il est justement sur Big Bang. Il paye 1 million de dollars par épisode. Bah ouais. Mais je pense que. Il paye 200 000. Bon, non. Ah ouais. Mais peut-être que lui, ça lui plaira bien de revoir. Après, il peut le faire comme ça pour le fun. C'est que pour 8 épisodes. Hein. Après, c'est prévu pour 2018 et il n'y a pas encore de chaîne pour acheter, mais a priori Netflix et ABC se placent dessus. Donc voilà, donc je trouvais que c'était la bonne nouvelle. Ouais, c'est intéressant. Ouais, à suivre. Hein. J'aime bien la série après. Avec le retour de la fête à la maison, c'est. On en a assez parlé. Non, mais j'ai détesté cette série en plus. Par contre, il y a juste. Surtout que le père dans la fête à la maison, il a eu des petits soucis, je crois, non ? Ah bon, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a pas été condamné pour pédophilie ou quelque chose comme non, ça. Non, mais ça, là, on confond la fête à la maison et Seth à la maison, là. Ah non, la fête à la maison, je parle. La fête à la maison, c'est avec Ron Stamos, c'est ça ? John Stamos. Ouais, John Stamos, c'est deux billets jumelles. Seth à la maison, effectivement, c'est la série Pro Jésus, là, machin, etc. Où en fait, le mec derrière, il était hyper louche. Voilà, enfin bon, on va pas l'accuser. Ça et le Cosby Show. Ouais, c'est ça. Et juste pour revenir sur Roseanne, du coup, il y a juste une petite question qui se pose, vu qu'il y a un des personnages principaux qui meurt à la fin de la saison. Donc on se demande comment ils vont ramener tout ça, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il va rester pas bon. Oui, sachant qu'on n'a pas eu les deux dernières saisons en France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Ah, probablement un crossover avec Alf. Ils vont faire revenir le personnage principal par un tour de passe-passe. Ah putain, c'était trop bien, Alf, j'adorais. Donc voilà, je vais suivre ça de près. C'était mortel, Alf. Alf, ça va revenir, Alf. Mais t'es fou. Ah non, mais arrêtez de faire revenir les trucs. Non. Ah non, Elohim, ça va revenir, Alf, non ? Il n'y a pas une annonce d'un retour de Alf ? Je sais pas si c'est vrai que c'est revenu dans l'actualité récemment. Je crois pas. Non, il y a juste eu un teaser pour quelque chose, peut-être pour fêter les. J'adorais quand j'étais petit. Faut que je cherche ça, j'adorais Elf. Mais le souci avec Elf, c'est que quand tu le voyais en plan large, il était tout moche. Enfin, tu vois, il était mignon de. Il était moche. Il était assez moche. Ça devait que c'est vraiment quelqu'un dans un costume, quoi. C'était l'époque, hein. Ouais, c'est un truc, ça avait un décalage quand tu voyais le fond en 3D en image de synthèse et tout. C'est tout pourri. Non, par contre, la série de dessin animé était mortelle. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais le dessin animé était mortel. Non, non. Mais. Les Tannen. Tu sais, il y avait des Tannen. Oh putain. J'adore. Tu m'as trop loin. C'était les années 80-90. J'aime bien la fille Tannen. Avec un petit correctif en direct d'Elohim sur Twitter. Et d'ailleurs, pour revenir sur Jordan, ce qui est marrant, dans Big Bang Theory, la mère de Sheldon. En fait, elle jouait dans Roseanne aussi. C'était la sœur de Roseanne. Ah, tout se tient. Tout donc, ouais, ça se trouve, c'est la suite en fait de Roseanne. Et ouais, donc il disait Elohim qui disait en direct sur Skype qu'en fait, je m'étais trompé, trop détective. La saison 2 avait finalement peut-être bien marché. Tu disais Elohim, toi, sur Skype. Sur HBO, en tout cas, les audiences que j'ai vues sur HBO sont meilleures globalement pour la saison 2 que la 1. Ah ouais. Maintenant, peut-être qu'ils l'ont moins revendu parce qu'effectivement, la critique était moins bonne. Ça, ouais. On est d'accord. Bon, écoute, on verra. De toute façon, la saison 3 n'est pas encore annoncée. On verra ça bientôt. On a fini un petit peu sur les séries. Juste annoncer qu'il y a la saison 2 de 10%. Oui, tu veux le sucrer, 10%. Qui a repris, moi j'aime bien cette série, je crois que t'aimais bien aussi Julien. J'adore 10% et j'adore la saison 2. Alors c'est pas une news en fait, c'est pas une news, c'est juste pour dire qu'elle était là. C'est dans l'actualité. J'ai pas du tout regardé. Les personnages, je les trouvais assez énervants. Est-ce que la série est bien, ouais? Bah moi j'aime beaucoup. Alors après, c'est un débat en plus qu'on avait tout à l'heure ici. On l'avait en off avant de commencer. Avec Grégoire, puisque. Avec ma femme, on a essayé de regarder et. J'aime bien le principe, je trouve que c'est une bonne idée, etc. J'aime beaucoup Camille Cotin, la façon dont elle joue, mais alors tout le reste, je trouve qu'il joue comme des branquignoles, quoi. Ça joue super mal. Non, je reconnais que celui qui joue Mathias là. Si tu nous écoutes, tu joues mal. Le nouveau boss là. Ah, il est bien lui. Hicham. Ah, je l'aime bien moi. Il joue pas terrible. Ouais, il joue pas terrible, mais personnellement. Il y en a beaucoup qui jouent mal. Il y en a beaucoup. En gros, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une star ou deux dans un épisode. Ouais. J'ai vu celui de Norman, ça m'a fait un peu marrer. Entre guillemets, c'est pas le meilleur. Tu vois, ils se moquent d'eux-mêmes, donc c'était assez sympa. Ouais, et puis moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on a parlé en off, c'est que je trouve qu'ils ont réussi pour cette saison à mêler en fait ce qui se passe avec les stars et ce qui se passe dans l'agence. En fait, dans la première saison, c'était un peu en parallèle. T'avais un peu ce qui se passait avec les stagiaires, ce qui se passait avec les boss, ce qui se passait avec les stars. Et là, ils ont réussi quand même à croiser sans que ça soit totalement artificiel. Et je trouve que la saison marche très très bien. Voilà, donc c'est juste pour dire ça, 10%. Vous pouvez, je pense, la regarder soit en VOD, enfin vidéo à la demande. Sur Plus aussi. Ouais, sur Plus.fr, quelque chose comme ça. Peut-être vous dépêcher si vous avez raté, il la rediffuse. Il était encore 17 jours pour regarder. Ah bah ça va alors. Profitez-en sur Plus.fr. Ça sera la semaine prochaine vu qu'il y a le débat. Donc ça vous arrange, on passe à la suite quand même, parce qu'on en est déjà à une heure d'enregistrement, on n'en est qu'à la moitié même pas du début du divertissement. On va y aller, donc Julien, je te laisse la parole. Ceux qui l'aiment prendront le train. Ah oui, je mets toujours des titres un peu énigmatiques. Titres énigmatiques, on ne sait pas de quoi il va parler. De référence à Chéreau, mais je ne vais pas du tout vous parler de Chéreau. Je vais vous parler du prochain film de Clint Eastwood, qui a choisi en fait pour sujet l'attentat heureusement avorté du train Thalys en 2015. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Donc ça, c'est un projet quand même assez risqué, je trouve, un peu casse-gueule. Donc c'est une adaptation en fait du livre qui s'appelle 15h17, alors je ne vais pas le dire en anglais, 15h17 to Paris, voilà, je vais le dire en franglais, de Anthony Sadler, Alec Scarlatos et Spencer Stone, qui étaient en fait les trois passagers du train Thalys qui reliait Amsterdam à Paris et qui avait réussi à maîtriser un homme équipé d'armes automatiques. Il y aura Jean-Luc Anglade. Hein, c'est vrai que Jean-Luc Anglade était dans le train Thalys, correctement. Je ne me souviens plus pas. Donc voilà, c'était un attentat qui avait été déjoué puisqu'il voulait ouvrir le feu sur les passagers et c'était presque un peu par chance. Il l'avait entendu, je crois, dans les toilettes en train de recharger les armes. Et donc, Eastwood, il va creuser après Sully et American Sniper la figure du héros américain ordinaire et quotidien. Donc on va voir quelle zone d'ombre il va essayer de mettre. Et de tous ces lâches de Français qui sont pas intervenus aussi. Non, c'est intéressant. Finalement, c'est une histoire qui est assez linéaire. Il n'y a pas. Enfin, Spencer Stone, je crois, un peu plus de zone d'ombre. On en a entendu parler un peu après. Mais disons, qu'est-ce qu'il raconte ? Peut-être qu'il va raconter avant, peut-être qu'il va raconter après. Est-ce qu'il va se tenir simplement au sujet du film, simplement ce qui s'est passé ? Je pense pas. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant, un peu, un peu casse-gueule. Et en fait, il a déjà eu l'occasion de rencontrer les trois hommes puisqu'il leur a remis en 2013 le Hero Award lors des Guys Choice 2016 en Californie. Donc voilà, je pense que c'est un sujet quand même assez eastwoodien sur le héros américain. Et bon voilà, c'est assez intéressant. C'est toujours bien, moi je trouve, que des cinéastes s'emparent des sujets d'actualité assez rapidement plutôt que d'attendre des années. Je trouve ça, c'est un truc que font très bien les Américains, donc voir ce que ça va donner sur un sujet comme ça. Bon, la réponse, j'imagine, en 2018, quoi, quelque chose comme ça en gros. Je sais pas si encore. Après, il peut aller assez vite, Eastwood. Bon, écoute, intéressant, on va voir comment il s'en sort avec un sujet aussi touchy, casse-gueule à souhait, mais bon, Eastwood a peut-être le talent pour faire ça, on verra. Elohim, je te passe la parole, tu vas nous parler du plus gros succès du cinéma, il est temps qu'on en parle un petit peu, à savoir d'Avatar, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, Avatar est revenu dans l'actualité, je crois, dans les deux derniers mois, là, plusieurs fois, et pour dire qu'il mettait en route la production, et pour dire que finalement c'était repoussé, donc là, apparemment, ce serait 2019. Enfin, en tout cas, pas avant 2018, ce serait pas dans l'année. Et parce que, vous comprenez, on est en train de faire le 2, le 3, le 4, le 5. Je crois 5, c'est ça, hein, en tout. Je crois qu'ils vont faire 5. Je crois qu'ils en faisaient que 3, moi. Je sais pas. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Je crois qu'il a bien raison, t'as bien raison. je crois que t'as bien résumé la problématique. Ouais, et j'ai l'impression que, enfin, vraiment, autant ça reste le film qui a le mieux marché jusqu'à maintenant, mais... j'ai pas l'impression que ça aille quelque part. Et alors, soit ça va être la catastrophe industrielle, soit peut-être ça va cartonner, encore une fois, par surprise, hein, je sais pas. Et ce qui est bizarre, c'est que... Voilà, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en rappelez du film ? Est-ce que vous l'avez revu ? Est-ce que vous en gardez un souvenir intéressant ou... Ce qui est triste, c'est qu'en plus, James Cameron, il voulait vraiment créer un univers à part, ouais, et tout, que ce soit aussi puissant qu'un Star Wars, par exemple, et puis que, voilà, quoi, tout le monde s'en fout, et... Et pour l'anecdote, oui, je me rappelle très bien d'Avatar. C'est peut-être le film que j'ai plus vu dans ma vie, au moins une soixantaine de fois, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une grande enseigne, on va dire multimédia et tout, dans un rayon télé, et je les voyais à longueur de journée pendant des semaines et des semaines. Putain, le cauchemar. Donc c'est vraiment le film que je peux vraiment plus voir du tout. Mais par rapport à ce que tu disais, Elohim, c'est marrant. Moi, j'écoute. Ben, je suppose que tu as entendu dans Super Ciné Battle. Ouais, ils ont parlé. J'ai l'impression qu'il a pas une bonne réputation. Plus ça va, Avatar, j'ai l'impression qu'il y a plein. C'est pas un très bon film en soi. Enfin, je veux dire, à l'époque, techniquement, il est très réussi, etc. Il y a rien à dire. Ouais, ouais. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression. Pour la 3D, déjà à l'époque, il était pas formidable. Tout le monde le trouve pourri en histoire, quoi. C'est pas un film qui a un scénario complètement dingue. Non, c'était plus la performance. C'est la performance technique, quoi. C'est la performance technique qui est intéressante. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a marqué. Ouais, ouais. Après, et puis après, le traitement des indigènes et tout ça, bon, ça volait pas super haut non plus, quoi. Tu vois, ça, c'était pas. Après, c'est dit qu'à moi, non. C'est pas. Et puis ça reste quand même encore un film où le gentil blanc vient sauver encore, tu vois, un autre peuple en lui disant ce qu'il faut faire, quoi. Au final, donc c'est un peu le dilemme qu'il y a dans beaucoup de ces films. Ça. Avatar, mine de rien. Moi, là où je me dis peut-être que, bah, effectivement, pour l'instant, comme t'as raison, enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi, Elohim. J'ai l'impression que les annonces, tout le monde s'en fout un petit peu. Ils pourraient leur pousser à 2029 que les gens ça les choquerait pas plus que ça. Ça fait mille ans, quoi. Je pense que les gens ont un peu oublié. Ouais, il y a des gens, y a même des enfants qui vont même pas connaître le premier en fait, hein, finalement, quand ils vont commencer à sortir les autres. Mais je pense qu'ils vont mettre tellement de budget marketing au moment où ils vont sortir. Et puis j'imagine que si Cameron fait un délai aussi élevé, c'est qu'il va promettre d'autres innovations techniques complètement dingues. J'imagine une réalisation en 3D encore plus poussée, alors que déjà c'était assez poussé pour l'époque, le premier Avatar. Ouais. Je sais pas s'il y en a encore des gens qui ont à foutre de la 3D. Par contre, voilà, est-ce qu'il va falloir encore rééquiper tous les cinémas avec des nouveaux projecteurs, parce que Avatar 2 il sera en 4D, je sais pas quoi, il faudra lancer de l'eau aux gens pour qu'ils aient l'impression d'être mouillés en même temps. Non, mais tu vois, une connerie comme ça. Ce sera le même casting ou pas? Parce que Sam, il a du mal au cinéma. Ils sont tous morts depuis sa carrière. Clinton, c'est un peu chaud, hein. Ouais, il fait plus grand chose, mais je crois que ça sera lui encore. Non, c'est ça, ouais. Quand il est sorti, je crois qu'il avait fait Terminator 4 ou 5 en même temps. Donc c'était genre le choc des titans, là. Ouais, Star Titan. Ouais. Ouais. Et depuis, il s'en est bien sorti. Plus rien fait, quoi. Et puis il sortait de la série. Sam Worthington, il n'était pas dans une série ? Je sais pas. Non, il est débarqué direct. Je croyais qu'il débarquait d'une série. Non, tu comprends. Peut-être. Et du coup, ouais, il compte sur Cameron pour... Bah, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Après, Cameron, il est toujours attendu au tournant et en général, les gens vont voir ce qu'il fait, quoi. C'est un peu un magicien du box-office, ce mec, quoi. Il peut faire n'importe quoi. Ouais, il a sauvé Titanic, quand même, tu vois. Ouais. Finalement, à un moment, c'était le projet qui était complètement... Le mec a quand même fait deux films qui ont été les premiers au box-office dans l'histoire du cinéma. Et voilà, les deux de lui. Ouais, Dim. Je pense aussi, vu que ça va sortir en 2019, hein, c'est bien ça. Ouais. On fêtera les 10 ans du premier, donc je pense que le premier va faire une ressortie. Déjà, ça sera pas mal, ça sera pas mal médiatisé. Et donc voilà, quoi, les gens vont s'en rappeler. Il y a peut-être des chances que ça marche. Ouais, je pense que ça va marcher. Je m'inquiète pas pour qu'ils le relancent. C'est juste que sortir un film chaque année, quand il y a d'autres films qui sortent chaque année, c'est-à-dire il y a Star Wars qui sort en même temps, prévu à Noël chaque année. On est en train de lancer plusieurs trilogies comme ça. Il y a Fast and Furious aussi, tous les ans. À cette époque-là, il n'y avait pas les Marvel encore qui prenaient. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de blockbusters, quoi. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Mais après, on n'est pas à l'abri que ça soit aussi encore repoussé, quoi. ça a déjà été repoussé, je sais pas combien de fois, mais les suites d'Avatar, j'ai l'impression que c'est comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness, quoi. Ça n'existe pas en fait. Il faut penser à Dim et son emploi du temps, comment il va faire pour voir tous ces films. Comment on peut tout aller voir, quoi. Mais après, je suis assez d'accord que c'est un film qui est un peu oublié, quoi. Tu vois, qui a pas tellement marqué en fait l'histoire de la science-fiction, tu vois, comme un Matrix où on en parle. C'est pas un film qui est tellement cité. Ça n'a pas les mêmes ambitions, je pense aussi qu'un Matrix, honnêtement. Non, mais il y avait quand même. Tu vois, qu'à l'époque, il avait une bonne réputation, quoi. Ouais, quand c'est sorti et tout, mais c'est pas un film très cité, quoi. Tu vois, aujourd'hui, bon, comme disait Elohim, on l'a un peu oublié, quoi. On s'en fout un peu. En tout cas, il y a d'autres choses qu'on va retrouver d'ici la sortie d'Avatar en 2019. Ça va être le point retrouvaille de Dim, puisque ça va être, je pense, un point sur toutes les suites qui ont été annoncées, les suites ou les reprises ou trucs, les machins, les bidules dont on a rien à foutre, mais qui vont quand même nous obliger à les regarder. Alors, qu'est-ce qui nous annonce comme programme pourri? le point à retrouvailles. Donc ouais, pendant cette période d'absence, j'ai pas mal médité, invoqué des forces divines afin de trouver de nouvelles rubriques pour Upcast. Et les humanoïdes reptiliens m'ont apporté la réponse avec le point à retrouvailles. Donc non, plus sérieusement, je vais commencer ce premier et peut-être dernier point à retrouvailles par celle entre David Fincher et Brad Pitt. En effet, Fincher a été choisi pour réaliser la suite de World War Z. Alors on peut imaginer que c'est Brad Pitt qui a influencé ce choix après leur travail en commun, hein. Donc Seven, Fight Club et Benjamin Button. Une news que j'aurais pu mettre aussi dans les projets risqués, parce que bon, on va pas se mentir, hein, le premier World War Z, c'est à peu près pareil qu'une citerne remplie de chiasse, hein. C'est vraiment bien pourri. Mais bon, je me dis que la super réalisation de Fincher peut faire des merveilles sur un film de zombies. Et je pense qu'il a de bonnes idées en tête s'il se lance sur ce projet. Quitte même à ne pas tenir compte du premier. De toute façon, tout le monde a oublié le premier. Ah, mais le 1, il avait bien marché, non ? Le 1 avait plutôt bien marché, ouais, mais bon, je pense que maintenant, tout le monde s'en fout un peu aussi, quoi. Et alors ensuite, deuxième point, alors les petits malins derrière Jurassic World 2 savent très bien que la nostalgie, ça paye. Et ils ont donc décidé d'organiser les retrouvailles entre Jeff Goldblum et la licence, où il va logiquement reprendre son rôle de professeur cynique et rock'n'roll, Ian Malcolm. Donc, une très bonne idée, vu que Jeff Goldblum est revenu vraiment au sommet de la hype. Par exemple, il poste une photo de lui. Là, justement, j'allais te demander, ouais, c'est quoi ce truc dans un food truck, là? Je sais pas. Bon, en tout cas, Twitter a littéralement brûlé suite à ça, quoi. Ah, mais c'est le community manager, il sait tout, hein, Dim. Normal. Ouais, je suis au courant, ouais. Et Jeff Goldblum, pareil aussi, il est dans le trailer de Thor Ragnarok et bam, record de visionnage. Donc c'est juste hyper dommage que Sam Neill ait refusé l'offre d'apparaître lui aussi dans le film. Bah, il aura d'air, et je pense aussi que Laura Dern est pas mal occupée, notamment par un certain Star Wars 9 réalisé par Colin Trevorrow, donc le réalisateur du premier Jurassic World. Putain, il arrive à nous le replacer, les gars, putain. On se laisse faire, bordel, on se fait marcher sur les pieds par Tim, là. Et enfin, donc, pour un dernier point, et là je me suis vraiment pas foulé, mais je l'avoue, mais c'est James Gunn qui retrouvera pour une troisième fois les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Il l'a annoncé peu de temps avant la sortie du volume 2. Donc le volume 3 sera le film, l'ultime film de la franchise. En tout cas, la dernière fois qu'on verra les Gardiens sous cette forme, le film se passera peu après Avengers Infinity Wars et 4 ans après le volume 2. Je vais pas trop en parler, non. Mais l'intrigue du troisième film a l'air de pas mal se dévoiler dans le deuxième. Donc un conseil, comme à chaque fois, restez bien jusqu'à la fin pour voir les 5 scènes post-génériques du volume 2 pour savoir de quoi je parle. Ouais, surtout bon courage pour rester jusqu'au bout de ce film, hein. C'est un étron également. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je vais en revenir, j'en reviendrai là-dessus. Ouais, tu peux pas faire pire que Power Rangers, de toute façon. En tout cas, bon voilà, bah, merci pour ce point retrouvaille avec des noms qui nous ont fait rêver quand même, hein, là. Merci, tu vas loin. Julien, je te repasse la parole avec un autre réalisateur, qu'on aime retrouver pour le coup. Oui, bah d'ailleurs, c'est un bon enchaînement, puisque des retrouvailles, il va y en avoir. Pas un jeu de mots, là. Je suis déçu. Là. Non, j'avais pas d'idée. Il était tard, donc pas d'idée. C'était Verhoeven en chaîne. Il n'y avait pas de jeu de mots. Oui, donc Elle, hein, le film que a adoré Dim, et c'est Ironie Inside, que moi, j'ai pas encore vu d'ailleurs, qui a marqué le grand retour de Verhoeven 10 ans après. Moi, je trouvais le très bon Black Book, hein, pour ceux qui l'auraient pas excellent vu. Film. Excellent film. Donc là, après Isabelle Huppert, Verhoeven va donner le premier rôle de son prochain film à une autre francophone, bon, alors, belge, hein, c'est, je dis retrouvaille avec la France, c'est pas vraiment la France, puisque c'est pour le coup la Belgique, mais Virginie Efira fait quand même beaucoup de films, ouais, beaucoup de films en France, donc c'est elle dont il s'agit. Virginie Efira, qui donnait déjà un petit rôle dans Elle. Le projet, c'est l'adaptation d'un roman dont le sujet semble de loin comme ça aller comme un gant à Verhoeven. Hein. C'est l'histoire vraie de Sœur Benedetta, une religieuse accusée d'homosexualité par sa hiérarchie et emprisonnée pendant 35 ans dans son propre couvent pour conduite immorale. Donc le livre, c'est Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne. C'est une historienne et auteure américaine qui s'appelle Judith Sebron et le film s'appellera Sainte Vierge. Voilà, donc moi je trouve bon choix pour Virginie Efira. Surtout l'affiche, il veut pas le dire. Hein, mais j'ai vu l'affiche. Ouais, je vois. Ah oui, elle est pas mal. mal. Il y a déjà l'affiche. Ouais, il y a déjà une affiche. Je sais pas si c'est l'affiche officielle ou une affiche teaser. En tout cas, carrière intéressante pour Cyrala. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est quand même un choix assez intéressant de tourner avec Verhoeven. Bah, voilà, on sait que. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de 10%. Elle est aussi dans 10% la saison 2. Premier épisode avec Ramsey d'ailleurs. Voilà, avec Ramsey. Et voilà, c'est juste pour dire que Verhoeven, il sait quand même révéler des actrices. On parlait de Black Book. Il y avait Candice Van Houten. Showgirl aussi, tu veux parler. Showgirl. Bah, non, mais Showgirl, maintenant, c'est un film qui est. C'est dingue. Qui est beaucoup revu. Hein. Voilà, qui est super apprécié. Qui est beaucoup revu derrière. Elisabeth Chou. Ouais. Ça. Oui, mais bon, voilà, c'était quand même dedans. À l'époque, on critiquait beaucoup le film. Maintenant, c'est vrai qu'il est beaucoup revu à la hausse. Voilà. Et donc là, Isabelle Huppert, qui a eu beaucoup de prix pour elle. Donc voilà, c'est quand même un directeur d'acteur qui sait écrire des personnages féminins. Voilà, bon, c'est Basic Instinct aussi, quand même. Donc, Il y a Dennis Richard dans Starship Troopers aussi. Ouais, mais bon, là, c'est le film jouait un peu contre. Attends, elle a fait un James Bond aussi. Il jouait un peu contre les acteurs. Mais voilà, je trouve que c'est un choix quand même intéressant. Virginie Fira fait quand même des choix de carrière, je trouve assez intéressant. Et du coup, c'est quoi ? Ce sera un film français ou ce sera un film Je crois que c'est toujours c'est français, c'est toujours des capitaux français. Alors après, c'est toujours l'éternel débat de savoir. Est-ce que pour moi, c'est pas un film français. Moi, ça devrait pas être au César. Hein, pour moi, ça devrait être aux Oscars. Enfin, pas. Enfin, ça devrait être par rapport au pays de l'auteur, en fait. Enfin, du réalisateur. Donc, après, je sais pas quelle nationalité il a maintenant, Verhoeven. S'il est toujours la nationalité hollandaise ou s'il est américain. En tout cas, c'est un sujet tout tracé pour lui. Hein. Ouais, voilà. Ça, comme ça, de vu de loin, ça lui. Je suis content pour Fira. Ça va lui lancer une. Je suis content. J'ai vu Victoria, ça m'a. J'ai pas du tout aimé. Ouais, bah c'est spécial. Hein. Je peux comprendre qu'on aime pas forcément. Je suis content pour Fira. Je me faisais du souci en ce moment pour elle. Je trouve que c'était J'avais peur pour sa carrière. Ouais, elle me rassure avec Verhoeven. On continue sur le point retrouvailles. Alors, après Verhoeven, on va retrouver un lien entre The Rock et Statham. C'est Elohim qui va nous en parler. Hein, toujours dans les grands écarts. Putain, les grands écarts qu'on fait dans ce podcast. C'est n'importe quoi. Elohim, c'est quoi ça? Oui, pas mal. C'est quoi ce truc? Je pense que ce qu'on préfère dans les derniers Fast and Furious, je parle pour moi, je m'engage pas pour vous. Mais tu peux parler pour moi aussi. C'est plutôt The Rock et l'introduction de Statham, entre autres. Alors, j'ai pas encore vu le dernier. Je vais pas payer une place de cinéma pour ça encore, mais disons que voilà, apparemment, il prévoit de faire un spin-off seulement avec ces deux-là. Ouh. Séparément, plus de Vin Diesel derrière. Donc, ça pourrait être finalement. Une bonne idée pour la série. Je pense que Vin Diesel ferait son truc de son côté avec son ego et puis voilà quoi. C'est bizarre, hein. Vin Diesel. Après, c'était un peu... si je peux le permettre, je l'ai vu le dernier Fast and Furious. Ouais. Et c'est vrai que déjà Vin Diesel, il est un peu en retrait dans celui-là. J'ai trouvé par rapport aux autres et on voit quand même pas mal donc les deux, Le Rock et Jason Statham. Et ils sont, ils marchent vraiment en binôme et en duo dans ce film et ils sont juste énormissimes. Ils sont obligés de travailler ensemble alors qu'ils se détestent. Et, ils n'arrêtent pas de se balancer des pics, de s'insulter et tout. C'est jamais vu. C'est pas un classique du buddy movie ça. C'est pas original, mais franchement les deux, ils fonctionnent super bien ensemble. Et franchement c'était magique quoi. Il y a certaines scènes avec les deux quand ils sont en train de s'insulter, on va dire. Par cellule interposée en prison, c'est juste magnifique. On peut avoir un petit aperçu dans la bande-annonce. Et, non, ça annonce du lourd. Bon, je pense que c'est des bons gars tous les deux en plus. Je pense aussi. Je pense qu'ils ont gardé la tête froide. Ouais, mais du coup, c'est lié à ce qui paraît selon les bruits de tournage, à l'embrouille entre Diesel et The Rock qui ne s'entendaient pas sur le tournage. Donc, c'est pas étonnant que. Moi, je ne ferais pas chier The Rock quand même. J'avoue. Moi, je ne ferais pas chier Vin Diesel non plus. Je ne ferais pas chier Vin Diesel, mais je ferais moins chier The Rock encore. Chier Vin Diesel. Je pense vraiment que Vin Diesel, c'est vraiment un gros connard. Oui, il a l'air d'avoir moins d'autodérision quand même. Pour s'embrouiller avec Le Rock, c'est quand même le bon gars ultime. Quoi. Enfin, tous les trucs que je vois sur lui, il a l'air d'être trop cool. Il y en a plein qui disent que ça sera le prochain président des États-Unis. Hein. Qu'un jour, il sera président des États-Unis, ce mec. Hein. Il a une ambition. Tout est possible maintenant. Moi, j'avais compris que Fast and Furious, Vin Diesel, c'était le Furious dans Fast and Furious, en fait. Donc, est-ce qu'ils vont changer aussi le nom de la licence après ? Est-ce que ça va juste s'appeler The Bold Guys ou je sais pas quoi, un truc comme ça dans ça. Je sais pas, bon, bref. On va passer un petit peu à la musique. T'avais fini, Elohim, avec ce magnifique spin-off qu'on attend tous. Ouais, avec... je pourrais en parler des heures, mais je peux en parler qu'une minute aussi. C'est pas un problème. On en parlera en off. C'est ça. Parlons un petit peu musique, hein, Julien. Je sais pas si on va parler musique alors, parce que tu sais de quoi je parlais, parce que le titre de la news de Julien, je la révèle, c'est toujours moche dans la Tess. Donc pour ceux qui ont compris, c'est bien sûr PNL derrière voilà, ces ouais, magnifiques lyrics. Ouais, c'est le point PNL. Enfin, mettre un jingle, nique ta célébrité, nique ton boss. Tu trouves ça et tu mets ça direct en c'est jingle. C'est clair. Bah oui, j'imagine que vous avez entendu parler de l'histoire de l'annulation de leur venue au festival californien Coachella. Je sais que tu étais allé là-bas pour ça d'ailleurs. Bien sûr, hein, tout à fait. Au premier rang avec toutes les hippies qui sont là. Qui voulaient voir voilà, PNL. Donc faute de visa, Ademo a été interdit d'entrer sur le sol américain. Hein. Bon, voilà, moi je voyais passer des Twitter disant enfin, un bienfait de la loi Trump. Je sais pas si c'était Trump, protégeons notre culture. Voilà, je dis ça alors que moi j'adore PNL, hein, comme tout le monde le sait. Voilà, pourtant, les deux rappeurs se sont montrés pour le coup volontaires et inventifs pour trouver une solution, puisqu'ils avaient en fait proposé aux organisateurs du festival que la prestation scénique d'Ademo, donc qui était restée en France, soit retransmise en direct sur des écrans géants depuis la France, pendant que Nos, lui, se produirait sur la scène de l'Empire Polo Club à Indio. Donc c'était plutôt une bonne idée, mais qui a été refusée. Ouais, non, après, c'est peut-être compliqué à mettre en scène. Est-ce que les gens ont envie de payer, surtout dans le cadre d'un festival où il y a plein de groupes, est-ce qu'ils ont envie de payer pour voir deux types sur des écrans géants en train de faire une prestation? Il y a un truc qu'il faut préciser quand même, c'est que PNL aux États-Unis est vachement populaire. Hein. C'était quasiment une des têtes d'affiche du festival. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus d'efforts au niveau de l'organisation pour juste mettre un écran. Tu vois, c'est pas non plus. Ouais, après, je trouve un peu bizarre d'avoir un concert par écran interposé. Après, c'est un autre débat. Apparemment, ils avaient des problèmes avec Skype. Hein. Mais bon. Tu aurais pas de salle de réunion. Eux aussi, il faut qu'ils passent à la fibre. Ouais, c'est clair. Et autre actualité PNL la semaine dernière, puisqu'ils ont reporté en fait leur tournée au mois de novembre. Donc la raison, en fait, les types sont perfectionnistes ou très mauvais, c'est selon. Puisqu'en fait, ils sont pas satisfaits du tout de leur live. Donc ils ont déclaré, on a besoin d'aller au bout de nos idées pour que ce spectacle soit à la hauteur de ce qu'on veut faire. Cela nous demande donc plus de temps que prévu. Nous voulons vraiment faire des spectacles dignes de vous et de nous-mêmes. On n'arrivera pas sur scène sans faire des concerts de fous. Alors après aussi, ce qui se dit, moi je l'ai pas vu en concert, mais apparemment c'est assez moyen sur scène. Ouais, bah en même temps ça me donne pas. Hein. Ouais, c'est pas forcément une musique qui se prête vraiment à la scène. Ils font très très peu de concerts, on l'avait dit. Hein. Ils ont depuis la formation. Ils ont pas de niveau, c'est tout. Ouais, bah c'est une raison, hein. C'est possible. Non, mais il y a aussi des artistes qui sont beaucoup plus à l'aise en studio, d'autres. Voilà, c'est toujours un. Bon, c'est l'éternel débat dans la musique. Qu'est-ce qu'un bon groupe? Est-ce que c'est un groupe de scène ou un groupe de studio? Pas rentrer dans ce débat, mais voilà, donc ils veulent perfectionner, donc ils ont reporté la tournée. Donc Dean, tu peux te faire encore échanger tes places. voilà, mais tu peux aussi garder ton billet, il fonctionnera pour la date qui arrive. Donc Julien, attends l'annonce. Merci pour le conseil. Voilà, donc ouais. C'est ça qu'on pourrait offrir à notre 99e, centième fan Facebook, là, un truc de PNL. Une place de concert PNL avec Julien himself. Une place de concert ouais, PNL avec Julien. C'est pas donné quand même. Ah ouais, non, ça fait chier, là. Plutôt voilà, offrir un fer à lisser, là, pour se faire la coupe de PNL. Bon, on va continuer et on va même peut-être presque terminer le point divertissement avec la fameuse rubrique l'heure des trailers. Hein, vous le savez, donc l'heure des trailers, c'est tout simplement on s'envoie tous en commun quelques trailers qu'on a envie de commenter ou qu'on a envie de se partager pour le faire regarder aux autres. Et je crois que le premier, c'était Dimitri qui nous l'avait partagé, c'était le trailer de Hit. Hit, hein, comme IT, hein, pas donc, H-E-A-T. Ça, si je traduis bien, hein, le livre de Stephen King. Oui, il est revenu. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer? J'imagine que vous l'avez vu parce que c'était un des trailers les plus regardés de l'année. Hein. Il a fait des records, etc. Est-ce que ça vous avait fait flipper? Pour ceux qui l'ont j'ai hésité vu que je m'en souviens l'original. C'était un téléfilm ou un film? Parce qu'ici, c'était un téléfilm. C'était un téléfilm en deux parties. Mais c'était un téléfilm aussi aux États-Unis? Il me semble, ouais. Ouais. D'accord, bon, donc ouais, j'hésitais parce que ça m'avait bien traumatisé, comme je suppose des gens de génération. Comme tout le monde, je pense. Et donc ouais, moi j'ai trouvé ça efficace en fait. Très efficace. Ouais. Toi, t'as vu Julien? Ouais, je l'ai vu, c'était la bande-annonce pour Stranger Things 2, c'est ça, hein, la saison 2 de Stranger Things. ça ressemblait beaucoup. Bon, après, forcément, Stranger Things s'inspirait beaucoup de cette période du cinéma et de Stephen King aussi. Non, j'ai trouvé ça, comme disait Yao, vraiment efficace. Ouais. Toi, en fait, j'étais là dans la bande-annonce, je me disais, putain, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'il va venir le clown là? Et c'est quand même assez bien foutu. En même temps, dans ma vision de truc, j'avais le clown de, justement, du téléfilm, et c'est vrai que ça a bien changé. Ouais, il fait encore plus peur qu'avant. Ouais, c'est assez bien. Moi, je trouvais ça efficace. Alors après, ça veut pas dire que le film sera bien, mais dans la bande-annonce. Vachement respectueux aussi du premier téléfilm, finalement. Ouais, parce que la bande-annonce de Godzilla était très efficace. Bah oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas représentatif forcément du film. Elohim, tu l'as vu là? Ah, Elohim est plus avec nous, malheureusement. Je crois qu'il y a une coupure internet de son côté, donc on fera un petit montage également. Alors en fait, il doit changer de salle. Il est au travail. Chut, chut. On ne révèle pas les secrets d'Elohim. Par rapport à ce que tu disais, Julien, c'est vrai que maintenant, maintenant, j'ai tendance à me méfier des bandes annonces. Ah, bah oui, toujours se méfier des. Et du résultat final. Celle-ci est réussie, on va dire, en termes de bandes annonces. Moi, en tout cas, ça m'a bien hypé. J'adore le livre, j'adore déjà aussi le téléfilm, même si je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être un peu vieilli, mais moi, il me fait toujours autant flipper. Et celui-là, je pense que pareil, je vais bien me chier dessus, quoi. Mais bon, ça me... j'attends vraiment ça avec une grande impatience. Eh bah écoute, en tout cas, 197 millions de vues en 24 heures pour ce trailer, hein, quand même. Donc il a battu le record. C'est quelqu'un de connu. Le réalisateur, c'est Andrés Muschietti. Celui qui a fait Mama, il me semble. Un autre film d'horreur. Ouais, un autre film d'horreur qui faisait bien flipper aussi. Donc, Hit, hein, on aura la réponse. Je pense que c'est aussi une question générationnelle. Tous les gens de notre âge ont vraiment eu hyper peur d'avoir été traumatisés par ça. Donc, ça attise bien la curiosité, quoi. En tout cas, réponse en septembre 2017, le 20 septembre 2017, hein, pour la sortie de Hit. On va tous aller flipper au cinéma. Deuxième bande-annonce qui a été partagée sur le doc commun, c'est Kingsman 2. J'imagine aussi par Dim, je crois. Oui. Voilà, votre film de l'année, là, maintenant. Là. Kingsman 2, le 11 octobre. Bah, obligé. Shining, voilà. He's back. Normal. Ça vous donne envie? Bah, carrément. Enfin, après, c'était la bande-annonce, je l'ai pas trouvé hallucinante. Elle était dans l'esprit de ce que fait Matthew Vaughn, c'est-à-dire un espèce de trailer un peu pop... Voilà, moi je trouve j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Ouais, donc, pareil, donc j'irai sans hésiter. Hein, pour voilà, après je trouve c'est un très très bon réalisateur. Moi je lui confie un peu toutes les licences. Ouais, ils sont un peu dans la merde, je le trouve vraiment. En fait, Kingsman avait été une surprise, même si on s'habituait. Enfin, ouais. on connaît le talent du réalisateur, ouais. Mais rien que la capacité à réaliser des scènes d'action de façon complètement hallucinante m'avait, moi, époustouflé. On parle toujours de cette scène, ouais, dans l'église, là, qui est complètement hallucinante. Est-ce qu'il arrivera à refaire ça maintenant? Je me dis, il a la pression pour quand même la suite. Il y a une révélation à la fin du trailer et tout. Donc, Ouais, il y a une révélation à la fin du trailer. Hein, on vous mettra le trailer sur webcast.fr. Donc voilà, bon, on va aller voir ça. Ouais, bah là, vous me décevez, vous avez même pas mentionné Channing Tatum. Bien sûr, on l'a dit. Julien en a parlé. Si, on a dit Channing is back. Channing is back. Ah, excuse-moi. C'est pour ça, c'est le film de l'année pour Upcast. Ouais. C'est un film Upcast d'ailleurs, je crois. C'est clair. Maintenant, on produit aussi. Hein. On produit, voilà. C'est troisième trailer qu'on s'est partagé sur le doc commun. Alors là, pour le coup, c'est moi qui l'avais mis. C'était Ghost Story. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de le mettre. Ça avait l'air d'être un peu chiant au final. Hein. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce qu'était ce film. J'ai bien rigolé parce que quand j'ai vu le petit aperçu sur YouTube, je pensais que c'était un gros film d'horreur de dingue. Ouais. Et non, pas du tout. Quoi. Pas du tout. Alors, si, bon, en fait, ce film m'a intrigué. Alors, pourquoi je vous ai partagé ce truc? C'est parce qu'il y a Rooney Mara, en fait. Hein. Tout simplement, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. Elle travaille dans ce film avec Casey Affleck et le réalisateur, c'est David de Lowery, hein, donc celui qui avait fait Amant du Texas. Donc on retrouve le trio du film Amant du Texas. Et ce film m'a intrigué. À la base, j'avais vu que son affiche, en fait, où on voit juste un drap en forme de fantôme avec des trous pour les yeux, comme on peut le voir presque dans les bandes dessinées, quoi. J'ai même pas eu qu'il y ait Rooney Mara. Je pensais que c'était un truc du Ku Klux Klan, en fait. Ça ressemble à ça. Mais c'est pour ça que je l'avais partagé. Non, mais voilà. On se prépare. Ça m'avait paru un peu perturbant, un peu intéressant. Et le trailer a l'air d'être très fantomatique à l'image presque de ce qu'il veut nous dire. Je sais pas si. Est-ce que ça vous a fait réagir? Alors, est-ce que ça vous a fait chier? Voyant, j'ai l'impression d'avoir vu la caricature du film Sundance, Arty, là, ça m'a vraiment, je suis tombé des nues, quoi. Je me suis dit, ah, c'est un film, soit c'est Julien qui l'a mis. Tout de suite. Non, franchement, c'est waouh. Je me suis dit waouh. Eh ben non, c'est moi. Et effectivement, il a déjà été présenté au festival de Sundance. Donc tu vas. C'est vraiment, tu sais, avec les verbatines, sélectionné je sais pas quoi. Ouais, ça, extraordinaire. Mouvant, voilà, donc, un film à fleur de peau. Il a juste un drap avec des trous sur elle. Non, mais on comprend. On comprend que ça va parler du thème de l'absence, des choses comme ça. Hein. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est assez étrange. C'est intriguant quand même. C'est intriguant, mais. Non, c'est intriguant, ça se trouve, le film sera bien. Après la bande-annonce, moi, ça m'a pas donné. Au démarrage, j'ai tendance à lui faire confiance. On verra, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le film ne sort pas en France pour l'instant. Pas de date de sortie en France, donc ce sera peut-être un peu dur de le voir. Deuxième chose que je vous ai partagé, pour le coup, c'est pas Dim, c'est moi. Hein. C'est Cloak and Dagger. C'est un trailer d'une série que je voulais vous partager. Donc Marvel, c'est ça? Ouais, une série Marvel. Parce qu'on n'en avait jamais parlé. Moi, je connaissais pas. Je sais pas si toi, Dim, tu connaissais Cloak and Dagger comme licence ou pas? Non. Pas du tout, et ça m'attire pas du tout, en fait. Autant qu'au cinéma, tout ce qui est film de super-héros, j'aime encore bien, je suis bien client. Ouais. Mais en série, là, je trouve qu'il y a vraiment une overdose, j'en peux plus. Parce qu'une série, voilà, quoi, c'est pas un film de deux heures, c'est super long et tout. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois. J'attendrai quand même les reviews des premiers épisodes pour voir si je me lance ou pas, mais il y a peu de chances, quoi. J'abandonne. Surtout que c'est une vraie licence qui est... Bon, vous voyez, j'ai quand même réussi à trouver un truc que Dim ne va pas regarder avec des super-héros. Hein. J'ai été loin là, hein, les gars, j'ai pas trouvé un truc. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain concours. Là, ça serait chaud. Hein. T'as, franchement, là, je pensais pas que t'allais dire que tu regarderais pas, quoi. Honnêtement, je pensais que c'était Dim qui l'avait sélectionné, moi. Non, tu vois, j'avais fait exprès parce que j'étais intrigué. Je me suis dit, tiens, encore une nouvelle série, mais en fait, ce qui m'a intrigué, c'est que je ne connaissais pas du tout cette licence Cloak & Dagger, donc je voulais un petit peu voir ce que ça a été. Bon, en tout cas, c'est des héros très secondaires dans l'univers Marvel. Hein. Ça a pas l'air d'être l'ambiance autour de la table, en tout cas. Hein. Ça a pas c'est fait par NBC ou c'est fait ou CBS, je sais plus. C'est Freedom sur lequel ça va sortir. Donc moi, je connaissais pas du tout Freedom. Hein. Voilà, je sais pas si. Mais c'est la production, mais la chaîne, c'est Freedom, non ? Je sais pas. Ils disent le... Si je crois que c'est une chaîne diffusée sur Freedom. Filiale, ouais. Justement. Ouais, c'est une filiale d'un grand network américain. Plus axé sur les programmes jeunesse, on va dire. Ah, comme CW, en fait. C'est leur version des séries DC, CW. Peut-être. Non, vous savez, CW, c'est la chaîne qui font Arrow et Flash. Ah, bah voilà. Flash. Et c'est vraiment mauvais, en général. C'est vraiment pour teenagers, avec des romances débiles. Bah là, ça a l'air d'être de la romance ça, aussi. Ouais. Ça a l'air d'être un peu débile. Autre film, dans l'heure des trailers, alors, je ne sais pas qui l'a mis, Atomic Blonde, un film dont on avait un peu suivi, je crois, dans le podcast. On a peut-être déjà même parlé d'Atomic Blonde. C'est moi. C'est toi qui l'a mis, alors pourquoi? Parce que Charlize Theron qui casse des gueules. Des gueules et... Parce que James McAvoy aussi. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait Jeff. Oui, il est dedans, c'est vrai. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Pourtant, j'ai regardé la bande-annonce d'un film finalement qui m'a rappelé un peu Salt. Un peu violent quand même. Ouais, un peu plus violent. Et puis il y a une scène aussi qui a l'air sympa entre Charlize et Boutella, c'est l'actrice française. Sophia Boutella. Voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Celle ça m'a vendu le film. Lesbienne qui, effectivement, a l'air assez haute. Non, mais même, ça a l'air de bien déboîter après. Il faut voir ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé. Ouais, vas-y, dis-moi. Moi j'ai une question sur ce film parce que je sais que c'est fait par la même équipe et un des réalisateurs de la saga John Wick et je voulais savoir si c'était relié parce que ça ressemble quand même beaucoup à John Wick sauf que c'est avec une femme donc je voulais savoir si c'était plus ou moins un spin-off ou autre. Ah, bonne question. Hein. Yao dit non de la tête hein, donc je il sait parce pas. Que trailer, moins, mais le premier trailer, ça faisait très, très John Wick. Bah même là, hein, ça commence le trailer par une scène de baston un peu filmée à la John Wick, en tout cas du premier du nom, en tout cas. C'est-à-dire très cut, filmé en plein séquence. Je sais pas, parce que ça se passe fin 80. Ça m'étonnerait pas que ça soit quand même relié, qu'il y ait une petite surprise, un petit caméo dans ce film pour que ça relie les deux univers. Il devine les multivers avant même qu'ils soient annoncés. C'est un univers croisé. Et en fait, la momie va intervenir dedans, etc. Bon, bref. Donc, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal dans le sens où c'est très direct. Ouais. Là, je m'attendais pas à ça quand tu mets une héroïne comme ça qui est très glamour, hein, qu'elle s'en prend plein la gueule en fait. Toi, elle est vraiment, elle se fait frapper, je sais pas, ils vont peut-être avoir des problèmes avec les trucs de ouais, le défense des droits des femmes, parce qu'elle, je trouve ça finalement assez salutaire que ce soit une femme comme ça, qui est très glamour. Bon, c'est Charlize Theron, et en même temps, justement, elle joue avec ça, quoi. Ça joue vraiment sur ce côté, on joue sur les deux niveaux en fait. Mm. Elle en met plein la gueule, en même temps, dans la scène que tu décrivais, elle s'en prend dans la gueule aussi, dans une scène un peu à la Jason Bourne, très caméra épaule. Et puis tout est relié à Roseanne, vu qu'il y a John Goodman dedans. De toute façon, Roseanne nous regarde, bien sûr, elle est au-dessus de nous, elle plane, t'as une présence divine. Elle va vite s'écraser. Elle plane. Ça a l'air très cool. Ouais, c'est un film labellisé Dim, ça, c'est trop bien. Ça. Atomic Blonde, tu sais quand ça sort ou pas? Enfin, t'as des nouvelles là-dessus? Ça sort le 16 août 2017. 16 août 2017, c'est bientôt, c'est le film de l'été peut-être. Voilà. Ensuite, on a un autre trailer de Gook. Et ça, c'est moi, je sais pas si vous avez regardé. Je l'ai regardé, mais je me souviens déjà plus ce que c'est. Avec Samuel Jackson, ça fait un peu style Boys in the Hood. Ouais, mais ce qui était intéressant, c'est que c'est le trailer de 50 secondes. Ah, c'est en noir et blanc. Mais là, ça se passe dans les années 92, l'affaire Rodney King, en fait. Donc dans les ghettos à Los Angeles. Mais ce qui était intéressant, c'est le point de vue. C'est un trio durant cette émeute. En fait, on va suivre un trio durant cette émeute, mais on suit deux frères coréens. Donc, je trouvais ça intéressant de voir le point de vue. Ah oui, exact. Tu les vois passer en voiture. En fait, ils vont créer un lien avec une jeune afro-américaine. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant. On a toujours, débattu, entendu le sujet d'un point de vue afro-américain, mais d'un point de vue asiatique, je trouvais ça intéressant. Bah, après, il y a aucune chance que ça sorte. Ouais, ça va pas sortir en France, ce truc-là. En France, je pense pas. Ouais. Il y a pas de date de. Mais c'est très court. C'est le teaser, là, fait 50 secondes. C'est plus un teaser qu'autre chose. Donc c'est Gook. Vous retrouvez ça sur webcast.fr pour aller voir ça. Et enfin, dernier trailer qu'on a mis dans cette liste, c'est The Hitman's Bodyguard. un film encore une fois de body movie, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Okay. Je sais pas si c'est une parodie de Bodyguard ou pas, parce que quand on voit l'affiche, t'as le morceau de Whitney Houston. Il met le morceau parce que l'affiche, t'as Ryan Reynolds qui porte Samuel Jackson comme. L'affiche, elle est énorme. C'est ça. Donc c'est Ryan Reynolds qui défend Samuel Jackson, Samuel Jackson qui est visiblement un tueur à gages et Ryan Reynolds qui doit le protéger puisqu'il est son bodyguard, si j'ai bien compris la bande-annonce. Et bien sûr, de là va naître des situations humoristiques plus drôles les unes que les autres, hein, à base de motherfucker, etc. etc. Bon voilà, Samuel Jackson quoi. Ce film moi je l'attends, mais je l'ai pas trop, j'ai pas trouvé la bonne annonce si drôle que ça quoi. Mais je reste confiant parce que par exemple l'année dernière il y avait le film avec The Rock et Kevin Hart, agent presque secret, où je trouvais que la bonne annonce c'était pas terrible, mais le film m'avait bien fait marrer, donc pourquoi pas. Oh, l'idée c'était pas très bien hein, ce film là avec The Rock. Ouais, j'étais vraiment déçu, hein. J'avais pas trouvé ça génial, mais... Ouais, moi ça m'a fait rire. Ah, mais... oh, The Rock, quand même. Bah, ce qui me fait peur dans celui-là, c'est Ryan Reynolds, hein. Je peux vraiment pas l'encadrer, quoi. Ah, c'est vrai que... Je le trouve pas charismatique, quoi. C'est vraiment... Moi, il me fait rire quand il a le masque de Deadpool, parce qu'on voit pas sa tête. Mais... C'est ça, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est Samuel, en fait. Enfin, il cache-t-il un peu. Ouais, il cache-t-il beaucoup. Mais... Ah, là, il va cabotiner. Bon, là, il est dans son élément avec les motherfuckers, comme tu dis. Ça va être cocasse. Ouais, c'est exactement le film comme ça. C'est le film cocasse. Celui-là, il sort le 23 août. 23 août aussi, un film d'été. Ça presque va être en même temps que Atomic Blonde. Ouais, ça va être chargé au niveau de l'été. Et en plus, on rappelle qu'on aura Alerte à Malibu. Attends, il y a Gary Oldman et Salma Hayek dedans, quand même, mine de rien. Un grand film. Attends, Gary Oldman, quoi. On a presque fini avec la partie divertissement. Il y a Yao qui nous réserve une petite surprise qui nous a teasé en off avant. Ouais. Un quiz. Alors, on ne sait pas quelle nous, forme. Autour de la table, pas. On ne sait pas ce que c'est. Surprise, vous premier quiz. C'est ma première. On t'écoute. Donc, vous êtes tous prêts, là, Elohim? Je suis prêt. Okay. Alors, ça va être un quiz. Des gens rigolent derrière. Ses collègues sont prêts aussi. D'accord. Spécial acteur francophone. Acteur francophone. Et quand je dis acteur francophone, ça peut être des acteurs français ou des acteurs étrangers qui parlent français. Donc alors, je vous explique. Le jeu consiste à trouver le bon nom du personnage incarné par l'acteur ou l'actrice dans le film. D'accord ? Ok. Donc je vais vous proposer 4 choix de noms. Donc je vais vous donner aussi le nom du film et le nom de l'acteur, hein, pour que ce soit... Voilà. Ok, vas-y. Alors je commence avec le premier film, ce sera Hard Target, ou en français Chasse à l'homme. Chasse à l'homme, ouais. Avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ouais. Je vais vous faire 4 propositions. Alors, il faut trouver le nom du personnage qu'il incarne dedans. C'est ça. Parmi les 4 propositions. Je n'ai pas vu ce film. Tu n'as pas vu Chasse à l'homme? Ça, c'est un spécial Dim, ça. Ouais, non, mais je cherche déjà dans ma tête. Je Charles Goudreau. Première proposition, Luc Devrault. Deuxième proposition, Chance Boudreau. Troisième proposition, Alain Moreau. Et dernière proposition, Philippe Sauvage. Et je crois qu'on peut donner... Philippe Sauvage, non? Philippe Sauvage. Elohim avait déjà dit la réponse avant même que tu la proposes, non? Je me rappelle de Chance Goudreau, mais ouais, je suis pas sûr gagné. Que ça soit. Elohim avant même qu'on donne les propositions. Putain, le niveau d'Elohim. On se passe de commentaires, hein, on ne remarquera pas. Bref. Un point pour Elohim. Deuxième film, ce sera Gunman avec Christophe Lambert. En français, c'est Deux doigts sur la gâchette. Un film pas terrible. Hein. Non. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu celui-là. Ah, très bien. Ouais, tu veux te rappeler. Non. Alors, premier choix, Pierre Barthélémy. C'est vrai, énorme. Deuxième choix, Jimmy Dini. Troisième choix, Danny Servigo. Quatrième choix, André Vial. Moi, je vais dire Barthélémy, ça me fait marrer. Moi, je dis Servigo. Allez. Et toi, Elohim? Elohim, dis-moi, vous avez des réponses? Servigo, si c'est lui qui l'a choisi, c'est sans doute ça. Si c'est le scénario, je sais pas. Moi, je dirais le premier aussi, Barthélémy. Alors, il y a 2 gagnants. Donc, c'est Greg, t'as dit Servigo? Ouais. Greg et Elohim. Ouais, c'est Danny Servigo. Et ça m'étonnerait pas que Christophe Lambert l'ait lui-même choisi. Ça correspond bien au personnage, effectivement. Ouais. Et donc, Elohim s'éloigne avec 2 points déjà. C'est un point quand même. Ouais, j'ai un point, ouais. Ça sera sans doute mon dernier. Alors, troisième film, ce sera Benoît Magimel dans Nid de Guêpe. Oh putain. J'adore ce film. Ah, je m'en souviens plus. Pas vu. Alors, premier choix, Vincent Ribaud. C'est peut-être ça. Deuxième choix, Paul Andersen. Troisième, Santino. Et quatrième, Reda. C'est pas con aussi, juste le nom comme ça. Ouais. Hey, Santino. Ouais, tu vois, je veux bien. Moi, Santino. T'as encore des balles, Santino? Reda, parce que c'est. Ouais, je pense que Reda. Reda, c'est pas mal aussi. Vas-y, ouais, Santino. Moi, je dis le premier quand même pour faire une réponse différente. C'est bien le film français à l'américaine. Vincent Ribaud. Ouais, Vincent Ribaud. Vincent Ribaud. Vas-y, Ribaud. Donne ton chargeur. Donc, toi, Julien, c'est. Santino. Et toi, Dim? Sentino aussi. Et Elohim, c'est Reda, c'est ça? Reda, ouais. Donc c'est Julien, ouais. Et Dim. Julien, oh, et Dim. Wow, Sentino. Wow. Avec Sentino. Et sachant que Reda, en fait, c'était dans Les Rivières Pourpres 2. Ah ouais, oh. bien vu Elohim. Bien vu, t'as bah, à côté. Aux Rivières Pourpres 2, bien sûr, tu pensais à ce grand film. Donc ça fait 2 pour Elohim, 1 Greg et. Bien, un Julien et un Dim. Alors, dernière question. Dernière question pour départager dernier le loser. Film, ce sera Jodie Foster dans Inside Man. Ah, je l'ai vu. Ok, ouais, je l'ai vu aussi. Mais alors, se rappeler du perso. Oh, j'ai que 3 prénoms, désolé, j'ai oublié le 4e. Invente. C'est pas grave. Allez, on va, Sabine. Sabine de Star Wars. Sabine de Star Wars. Sabine. Alors, premier choix, Jessica Beauregard. Ah, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas elle ça. Est française, elle joue pas une française. Non, je sais pas. Deuxième choix, Clarice Starling. Troisième choix, Annabelle Bransford. Et dernier, Erika Brain. Le truc avant. C'est le troisième, moi, je dis. Je dirais le troisième aussi, ouais. C'était quoi le troisième? C'est Erika Brain, je dirais. Annabelle Bransford, c'est le troisième. Moi, je dis Annabelle. Et Elohim dit Erika Brain. Moi, je dis Beauregard. Beauregard. Toi, tu dis Beauregard. Et Dim, t'as dit quoi? Pareil, comme un Beauregard. J'ai dit le troisième. Troisième? Donc, c'est Annabelle. Et Elohim, t'as dit Erika? Erika Brain, ouais. Erika Brain. C'est Elohim qui a gagné. Oh là là, Elohim qui s'éloigne avec 4 points. Des gagnants et Elohim. Erika Brain, ah oui, ah putain, j'ai confondu avec le film de Fincher, là. Ouais, dans lequel il joue dans la maison, Panic Room. Panic Room. Ouais. J'ai vu aussi une scène. Excellent petit quiz que chez vous, j'imagine, vous avez également fait en même temps que nous. Hein. Voilà. Vous avez bien sûr nous communiquer votre nombre de points sur Upcast. Pour dire avec un peu de mental, mais de quoi faire. Franchement, pas facile, hein, pas facile. Bien vu comme thème. On va passer. Petite anecdote, je sais pas si vous vous rappelez du jeu Virtua Fighter, qui est sorti en arcade et sur Saturn. Il y a un personnage dedans qui s'appelle Lion Rafale. Lion, c'est ça, ouais. Et qui est inspiré des noms ridicules de Van Damme. Ouais, parce que justement, je crois que c'est dans Légionnaire. Légionnaire s'appelle Lion. Ah oui, dans. Oui, exactement. Dans Contact, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais ouais. Donc il a des bons prénoms aussi. Il faudra retrouver, il faudra la liste des prénoms de tous les Van Damme. C'est un bon truc, ça. Double Impact aussi. Mmh. Là. En fait, Chad dans Expandable 2, il s'appelle Jean Vilain, je crois. Tous les noms que Van Damme que j'ai donnés, en fait, ça provient vraiment de ces films. Hein. Ah ouais. Et Philippe Sauvage, c'est un DTV, je crois, qui est sorti. Philippe Sauvage. C'est assez vendeur, je trouve. On a fini avec la partie divertissement. Merci à toi, Yao. Et on va passer tout de suite à la partie art ludique. Partie art ludique, donc jeux vidéo principalement ici. Hein, on parle pas souvent de jeux de plateau ou de choses comme ça. Il faudrait qu'on s'y mette peut-être. À chaque fois on a dit. Je te rappelle que c'est mort, on ne parle jamais. Ouais, c'est pas comme si on avait le temps. Bien sûr, on parle un peu de jeux de plateau, les gars. Non, bon, allez, on va se lancer. Je vous parlerai du jeu X-Wing à l'occasion. Ça suffit, putain. Oh là là. Quelle que soit la rubrique, il le place, putain, le mec. Ça devient hallucinant, quoi. Dans les séries, dans les livres, dans les jeux vidéo. Bref, allez, on va partir avec un débat comme d'habitude. Un débat, je ne sais pas si c'est un débat en fait, à toi de nous le dire. C'est Julien qui va mener la barque finalement de ce bateau. Va-t-il naufrager? Je ne sais pas, ça va parler de mode. Oui, tu veux pas dire mon titre quand même? Non, je te le dis pas cette fois-ci. Je te laisse la paternité de ce titre. D'accord, c'était Victime des modes, tel est leur nom de code. C'était quand même meilleur. Un hommage. C'est ça meilleur. Hein. Un hommage quand même au grand MC Solar. Hein, voilà, respect. Merci. À lui, je ne sais pas ce qu'il devient. On ne sait pas. Donc oui, voilà, en fait, je voulais vous faire agir sur une news assez récente et plus généralement sur une situation qui est très courante dans le jeu vidéo et dans la communauté de fans, notamment sur PC, c'est celle des mods. Donc M-O-D-S, hein, pas de la mode, hein, tu l'auras compris sur cette petite blague de rap, et des fangames, hein, puisque finalement, c'est des problématiques qui se recoupent par endroits quand on parle de droits d'auteur et de créativité. Comme j'avais pas trop de temps à perdre, je suis allé sur Wikipédia, source numéro 1 pour trouver des définitions. Donc ce qu'on appelle mode, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui... notamment les joueurs console, je pense que c'est un truc quand même très très PC, très mais PC, sur console, ouais. Même si ça arrive aussi, et les fangames, c'est quand même un truc aussi qui parle aux gens qui sont sur console. Donc mod, abréviation de modification, c'est un jeu vidéo créé à partir d'un autre, ou plus souvent une modification du jeu original sous la forme d'un greffon. Alors, je sais pas comment ils ont traduit greffon, alors c'est un griffon et un greffier, je ne sais pas, un greffon, c'est assez bizarre, un greffon donc, qui s'ajoute à l'original, le transformant parfois complètement. Les mods les plus courants se rencontrent sur PC, et donc le fangame, donc c'est des jeux vidéo qui sont faits par des fans, qui sont basés en fait sur un ou plusieurs jeux vidéo établis. Donc la plupart des fangames tentent de cloner ou de remaker le game design original, le gameplay ou les personnages, mais bon, c'est assez courant aussi que les fans développent un jeu unique qui utilise seulement un template d'un jeu déjà installé. Donc en fait, on va dire souvent les mods, c'est plus souvent toléré que les fangames. C'est-à-dire que les mods, c'est souvent c'est les outils qui sont mis à la base par les programmeurs à l'intérieur l'intérieur des jeux pour permettre à une communauté, ce qu'on appelle les modeurs, de développer des jeux, tandis que les fan games, c'est plutôt des jeux qui sont faits un peu comme ça, je dirais un peu en scred, tu vois, où les gens les font et puis après ça arrive sur internet et puis là tout de suite les studios réagissent. Et pour le coup, la news sur laquelle je voulais vous faire réagir, ça concerne Red Dead Redemption, puisqu'en fait il y a le groupe de modeurs White qui avait pour but en fait de transposer la carte de Red Dead Redemption dans GTA V. Ouais. Donc idée un peu bizarre, parce qu'ils voulaient pas du tout transposer la physique, les personnages, mais simplement la carte. Donc c'était une idée pourquoi pas originale. Et bien Take-Two en fait, qui est l'éditeur de Rockstar Games, ils sont fendus d'un appel au groupe pour leur signifier que ce serait bien d'arrêter le projet. Bah, sinon voilà, certains d'entre eux seraient peut-être coulés dans le béton façon GTA, tu vois. Bon, ils leur ont dit bon, c'est peut-être pas très sympa de faire ça. Et voilà, ça veut dire qu'ils ont ruiné quand même 3 ans de travail. Ouais. Puisqu'ils avaient passé cette durée-là pour développer, voilà, ça doit être quand même un travail colossal. Et puis forcément, c'est des amateurs, enfin, ils font ça sur, j'imagine, leur temps de travail. Enfin, si peut-être qu'ils le font sur leur temps de travail. Cela ne nous regarde pas. Et côté fangame, bah, on a Nintendo qui se montre assez rarement souple quand on utilise ses licences. Et il y a un exemple qui est bien connu et qui a été d'ailleurs narré dernièrement dans un bon article de Exserve sur GK. C'est le cas de AM2R, donc pour Another Metroid 2 Remake. Donc c'est un projet qui a été démarré en 2005 par Milton Dr. M64 Guasti et qui consistait en fait à dépoussiérer Metroid 2 dans sa version Game Boy en utilisant des assets et des mécaniques qui étaient tirées de Metroid Fusion sur GBA. Donc c'est 10 ans de travail de fans, hein, qui coïncidait aussi avec l'anniversaire de la licence. Il faut savoir que l'anniversaire de la licence par Nintendo, c'était Federation Force sur 3DS. Voilà. Bien joué les gars. Merci du cadeau. Voilà, on s'en souvient déjà. Plus personne n'y, voilà, personne n'y a joué. Et là, pour le coup, ça avait été anéanti par Nintendo en deux coups de fil mi-2016, même si le jeu finalement a eu le temps de survivre sur le net. Donc en fait, c'est. Je pense à ça parce que finalement, c'est, j'ai l'impression que souvent, quand un studio, alors là pour le cas de Nintendo, ils sont surtout très regardants, et finalement, est-ce qu'on peut leur en vouloir par rapport au fait que finalement c'est, ça leur appartient, c'est une question de droit. Après, je trouve que sur la news de Take-Two et de Rockstar, c'est-à-dire que c'est un peu. On sait qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui sort en fin d'année. Peut-être qu'il y aura un remake de Red Dead Redemption. Donc est-ce que là, c'est pas finalement un côté un peu opportuniste de la part de Take-Two de dire, bah non, attendez, vous n'avez pas travaillé sur ce jeu, vous n'avez pas fait une pub pour ce jeu, alors que dans le même temps, bah, y a plein de mods qui sortent pour GTA V et que finalement, qu'ils produisent. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu. Ça arrange quand même de brosser les modeurs dans le sens du poil et finalement, quand ça nous arrange moins par rapport à un planning établi au niveau du marketing, bah là on fait quelques appels pour un peu ruiner. Voilà, je sais pas ce que vous pensez finalement c'est plus une question générale sur la scène des modeurs et la scène des fangames en fait. Dans les faits, toi t'es plus un joueur PC donc je sais pas si c'est un truc que tu. Moi j'en télécharge souvent des mods justement dans les PC, dans les jeux que je fais. Alors, d'ailleurs la Steam est très adaptée à ça puisque t'as même la côté workshop où tu peux directement télécharger les mods des fans, etc. dans la plupart des jeux que tu télécharges. Et en découvrant les mods, moi j'ai aussi découvert un autre aspect du jeu vidéo, et c'est un aspect hommage en fait au jeu vidéo, hommage et aussi peut-être parfois me redonner un intérêt à un jeu vidéo que tu as délaissé par des mods que tu vas télécharger qui changent l'expérience du gameplay. Et quand je dis hommage, je le pense aussi, au premier sens du terme, et à mon avis les mecs qui voulaient simplement recréer la carte de Red Dead Redemption dans GTA, c'est un hommage, c'est un jeu qui les a visiblement marqués, Red Dead Redemption, GTA également, et ils voulaient simplement croiser les deux univers. J'ai du mal à voir le mal à ça, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être une société et se dire c'est à nous, ça nous fait chier au niveau marketing, donc on coule 3 ans de leur travail. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas eu un moyen plus sympa de tourner la communication en disant, plutôt en le mettant en valeur, ou en disant on est fiers de notre communauté qui, rappelez-vous, de ce magnifique jeu qui va bientôt ressortir, Red Dead Redemption, etc. Enfin, il y avait peut-être un autre moyen de le traiter qu'en disant juste, vous arrêtez tout votre travail et on vous supprime tout ce que vous avez fait sur vos week-ends depuis 3 ans, parce que juste ça nous appartient. C'est vrai, dans les faits, la loi est de leur côté, ça leur appartient. Mais on en a déjà parlé ici plusieurs fois, à partir du moment où un produit culturel est lâché sur un marché, est-ce qu'il appartient encore à son créateur ? C'est un autre débat, finalement. Enfin, c'est le débat du réalisateur. Est-ce qu'il a le droit de revenir à sa licence et d'en faire ce qu'on veut ? Qu'on a déjà eu avec Star Wars et George Lucas, par exemple. Et là, finalement, c'est ça, c'est l'éditeur d'un jeu vidéo. Est-ce que... une fois qu'il a laissé finalement des modeurs travailler, qu'il a été d'accord a priori sur un modeur et qu'il a laissé libre cours aux modeurs de faire ce qu'il voulait, pourquoi il interdirait à d'autres modeurs de faire quelque chose. Pourquoi imposer des limites à des modeurs qui veulent recréer un monde dans Red Dead Redemption, de Red Dead Redemption dans GTA, alors que dans GTA, il y a plein de modes qui existent, il y a plein de trucs qui existent, ouais, etc. à côté. Pourquoi s'arrêter à un endroit? Pourquoi laisser la liberté? Enfin, j'ai du mal à comprendre, je comprends qu'ils aient le droit, mais j'ai du mal à comprendre la logique derrière. Parce que, de se dire, parce que souvent, on va être dans le débat entre le méchant éditeur qui protège son droit d'auteur et finalement le fan qui va être mu par la passion et qui va développer son truc. Ça, c'est facile comme vision, mais il faut comprendre que justement, la plupart des éditeurs, s'ils te laissent faire modder leur jeu, justement, c'est parce qu'ils te le laissent modder le jeu. Y a des éditeurs qui veulent pas que tu modes leur jeu, qui veulent rien que tu rajoutes, et si à partir du moment où tu modifies le code de ton jeu, bah, il t'appartient, il est effacé de ton ordinateur, ou alors tu peux te retrouver derrière avec des Blizzard ou ce genre de choses, par exemple, qui vont, si tu essayes de modifier Hearthstone, tu risques fortement de perdre ton compte Battle.net et du coup de perdre tous les investissements que tu as pu faire sur tous les jeux Blizzard dans ta vie. Il y a beaucoup d'éditeurs qui donnent des outils pour les modeurs. À partir du moment où tu donnes... Skyrim, par exemple, tu vois, qui a été largement modé, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse après dire, je ne suis pas spécialement pro en disant la défense du modeur, mais si tu laisses des modeurs faire quelque chose à ton jeu, pourquoi l'interdire à certains et pas à d'autres, quoi? En gros, là, ils ont pointé cela parce que ça ne les arrangeait pas qu'ils fassent un truc en relation avec... avec Red Dead, quoi. Nintendo, à la rigueur, sont peut-être plus cohérents en disant « nous, on ne mode pas nos jeux, quoi. Point. » Après, c'est peut-être une question de culture entre le jeu vidéo PC et le jeu vidéo console. On sait que sur PC, c'est forcément quelque chose de plus ouvert à la communauté, alors que sur console, dès qu'il y a un fan game qui arrive, les éditeurs prennent un peu peur et se disent « non, il faut le faire interdire dans la minute. » On parlait là de Metroid, mais il y en a eu d'autres de la part de Nintendo. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut faire une mauvaise image pour le jeu, mais souvent, c'est quand même des jeux qui sont faits par des fans de la licence. Souvent, c'est un travail d'hommage plus que dommage. Du coup, ils en pensent quoi, les auteurs? Enfin, moi, je veux pas me mettre du côté de Nintendo, mais je trouve ça un peu normal. On en a parlé que, après, on connaît la politique de Nintendo vis-à-vis de tout ce qui est modification, remake et tout ça. Donc, est-ce que l'auteur, en travaillant dessus, il savait très bien que jour au lendemain, il pouvait tomber sur lui, quoi? Ouais, je pense que tu peux savoir. Hein, c'est comme si tu fais un truc comme ça avec Capcom aussi. Chez Capcom, ils peuvent être assez clairs là-dessus. Après, est-ce qu'il pourrait pas, tu vois, il pourrait pas avoir plus souple, tu veux dire, un service qui contrôle la qualité des fan games. Tu vois, et te dire tiens, ça, parce que moi j'ai vu des images du justement, je parlais de l'article sur Game Cult de XR, tu vois les images en fait de ce qu'ils ont fait de Metroid, c'est génial, quoi. Mais du coup, c'était à quel but? C'est vraiment un truc qu'il est pas revendre, c'est juste qu'il partageait. Non, c'était c'est gratuit, c'est vraiment un truc hommage pour réutiliser des mécaniques. C'est des fans de Metroid, ils voulaient le faire dans le cadre de l'anniversaire, donc c'est vraiment là pour le coup quelque chose de passionné autour de la licence. Après, tu dis que le mec il a mis 10 ans quand même. Ouais, c'est ça, 10 ans là-dessus quand même, c'est. Enfin, je veux bien être fan, mais tu mets 10 ans de ta vie sur un. Ça le regarde à la rigueur. Mais ouais. Ouais, mais tu sais très bien que, comme je disais, Nintendo, s'ils tombent dessus, ils disent non. Ils s'attaquent pas au plus sympa, quoi. Ils savent qu'en s'attaquant à un jeu Nintendo, c'est mort d'avance, quoi. Après, il y a toujours une possibilité pour les développeurs de lâcher leur jeu dans la nature. C'est ce que font tous un peu. C'est-à-dire que tous les fangames qui ont été arrêtés en plein milieu, ils ont été quand même relâchés et tout le monde peut y jouer, quoi. C'est juste qu'ils ne sont pas supportés sur des plateformes officielles. Il n'y a pas un truc comme ça dans un Super Mario genre extrêmement difficile avec des pièges partout où tu ne peux pas sauter? Il y en a énormément en fait. En fait, Nintendo font beaucoup d'effets d'annonce, je pense, par rapport aux interdictions. Mais derrière, ils ne font pas forcément le travail de les sortir du net ou de les interdire, quoi. Ah, ils ne veulent pas que les gens s'y mettent. Il y a énormément de modifications de jeu et de... Ouais, tout à fait. Ouais, et puis en plus, de toute façon, même une fois que c'est parti sur le net, ça peut toujours être retrouvé, rejoué, c'est mort. Mais après, je pense, comme tu dis, c'est plus un effet. Là où je comprends vraiment pas Rockstar, c'est pourquoi, c'est pourquoi tu permets à tous les autres modeurs de le faire, mais pas un seul, parce qu'il a abordé un thème en gros que tu voulais pas, enfin, qui t'arrangeait pas au niveau marketing. Ouais, après, sais pas la raison exacte pour Take-Two, mais peut-être aussi c'est qu'ils considèrent que l'univers de Red Dead a rien à faire dans l'univers de GTA. Ça peut être aussi, Bien plus dingue, tu vois, dans leur mode, quoi. Et y a tout qui existe dans GTA V, enfin, il y a tellement de modes qui existent. Pourquoi pas celui-là? C'est clair. C'est bizarre. Et surtout quand on sait qu'un des modes les plus connus, ça a donné un des jeux les plus joués en ligne, c'est Counter-Strike. Ouais. Parce qu'à la base, c'était un mode de Half-Life. Ouais. Donc tu peux te dire que peut-être parfois d'un mode peut émerger. Mais c'est une vraie créativité, franchement. Ouais. Comme je disais, ça donne parfois un second souffle au jeu. Alors parfois, c'est juste pour être un peu plus simple. T'as un mode qui te permet d'être invincible, un mode un bidule qui te permet d'avoir de l'argent, qui te permet de mettre des têtes de requins, tout le monde, des conneries comme ça. Mais c'est vrai que certains sont vraiment très créatifs et vont loin. Et j'imagine que le mec qui avait fait, comme tu le disais, alors moi je l'ai pas vu le truc dont tu faisais mention sur Metroid, mais quand tu passes 10 ans sur un truc, c'est la création d'un jeu complet, et là ça serait presque intéressant de pouvoir le voir. Alors heureusement, comme le disait Elohim, c'est un peu lâché sur les sites miroirs, et peut-être qu'on si on cherche on le trouvera, Mais bah, tu vois, moi je comprends la position de Nintendo. Après, moi par exemple, je suis pas, j'ai eu la scène mode, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse dans le sens où je veux vraiment qu'un jeu, il porte finalement la marque de son auteur. C'est-à-dire, je comprends que finalement il y a des gens qui disent ouais, ça serait bien que ça soit amélioré, mais je trouve que les défauts d'un jeu, l'histoire d'un jeu, ça correspond à ce qu'est un jeu, quoi. Voilà, donc je trouve améliorer un jeu, parce qu'il y a plein de modes où c'est par exemple pour équilibrer la difficulté, tu vois, il y a des trucs pour retoucher finalement l'œuvre originelle. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais moi j'aime bien l'idée d'un jeu qui soit un produit de son auteur. Ouais, mais tu peux aussi voir le mode comme finalement un remake. Un remake d'un réalisateur qui remakerait un film qui voudrait y mettre son œil, qui voudrait y mettre quelque chose. Tu veux dire qu'il refait un remake d'un film d'un autre auteur. Voilà, exactement. Ouais. Comme tu prends le remake de Psychose. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je vais reprendre le jeu, je le modifie quasiment pas, sauf que moi j'ajoute cet élément. Ouais, mais là c'est dans l'idée de l'améliorer. D'en proposer quelque chose de différent. Les modes proposent pas toujours des choses d'amélioration. Je dis pas qu'il y a des total conversions aussi, ce qu'ils appellent des total conversions. Ils vont utiliser juste le moteur d'un jeu ou les moteurs physiques et ils vont refaire un jeu complètement différent, quoi. Ouais, là ça va. On l'a vu pour ils ont fait des jeux Star Wars basés sur des moteurs de jeux de jeux de stratégie. Et, placement de produits entre Dim et Elohim, quand même. Il y a eu un code entre eux. Non, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je vous conseille, depuis qu'ils ont relancé la nouvelle version du site de Gamekult, il y a deux rubriques. Il y en a une dont tu parlais qui est sur les modes. Il y en a aussi sur les fangames. Et donc chaque mois, ils vont aborder comme ça un nouveau mode et des nouveaux fangames. C'est super intéressant, je crois. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'en plus, c'est difficile à trouver. Du côté un peu. C'est souvent dur à aborder quand pour quelqu'un qui a jamais fait ou qui maîtrise pas le PC. Il faut souvent aller bidouiller le code, c'est pas abordable pour tout le monde. Mais au moins, là, ils expliquent comment faire et qu'est-ce qui est faisable, c'est pratique. Ouais. Et tu disais aussi pour parfois des modes qui ont donné des jeux totalement différents. On parlait pour Star Wars, mais t'as par exemple, même là, je voyais pour le type qui a fait Metroid, je crois qu'apparemment, il va faire un autre jeu. Une sorte de Metroid-like, mais en fait, tout ce qu'il a fait, tout ce dont il a travaillé. Autant que ça serve quand même à quelque chose, il a bossé 10 ans dessus. Tu penses qu'il peut récupérer une partie du code. Ouais, il peut récupérer une partie du code. Celle-là... Il change le personnage et c'est tout. Voilà, c'est ça, il change les assets et c'est bon, quoi. Ouais, voilà, il peut. Enfin, ça va lui permettre d'avoir une base de travail. Mais moi, je trouve que les éditeurs devraient quand même se montrer un peu plus conciliants. Tu vois, en fait, je veux pas dire que tout le monde doit faire des fangames et ne pas les interdire, mais simplement peut-être de regarder ce qui se fait et de voir. Avoir une politique éditoriale autour du fangame. Pour le mode, c'est un peu différent parce que là, c'est les développeurs eux-mêmes qui ouvrent les outils pour la communauté, alors que le fangame, c'est quelqu'un qui va reprendre un personnage. Je pense que, comme tu dis, s'il va diffuser son truc, après, ça va être éparpillé dans tout le web, et c'est peut-être que Nintendo, ils aiment avoir le contrôle du truc. Mais ça se comprend aussi. Moi, je dis pas que. Mais peut-être que, parfois, ils pourraient être. Un petit peu plus conciliant, même on le voit. Après, Nintendo sont assez conservateurs. Après, je pense qu'entre un Metroid et une petite licence, entre un autre jeu, ce sera pas la même. Tu vois. Metroid, c'est quand même un gros truc. Oui. Puis, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient un peu merdé avec ce qui est sorti à ce moment-là sur 3DS. Ils voulaient pas faire d'ombre à Federation Force. Et du coup, ils se sont dit merde, s'il y a un autre jeu qui est bien meilleur que le nôtre sorti par un mec qui n'est pas Nintendo tout seul, ça la fout mal en termes d'image. Tu vois, si un gars fait un fan mec de Bayou Billy, je pense qu'il s'en fout. Ou de, tu vois, F-Zero, si un mec arrive à F-Zero, pas sûr. Hein. S'ils veulent pas le sortir, c'est qu'il y a une raison, moi je dis. J'y crois. Voilà, donc j'ai décidé de faire court, c'était pas forcément. Écoute, intéressant, on parle pas souvent de mode, c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est pas un truc que moi je maîtrise pas très bien. Ouais, Elohim. Un très bon exemple, c'est ce qu'a fait Sega avec la licence de Sonic, et qui a récupéré un fan game et qui l'a financé et va le sortir, hein, Sonic Mania. C'est vraiment un jeu dans les prix des premiers. Je crois que ça existait plus, Sonic. Ouais, en plus, parce que c'était finalement le fan game était mieux que ce que Sega avait fait. C'est pas dur en même temps. Ah non, mais bon, c'est ça. Non, mais comme quoi, pour le coup, ils ont pas été bêtes. Ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Heureusement qu'il y a le fan game pour Sonic, parce que voilà, sans ça. Mais quelque part, heureusement qu'il y a des fans parfois. Sur les modes, parce que ça te. Ouais, sur certains jeux, ils sont pas exceptionnels, et quand tu télécharges certains modes, ils t'améliorent vraiment l'expérience de jeu, et ils la rendent vraiment potable, et ça rend certains jeux meilleurs. Après, moi, tu vois, tu vois des tonnes de Zelda avec, engine, tu vois. T'as pas besoin, ça. Non, mais Zelda, c'est déjà parfait. Les gens disent, oh, regarde comme c'est vraiment bien fait, mais c'est moche. On s'en fout, et puis c'est nul. Ouais, ça c'est naze. Les gars, faites d'autres modes. On va passer la parole à. Tu parlais de Nintendo et de leur politique, justement. On va continuer à parler de Nintendo avec Elohim. Elohim qui nous parle d'un jeu qui n'est pas encore sorti finalement sur Switch et donc sur la nouvelle console Nintendo, c'est ARMS. Alors, on le voit depuis l'annonce de ARMS en janvier, qui a l'air d'être un jeu de baston. Beaucoup de gens l'ont comparé à Wii Boxing, certains l'ont comparé à Punch-Out, enfin, les gens le regardent d'un mauvais œil parce que c'est vrai que c'est du motion gaming, et pour l'instant il n'y a pas eu de jeu de motion gaming, ça rappelle les heures sombres de la Wii pour certains. Et en fait, de plus en plus, ils dévoilent le jeu et je pense que ça peut être plus intéressant que ce qui paraissait au début. Déjà, il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup de personnalisation entre chaque personnage. On peut changer les armes de chaque bras. Enfin, il y a. C'est une. Je sais pas, c'est la vision du jeu me rappelle aussi un peu les jeux de la Dreamcast et les jeux d'arcade de cette époque-là. Ouais. Et surtout, dernièrement, je suis tombé sur des vidéos de tournois qui tournent en ce moment au Japon où ils font la promotion du jeu. Oui, donc les tournois, il y a eu des tournois ARMS. Ouais, donc il y a eu des tournois et pour faire la promotion, ils font la tournée de plusieurs trucs au Japon et je crois qu'ils ont fait aussi l'Evo aux États-Unis. Et en fait, les vidéos qui tournent sont plus intéressantes que ce qui paraissait et c'est très très loin d'un jeu d'un Wii Sport ou d'un truc comme ça. Ça, c'est l'esprit Nintendo. Où vraiment, ça donne des combats assez. Alors moi, je suis pas du tout sport compétitif et e-sport, mais apparemment, ça marche bien avec le public et ça a l'air très technique, plus que ce qu'on pensait. Et tu sais si donc, je sais pas si vous suivez un peu l'e-sport ou si vous suivez le versus fighting en général, mais ça pourrait dans cet univers où finalement ils jouent un peu toujours au même jeu, quoi. Ouais. Et voilà. Et tu sais s'ils jouent avec en motion gaming ou avec la manette, parce que les deux sont en fait sont jouables. Hein. On pourra jouer avec jouer avec le pad ou avec ou avec les Joy-Con. Ça change un peu la donne quand même. Ouais, pour l'intérêt c'est plus les Joy-Con. Enfin, bah, ça dépend. Non, mais peut-être pour le grand public. Dire, niveau, et après pour niveau, ouais, peut-être que sur la scène e-sport ils joueront avec. Ça peut se jouer aux manettes normales. Ouais. C'est ça, parce que c'est la question que j'allais poser au niveau. Je vois mal ça jouer au Nunchuk. Enfin, j'appelle ça Nunchuk, mais au machin là, au Joy-Con. Au Joy-Con à niveau à haut niveau, on va dire. Les mecs font les gestes et tout. Ouais. Là. Alors, j'imagine que tu dois avoir des subtilités que tu peux pas faire à la manette, au Joy-Con. Mais en même temps, je vais te dire, pour faire la promotion dans les tournois, ils ont dû les obliger à utiliser le Joy-Con quoi qu'il arrive. Pourquoi pas ça jouer au Joy-Con. Non, mais c'est plus à haut niveau pour pas que les mecs soient trop fatigués parce que s'ils en font 8 heures d'affilée, tu vois. En même temps, ça va pas faire du sport. Ouais. Genre la vision, c'est assez gros geek de merde. Mais la reconnaissance de mouvement marche hyper bien dessus. Ouais, on l'a testé avec Julien. Ouais, on l'avait testé donc au Grand Palais. Ouais, ça marche. Avec Julien direct, on a dit ça va être la killer app. Non, c'est un peu plus partagé. Mais je trouve qu'ils ont une stratégie, comme tu disais, un peu de ça à la Splatoon. Ouais, exact. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en dévoilent petit à petit. J'ai l'impression que même qu'ils vont, à mon avis, rajouter des personnages au fur et à mesure. Ils vont peut-être partir avec un roster de, je sais pas, 8-10 personnages. Eu 3, je crois. Non et là, ils en ont montré lors d'une Nintendo Direct. On en a revu un nouveau, voire peut-être 2. Mmh. Ils montrent des couleurs différentes. Ils ont une espèce de, comme ça, de campagne un peu pré-teasing. Et à mon avis, après, ils vont continuer à l'alimenter. Je pense qu'ils tentent un peu une Splatoon bis. Pour moi, ça va, ouais, c'est le futur Splatoon. Hein. Vous l'aurez entendu ici, avant tout le monde. ARMS, le futur killer app de la Switch. Ah, ouais, je maintiens ainsi. De sorte en bundle, j'achète direct. Ce que j'ai du mal à imaginer, c'est que tu parlais, Elohim, que le jeu allait être assez technique et j'ai du mal à on va dire, à faire la relation entre technique et motion gaming. Donc, ouais. Et moi aussi. Ouais, mais, ça m'intrigue. Parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans le gameplay, plus que ce qu'on pourrait penser en fait. Mais après, on verra bien comment il se débrouille. Hein. Peut-être ça marchera qu'au Japon, peut-être ça marchera pas. Mais je lui promets un avenir un peu meilleur que ce que les gens imaginaient. Ouais. Je pense que ça peut être un gros. Et puis comme tu disais, il y a aussi un équilibrage par rapport aux armes que tu peux équiper selon sur les différents bras. Et si c'est bien équilibré justement, ça peut donner de la profondeur pour chaque personnage que tu maîtrises quoi. Il y a un côté pierre-feuille-ciseau qui est bien implémenté, un peu comme dans les jeux de combat à jouer d'habitude. Quoi. Ouais. Ça peut être pas mal, je pense. Et puis, ils visent un peu une DA un peu à la Overwatch. Tu vois, il y a un truc comme ça où ils ont même... Enfin, le truc très... Tu parlais d'ailleurs de la relation à Dreamcast. Splatoon aussi ressemblait un peu à un jeu Dreamcast. Quelque chose de très coloré, de très arcade, de très direct. La Power Stone, un peu. Ouais, très Capcom, plutôt. Ouais, très Capcom aussi, ouais. Ça sort quand, ARMS? Juin, 16 juin. J'espère qu'ils vont faire un pack, hein. Ah, ils vont faire. Déjà, ils avaient annoncé là des Joy-Con de couleur jaune là, avec une batterie de pile dessus. C'est moche, hein, ouais. Ouais, la couleur était assez moche et puis avec la batterie de pile, sauf que ça fait, je pense, un meilleur grip pour les maintenir parce que le Joy-Con est quand même assez petit. Hein. Ouais. On a fait une session de Mario Kart avant. Tu te niques un peu les doigts quand même sur le petit Joy-Con. Alors après, c'est très très fun parce que voilà, tout le monde a sa manette et tu peux jouer à 4 et on s'est bien marré. Honnêtement. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même. Tu te dis peut-être pour les tournois, il faudra peut-être avoir des Joy-Con un peu custom quoi. Un titre à suivre, du coup, cet été sur la Switch qu'on est content d'avoir. On va continuer. Sur Nintendo et sur ces diverses annonces, alors pas de la Switch mais d'autres consoles Nintendo. Je sais plus où est-ce que tu m'as mis avant dans le conducteur. Non, c'est toi qui t'es mis là. Toi-même, hein, je te rappelle, le conducteur. Une s'en va, l'autre arrive. Okay. Tu as dit. Oui, bah, c'était un titre énigmatique, comme j'aime bien, pour parler de deux vieilles consoles de Nintendo qui font encore et toujours l'actualité, c'est la NES et la Super NES, dans leur version mini. Donc, le succès de 2016 pour Nintendo, évidemment, c'est pas la Wii U, hein, ça serait. mais c'est la NES mini qui s'est vendue à 1,5 million millions d'exemplaires malgré tous les problèmes de stock. Hein, on sait que j'ai dû aider des gens ici présents pour en trouver. Ça n'a pas été facile. Et en fait, la NES Mini, bah, c'est fini, que ce soit au Japon, aux États-Unis et même en Europe. Alors, je ne sais pas s'il y a une annonce pour l'Europe. Je sais qu'il y a une annonce pour le Japon, pour les États-Unis, de l'arrêt de la production. Puisqu'en fait, Nintendo a annoncé que la livraison d'avril serait la dernière. Donc, bah, sans trop donner les raisons de cet arrêt de production. Si ce n'est, bah, merci d'avoir acheté Mario Bros pour la 8e fois. Hein, puisque vous l'avez sur les consoles virtuelles, vous l'avez sur la NES, vous l'avez sur la NES Mini. Et désolé pour les prix eBay, puisqu'aujourd'hui, pour acheter une NES Mini, ça coûte je ne sais pas combien. Ouais, ça coûte très cher, au moins 300, peut-être 300 dollars hein, dans ces eaux-là. Donc voilà, après la pluie vient le beau temps, et après la NES vient la Super NES, et après la NES Mini devrait peut-être venir la Super NES Mini, si on en croit les informations d'Eurogamer, donc qui explique que ça arrive pour Noël, et que si Nintendo a stoppé la production de la NES Mini, c'est pour être prêt à livrer un stock confortable de Super NES Mini en fin d'année. Voilà, ça serait pour éviter de faire que bah, sur les chaînes de production, comme ils ont eu pas mal de problèmes avec la NES, et je pense que la Super NES Mini aussi, ça pourrait pas mal marcher, peut-être moins que la NES Mini, parce qu'elle est moins populaire que... Tu crois ? Bah, au niveau gamer, si, mais au niveau du grand public, je pense que la NES, ça reste une console... La Super NES Mini, ça va être la folie. Hein. Ouais, je pense l'inverse. Alors voilà, tout ça semble logique, hein, on peut prédire un beau carton. Voilà, la seule inconnue, c'est de savoir si Nintendo va prendre le risque de sortir la Super NES Mini au moment du premier Noël de la Switch, parce qu'on sait quand même, il pourrait un peu... Il y a Mario, quand même. Bah, il y a Mario, peut-être qu'il lancerait la console virtuelle. Alors, peut-être pas Super NES, peut-être qu'il lancerait la console virtuelle, je sais pas, il peut lancer la console virtuelle virtuelle GameCube, NES. Et voilà, attends, mais c'est vrai que pour le premier Noël de la Switch, peut-être qu'il prendrait pas le risque de faire un buzz avec une Super NES Mini. Peut-être qu'il la mettrait plutôt au mois de mars, même si ça reste quand même un produit de Noël, la Super NES Mini. Donc, je sais pas, est-ce que vous, c'est quelque chose, vous avez déjà la préco comme moi, on dit direct. La NES Mini, j'avais des doutes parce que j'étais un peu dubitatif pour jouer à des jeux 8 bits sur une télé HD, mais alors la SNES, c'est ma console de cœur, et moi je suis en mode pigeon. Hein. Enfin, ma seule réticence, ce sera au niveau, comme d'habitude, du line-up. Ouais. Ils vont te sortir du Super Mario, avec 30 jeux, du final. Oui. Je ferai partie des pigeons également, hein, je l'annonce directement. Voilà, si elle est disponible en tout cas, parce que ça s'annonce difficile, hein, j'imagine. J'aimerais bien qu'ils sortent un Gumball et Goemon, tu vois, des Tiny Toons, des jeux bien d'arcade, façon Capcom. Mais après, ça dépend des éditeurs tiers, ouais, ceux qui vont suivre. Dis-moi aussi, toi. Ah bah ouais, moi c'est clair que dès que c'est précommandable, je précommande. Surtout que j'ai jamais fait le Zelda de la Super NES. Ça c'est un des grands manques dans ma vie et voilà. Putain, des meilleurs en plus. Juste pour ça, je pense que je l'achèterais. Tu pourrais faire les jeux Star Wars. Ouais. Effectivement, mais ça je les ai fait. C'était très bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars. Elohim, toi tu l'as la SNES Mini, ça t'intéresse? Non, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je pense que ce serait une erreur de la lancer cette année. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'il détourne le regard. Plutôt l'utiliser pour relancer éventuellement après. Mais là, je pense que ce n'est pas le bon moment. Ouais, il faut se concentrer sur la Switch. Là. Donnez-nous à bouffer avec la Switch. Moi, je ne l'achèterais pas. Perso, je n'ai pas acheté la NES Mini. Mais c'est vrai que monsieur, il préfère la PC Engine. Toi, tu n'étais pas une SNES, toi. Ouais, PC Engine Neo Geo, oui. Non, mais déjà, moi, j'avais acheté la Neo Geo X. J'ai trouvé que c'était une grosse arnaque. Regarde, c'est bourgeois. Ah, le bourgeois. C'est clair, le bourge. J'ai trouvé que c'était une arnaque, la Neo Geo X, donc j'ai regretté. Et moi, je préférais avoir la console virtuelle sur la Switch, parce que comme ça, tu peux y jouer en mode portable et en mode écran. Ça m'intéresserait de l'avoir également. C'est vrai que j'ai fait, les jeux. On parlait Zelda, t'as ton Zelda sur ta Switch. Oh la vache. Ils vont ressortir, de toute façon, il a sorti à peu près 12 fois sur la Switch, ça serait bien. La Switch, elle a ce confort, enfin, on en reparlera une autre fois, mais c'est vrai que pouvoir jouer dans son canapé ou sur sa télé au choix, c'est quand même assez intéressant. Par rapport à ce que tu disais, moi je crois que la SNES, tu l'as vu, on n'a pas hésité direct, moi je crois qu'elle va se préco direct. Je pense qu'elle se précommandera beaucoup plus que la NES. Ouais, mais dans le grand public, la NES, c'est plus la console que les gens ont eu. Tu vois, les gens qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont joué à la NES, après ils ont arrêté. Moi, c'est l'inverse. Je suis pas sûr. Déjà, c'est mieux vendu la NES que la Super NES, de 20 millions pratiquement. Ouais, c'est vrai. On verra ça. Parlons des autres consoles. La dernière console de Nintendo, la plus finalement celle qui nous intéresse en ce moment, hein, celle pour laquelle on a un petit peu peur pour le premier Noël, c'est la Switch. Tu en parlais. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur pour la Switch? Là, la Switch a 2 mois et ça a été l'occasion pour Nintendo de tirer un premier bilan des ventes de la machine en mars. Alors, notamment aux États-Unis, hein, je reviendrai après sur les ventes mondiales, mais on a eu des chiffres quand même un peu plus détaillés dans un premier temps aux États-Unis. Donc, on a eu d'abord les traditionnels effets d'annonce un peu partout dans le monde, le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo, et là on a des chiffres. Donc c'est un peu plus de 900 000 Switch qui ont été vendus en mars aux États-Unis, donc c'est du 3 mars, parce que c'était la date de la sortie, au 31 mars. Donc en fait c'est mieux que le meilleur mois de la Wii U, toute période confondue. Et donc bien sûr mieux que son mois de lancement, hein, la Wii U avait été lancée en novembre 2012 et elle s'était écoulée à 425 000 exemplaires aux États-Unis dans une période plus propice à Nintendo, hein, puisque c'était quand même Noël. Et là, donc 900 000, un peu plus du double. Donc si on compare aux autres machines sorties il y a peu, c'est assez proche, dans une période certes plus calme que Noël, mais pour une machine qui était moins chère que la concurrence, donc elle coûte 100€ de moins que la PS4 à sa sortie et 200€ de moins que par rapport à la One. Donc c'est mieux que la One qui avait fait 909 000 exemplaires, donc c'est un tout petit peu mieux. Ils ont un peu, NPD, je crois, a revu un peu ses chiffres à la hausse. Au début, on la mettait plutôt vers 900 000, 906 000, je crois, et moins bien que la PS4 qui avait fait 1 138 000 machines vendues sur son premier mois de commercialisation aux États-Unis. Voilà, donc c'est toujours difficile de comparer vu que les prix sont différents, les périodes de sortie aussi. Il y a des pénuries en fait qui faussent un peu les comparaisons, mais reste que voilà, c'est un bon démarrage qui a été confirmé dans les autres pays, puisque on a eu la semaine dernière, Nintendo a communiqué officiellement les chiffres. Donc au niveau mondial, c'est 2,74 millions de Switch vendus au 31 mars, donc en un mois. Donc on sait aussi qu'il y a eu des pénuries, c'était assez compliqué de s'en procurer une, donc c'est plutôt aussi un bon score. Et voilà, surtout alors le score qui est quand même assez hallucinant, c'est le score de Zelda, puisqu'en fait il s'est vendu 2,76 millions de Zelda, donc en fait il s'est vendu plus de Zelda que de console Switch. Alors ça s'explique par le fait qu'il y a des gens qui ont acheté la version collector, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-unes, et surtout des gens qui ont peut-être commandé une Switch et qui n'ont pas pu en fait avoir leur Switch à cause de la rupture de stock, des pénuries, et qui donc ont acheté quand même le jeu Zelda. Au moins quand tu fais une commande, je sais pas, tu commandes les deux produits, le livre, je sais pas, ils disent bon, vous attendez deux semaines, vous aurez votre Switch, et tu reçois avant le jeu. Mais voilà, on est donc à un taux d'attachement de plus de 100%. C'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive dans le business, je pense. Le Zelda, il s'est bien vendu sur Wii U, hein, selon j'avais regardé. Ouais, il s'est plutôt bien vendu. Ouais, il s'est bien vendu 1 million aussi, je crois. C'était pas mal. Sur donc les 13-14 millions de Wii U de Switch. Ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui étaient sur Wii U qui n'ont pas forcément encore été sur Switch. Ouais. Non, c'est intéressant pour Nintendo. Côté jeu, c'est 5,46 millions de jeux Switch. Donc ça veut dire que la moitié, c'est du Zelda. One to Switch, c'est à combien ? 1 million de One to Switch, ça paraît pas mal. Hein. Ah, tu vois, il n'y a pas que toi. Hein. Voilà, j'étais assez étonné du chiffre, parce que tout le monde disait que c'était un peu un four, un beat, que personne n'en parlait. Je pense que c'est un jeu qui peut sortir un peu de la sphère gamer. Moi, je trouve que c'est pas un très bon jeu. On en avait parlé ici aussi par rapport. On en reparlait de Wii Sport Resort. Mais voilà, 1 million, c'est plutôt pas mal. 500 000 Bomberman Air. Donc ça, c'est quand même une bonne réussite pour. 500 000 déçus. Pour Konami. Alors depuis, ils ont patché le jeu. Apparemment, il y a beaucoup moins de lag, même si maintenant le jeu est en 720p au lieu de 1080, et 350 000 sniper clips. Ah, quand même. Donc toujours intéressant, on dit toujours faut pas sortir au lancement d'une console Nintendo parce que tu te fais écraser par Zelda, mais je pense que les joueurs qui ont acheté, ils ont envie aussi d'acheter d'autres jeux quand t'as une machine, c'est un peu notre cas. Ça manque un peu, ouais. Voilà. Là, on est content qu'il y ait quand même quelques jeux qui arrivent maintenant un peu plus. Moi j'ai à peu près tout acheté sur la boutique online, etc. Genre, j'en pouvais plus de n'avoir qu'un seul jeu. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'on s'était trompé, parce que nous on était quand même assez mitigés sur comme le... d'hab en fait. Hein. On se gourre un peu. On a dit que ça allait foirer, et ben ça a super marché, c'est le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo quasiment. Ouais, alors est-ce que finalement il faut aussi être un peu prudent, on va voir après comment ils vont réussir à maintenir la hype. Maintenant je pense que là ils sont sur une, par exemple au Japon ils en vendent 50 000 par semaine avec les pénuries, je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que pour l'instant on sait pas encore une fois que les pénuries seront... On sait que Mario Kart a déjà battu des records de vente aussi. Ouais, par exemple en UK, c'est pas du tout c'est pas un marché pour eux, en Bretagne, c'est vraiment quelque chose où ils ont toujours été très très faibles, là il a été numéro 1. On peut déjà parler de quasi-succès. On ne sait pas si à long terme ce sera un succès. En tout cas, pour le lancement, c'est un succès indéniable. Ils ont fait racheter des gens Mario Kart. Et en plus, oui, c'est ça qu'on va dire. Parce qu'à l'époque, nous aussi, nos réticences, même si comme des gros pigeons, on l'a acheté. Il a sorti les cash en direct. Hein. Mario Kart, tu ne l'as pas encore. Mais tu vois, c'était finalement notre réticence, c'était de dire si finalement c'était une Wii U, pourquoi acheter une Switch. Sauf que il y a un truc qu'on n'a pas pris en compte, et d'ailleurs que je crois qu'Elohim pour le coup lui était de ceux qui trouvaient que le concept même de la console était ce qui pouvait la faire vendre, et c'est vrai que maintenant aujourd'hui, j'ai amené ma Switch, je la mets dans ton dock, on prend les 4 Joy-Con et on joue à Mario Kart, et là ça a été assez hallucinant en fait comme expérience, le concept est beaucoup plus fort que ce qu'on ne pensait, et ça mérite l'achat en tout cas, enfin pour nous deux, je dis pas pour tout le monde, mais c'est vrai que ça peut faire passer de l'achat d'une Wii U à une Switch. Oui, t'aurais pas fait ça avec la Wii U finalement, t'étais avec tes manettes. Moi je jouais pas par exemple juste sur l'écran machin déporté de la Wii U, alors que là je joue souvent dans mon canapé avec ma Switch juste sur le petit écran parce qu'il est de très bonne qualité. Ouais, toi Elohim, finalement t'étais convaincu dès le début sur la Switch. Donc voilà, ça se confirme. Hein. Ouais, c'est vrai que moi je trouve la façon que j'y ai d'y jouer, comme tu disais, c'est vraiment. Comme je l'imaginais, c'est-à-dire beaucoup en déporté, beaucoup de parfois sur la télé. Mais je pense surtout que la période est parfaite, en fait. Parce que Sony est en train d'annoncer que les ventes de la PS4 sont en train de ralentir, puisque ils en ont vendu quand même 60 millions. Ouais. Donc il y a un peu une porte ouverte, je pense, pour Nintendo, et c'est vraiment la meilleure période pour eux. Hein. Pour vendre une console un peu différente, alors que tous les foyers sont un peu occupés déjà par Sony, par Microsoft aussi, mais voilà. Donc je pense que vraiment c'est la période parfaite, quoi. Les autres sont sortis du 3 ans, les gens cherchent autre chose à acheter. Et... Ouais, ouais. Je pense que ça peut vraiment cartonner à Noël. Hein, ouais. On n'est pas vu venir. Ouais, hein, moi je pense que j'avais mésestimé un peu l'usage. Ouais. Tu vois, le côté, bah, je la transporte partout. Moi, c'est vrai que je suis allé, par exemple, en vacances. Ouais. On l'a posée sur une table, on a joué à Snipper Clips, on a joué à la démo de Puyo Tetris. Et voilà, tu vois, on parlait des Joy-Con, c'est vrai que ce n'est pas une super ergonomie, mais ça fait le taf quand tu veux jouer à Mario Kart A4 et tu t'éclates, en fait. Tu as déjà tes deux manettes, quelqu'un a aussi la Switch. Bon, voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un pad pro, tu n'as pas besoin d'être genre pro gamer. Voilà, tu t'éclates tout de suite. Il y a quatre boutons. Voilà, même si les boutons sont tout petits, tu as ton doigt un peu crispé sur le truc, mais voilà, pour jouer à Mario Kart, ça m'a pas dérangé aujourd'hui et c'était plutôt fun, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que le concept... Je regrette juste de pas pouvoir connecter à la télé sans dock, ouais. Parce que le fait de partir en week-end et de pouvoir le brancher à la télé chez quelqu'un et obligé de prendre le dock pour ça, c'est un peu con. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc j'espère qu'ils vont sortir un truc alternatif. Bah, ils vont sortir un dock à l'unité, tu peux. Et un dock transportable. 200 euros. Non, c'était 80. Il est à 90 euros quand même. Ah ouais, quand même. Bon, pour un bout de plastique. Tu l'as déjà précommandé alors, ça veut dire. Non, non, moi j'en ai pas besoin. Hein. Non, mais moi en plus, je joue principalement sur la télé. Là, j'ai juste expérimenté parce que tu vois, là, on a joué à Mario Kart et puis on sait aussi. Moi, je me suis déplacé. J'ai joué aussi dans le train. C'est une très bonne portable aussi. Non, il y a plein d'usages qui sont intéressants. Je pense que c'est ça qui intéresse les gens plus que le Kadok, puisque c'est un peu le même pour l'instant que la Wii U. Hein. On va pas être... Mais c'est une bonne chose pour que les éditeurs viennent dessus, pour qu'ils sortent des jeux. On a déjà eu pas mal d'annonces dans ce sens-là, de la part de Japonais, Square Enix, Capcom, qui veulent porter des jeux sur la Switch. Voilà, reste à voir ce que ça va être. Puis le 3. On va continuer avec le business, justement. Tu parles des chiffres de vente de Nintendo, on va continuer à l'aspect business du jeu vidéo avec Elohim qui va nous parler d'un éditeur que le grand public connaît pas très bien finalement et qui est pourtant, je crois, peut-être le plus gros au monde, c'est Tencent. Ouais, c'est ça. C'est le plus gros ou pas? Je me trompe, je ne sais pas. Je crois qu'en chiffre d'affaires, c'est le plus gros parce que ça inclut tous les chiffres de mobile. Hein. Ils font énormément de mobile, ils font beaucoup de jeux online aussi en Chine. En Corée, il me semble aussi qu'ils ont des billes. Enfin, donc c'est vraiment très, très gros. Et ils ont lancé donc un espèce de concurrent de Steam, mais qui au final est juste une plateforme de vente. Et je pense pas que leur but c'est de prendre le jeu PC en Occident. C'est pas leur, en tout cas pas à court terme. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc qui est arrivé en même temps, c'est que ils ont fait un partenariat avec Ubisoft pour vendre un jeu basé sur la licence Heroes of Might and Magic en Chine. Et ça intervient au même moment où Vivendi apparemment muscle un peu leur prise d'opposition chez Ubisoft. Donc je ne sais pas si c'est un indice sur le fait que peut-être ils s'acoquinent avec un autre éditeur pour se protéger un peu quelque part, quoi. Parce que même s'ils veulent rester indépendants, peut-être ça ne serait pas plus mal pour eux que... En tout cas, du côté mobile ou du côté online, il se renforce du côté d'un gros acteur comme Tencent. Ouais, c'est un effet d'annonce qui est aussi intéressant pour le marché, de dire on se rapproche de Tencent. C'est quand même un poids lourd assez monstrueux par rapport aussi à Vivendi. Hein. C'est ça. Pour l'instant, c'est juste un accord commercial. Il n'y a pas d'échange d'actions. Moi, c'est juste une supposition de ma part, mais en tout cas, c'est un move qu'ils n'auraient pas fait tout seuls. Et voilà. Donc pourquoi pas, quoi. Donc Jean-Pierre Gaillard nous dit d'acheter des actions Tencent et Ubisoft pour le prochain. Non, c'est vrai que c'est intéressant et Tencent, on n'en parle pas souvent nous, clairement, mais c'est un acteur à suivre dans le marché si vous voulez. Ouais, ils ont racheté énormément aussi. Hein. Dans le même mois, ils ont racheté des nouveaux éditeurs en Corée. Ils ont racheté des... Donc je pense que ça grossit énormément. Ça peut être acteur... En Occident plus tard, je pense. Bah ouais, en plus on sait que le marché chinois c'est un marché en ce moment qui est très couru par l'éditeur. Je vais peut-être rebondir sur Ubisoft. Tu t'en parlais, tu l'évoquais parce que c'est un peu en ce moment le calme avant la tempête. On sait qu'il y a des mouvements qui se préparent en coulisses et ça faisait longtemps que nous ici on n'avait pas parlé du combat Vivendi Ubisoft. C'était personnifié par Vincent Bolloré d'un côté et Yves Guillemot de l'autre et c'était un des feuilletons de 2016 avec ce season final qui voyait Ubisoft faire front et en appeler à la résistance et à la solidarité amoureuse de ses employés. Façon j'aime ma boîte, hein. On les voyait tous dire Ubisoft c'est génial, on veut rester indépendant, c'est ça la créativité, voilà. C'est d'ailleurs pas du tout un jugement, hein. On en avait un peu rigolé à l'époque parce que Ubisoft aussi dans le milieu du jeu vidéo il passe un peu pour le gros service qui va un peu écraser les petits. Là quand t'es face à Vivendi forcément t'es plus le gros service et tu fais des trucs un peu j'aime ma boîte, j'aime mon entreprise. La saison 2 va arriver en 2017 puisqu'en coulisses les choses semblent bouger. Alors déjà côté Ubisoft ces derniers jours ils ont fait des annonces intéressantes avec l'ouverture de deux nouveaux studios, donc il y a un studio qui va ouvrir à Bordeaux et un studio qui va ouvrir à Berlin, qui vont être focalisés sur les AAA et le coup de main aux autres équipes. C'est un peu le rôle qu'avait le studio d'Annecy, celui qui à la base ils aidaient un peu sur les Assassin's Creed et après ils ont eu donc leur Steep, hein, dont Elohim nous avait parlé, donc qui était le jeu de Snow en monde ouvert, voilà, qui a été plutôt bien accueilli. Je sais pas trop s'il vit encore, c'est voilà, peut-être que ça sera l'occasion d'un conseil un jour, mais voilà, disons que c'est un studio qui d'abord donnait un coup de main et qui après a eu la possibilité de faire son propre jeu. Donc Vivendi, lui, de son côté, ils étaient surtout occupés avec le rachat du groupe de médias italien Mediaset, hein, dont ils détiennent presque 30%. Chez Ubi, ils détenaient 25% pour rappel en fin d'année. Et apparemment, c'est un peu plus compliqué que prévu le rachat parce que le droit italien s'en est mêlé. Voilà, donc ils étaient un peu dans un bourbier, on va dire, pour rester dans une comparaison un peu guerrière. Et en fait, on a appris que les choses pourraient bouger rapidement et reprendre entre Ubisoft et Vivendi, puisque selon l'agence Reuters, Vivendi va accélérer sur le dossier Ubisoft et plus généralement dans sa stratégie d'achat côté jeux vidéo, puisque Reuters parle d'Ubisoft comme la première cible de Vivendi dans cette volonté d'expansion. Et voilà, racheter Ubisoft, vu les réticences des guillemots, ça pourrait coûter très cher à Vivendi. Et en fait, en cas d'échec, bah, Elohim en parlait, Vivendi pourrait se rabattre sur des sociétés chinoises de jeux vidéo. Enfin, on évoquait finalement l'intérêt de la Chine, et peut-être que Vivendi, qui veut toujours s'étendre, ils n'ont pas que, comme je disais, ils n'ont pas que Ubisoft dans le viseur. Voilà, c'est peut-être leur prochaine cible. Il y a certaines sources qui disent ça, mais peut-être que s'ils n'arrivaient pas, ils iraient acheter des sociétés chinoises. Voilà. La stratégie de Vivendi est quand même pas hyper claire. Non, si je me souviens bien, c'était eux qui détenaient Blizzard. Ouais, ouais. Qu'ils l'ont revendu. Blizzard a depuis énormément grossi. Enfin, c'est incompréhensible de. Ouais, c'est un peu au niveau stratégique, c'est des mouvements qui, quand tu regardes à long terme, à court terme, je peux les comprendre. J'imagine qu'il y a un intérêt de marché, mais à long terme, tu te dis, il y a 15 ans, ils possédaient Blizzard, ils s'en sont séparés entre temps, et maintenant, ils veulent reposséder une autre société de jeux vidéo. En disant que tout d'un coup c'est leur cœur de stratégie. Bon, ça me paraît difficile à croire. Bref, on va pas s'investir là-dedans plus que ça. Sinon, on ouvre un débat qui pourrait rester encore plus longtemps. On va parler d'un dernier sujet business, dernier éditeur, c'est Remedy. Remedy Elohim, qui a eu également une actualité niveau boursière, justement. Ouais, absolument. Donc, Remedy, c'est ceux hein, qui ont développé Max Payne, Alan Wake et dernièrement Quantum Break en exclusivité pour la Xbox et PC. Et Quantum Break n'avait pas trop marché, hein, je crois. Ça a été un échec. Ouais. C'était critiquement moyen aussi. Et là, apparemment, ils veulent s'introduire en bourse. Ils font un appel du pied au marché. Ce qui paraît assez étonnant parce qu'ils ont toujours resté plus ou moins indépendants et financés par d'autres boîtes. Donc, apparemment, ils auraient un gros projet en cours. Voilà, on n'en sait pas trop dessus, mais c'est un move. On entend très peu parler d'eux d'habitude en dehors des jeux. En général, donc, effectivement. Ouais, il y a un chercheur qui s'investit en bourse. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, leur dernier projet, Quantum Break, était très open media avec une série et tout ça en même temps. Donc peut-être ça pourrait être quelque chose dans ce genre-là. Ouais, et puis là, l'annonce. On verra bien à l'E3, j'imagine. L'annonce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont un moteur maison qu'ils ont porté sur PS4. Donc ce qui vous va montrer que, alors ça ne veut pas dire qu'ils ont pas, ils vont pas encore avoir des projets en exclusivité avec Microsoft, mais ça va être bon, ils n'ont jamais été liés à Microsoft, hein, c'est un second party ou peut-être un second party, mais voilà, ils étaient liés juste sur des contrats de jeu. Ouais, voilà, c'était eux qui finançaient leur projet, et là en fait ils vont, à mon avis, ils vont passer par d'autres moyens de financement pour toucher plus de machines. Donc là on sait qu'ils ont adapté leur moteur pour la PS4, donc ça veut dire qu'ils vont viser le marché multiplateforme, et je pense que leur arrivée en bourse, ça va être aussi lié à ça, et avec un jeu qu'ils vont mais ils ont fait d'autres projets, je crois qu'ils aident aussi un jeu, ils font la partie solo, il me semble, d'un FPS, alors je sais plus si c'est coréen ou chinois. Ils ont un peu diversifié leur projet. C'est vrai que Quantum Break, c'est un jeu qui n'a pas tellement marché et qui était assez cher à produire, donc ils sont obligés en tant que studio indépendant de se diversifier pour avoir d'autres entrées d'argent, quoi. Julien, je te laisse la parole pour conclure cette news jeu vidéo, cette partie jeu vidéo, avant un dernier quiz de Yao qui nous a encore réservé une surprise pour ça. Tu vas nous parler de Sega ? Ouais, de Sega et de Platinum Games, puisque en fait début avril, Sega ils se sont amusés avec les fans de Bayonetta. Donc Bayonetta, c'était le jeu qu'ils avaient sorti en 2010, Platinum Games qui était édité par Sega. Et en fait, ils ont lancé sur Steam un mini-jeu 8 bits à l'effigie de la sorcière et promettaient une annonce une semaine plus tard, donc avec un compte à rebours à l'appui. Donc résultat, la sortie le jour même de l'annonce, comme ça se fait assez souvent sur Steam, du premier Bayonetta en 4K et 60 FPS. Wow. Le tout pour 20€, donc la version ultime de Bayonetta. Est-ce que tu l'as acheté ? Mais non, je n'ai pas de PC, je n'ai pas de 4K. Tu pourrais supporter Platinum Game. Bah oui, mais je sais même pas où. J'ai même pas de compte Steam. Il a même pas de compte Steam. Tu me dis ça, t'es fan ultime de Camilla, t'achètes même pas Bayonetta. Bah oui, mais je sais même pas comment l'acheter, tu vois. Je pourrais me créer un compte Steam. Donc un mois plus tard, ils en ont vendu 150 000 exemplaires. Donc Sega, ils ont continué le teasing, puisqu'en fait, dans la mise à jour de Bayonetta, ces petits filous de japonais, en fait, ils ont glissé via le dossier extra un avatar d'un autre jeu développé par Platinum Games et édité par Sega, le très classe Vanquish, un TPS bah, de Shinji Mikami. Le meilleur TPS. Voilà, un des meilleurs TPS dans son système de jeu. Un TPS qui prenait un peu l'opposé de Gears of War, qui était un TPS assez lent, assez lourd, assez posé, pour un TPS très rapide. Très nerveux. Donc, alors, on ne sait pas si c'est un clin d'œil ou l'indice d'une prochaine sortie de jeu sur Steam. Donc, perso, je pense quand même qu'ils vont le sortir. Wonderful 101, c'est Nintendo. C'est bien. Mais disons que non, mais ce qui est, je pense que c'est vraiment pas un clin d'œil, c'est vraiment quelque chose qui va se faire, puisque Sega avait annoncé qu'ils voulaient porter d'autres jeux, d'autres de leurs titres sur PC, et Platinum Games avait dit aussi qu'ils aimeraient que leurs jeux sortent sur PC. Et quand on connaît Platinum Games, on sait qu'ils sont, bah, sur certains jeux, ils sont en contrat d'exclusivité avec des constructeurs par exemple comme Nintendo pour Bayonetta 2, donc c'est compliqué d'avoir Bayonetta 2 sur PC, à part si Nintendo décide de sortir ses jeux sur PC. Par contre, un jeu comme Vanquish, puisque c'est Sega et qu'ils ont déjà sorti... Ils avaient déjà sorti Metal Gear sur PC. Ouais, Metal Gear, mais ça c'était Konami, donc Konami, ils étaient toujours été ouverts au PC. On sait que Metal Gear 5, pardon, est sorti sur PC. Donc voilà, je pense que ça va quand même être... Ça m'étonnerait pas que ça soit... Bah, tu verrais quoi alors comme sortie? Bah, Vanquish. Non, mais après Vanquish. Bah, après, je vois pas trop ce qu'ils ont chez Platinum Games qui pourrait sortir. Anarchy, sur... Ouais, Anarchy, je vois pas d'intérêt. Si Anarchy pourrait le sortir, sur... mais il est pas déjà sorti sur PC, non? Ouais, je sais pas. Non, c'était que sur... Bon voilà, mais bon voilà, tout ça pour dire que c'est plutôt une bonne chose qu'ils soignent quand même leur portage, qui n'est pas si souvent le cas pour les devs japonais quand ils arrivent sur PC. C'est mais pas une histoire de rentabiliser aussi le projet de Camilla là. Scalebound. Ouais, Scalebound. Bah non, parce que là l'argent va surtout, enfin va en partie à Platinum Games, surtout quand même à Sega puisque c'est eux qui éditent le jeu. Mais pour le coup, non, c'est une bonne chose, c'est quand même une bonne chose de voir le soin qu'ils mettent. Et puis finalement, le résultat, 150 000 exemplaires vendus assez rapidement. C'est pas mal. On va terminer avec le quiz, comme dans la partie divertissement. Je te laisse la parole, Yao. Quel est le concept de ton quiz et est-ce qu'on va y arriver? Vas-y, bah, faut que je l'explique bien. Alors, on est en 2017, en fait, les 10 ans de la PlayStation 3. Ouais. De rien. Et aussi de la Wii, même si elle est sortie en 2006, il me semble, donc c'est un peu plus de 10 ans, mais bon, toutes les deux sont dans le même panier. Donc, je vous ai concocté une petite liste de jeux sortis en 2007. Ouais. Sur les deux supports, donc PS3 et Wii. Ouais. Donc, dans cette liste, sur les 10 jeux, il y en a 5 seulement qui sont sortis en 2007, c'est à vous de me dire lesquels. Oh putain! C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Allez, tu vas citer combien de jeux? 10. 10. Ouais, 10. Donc, ici, 10 jeux, il n'y en a que 5 qui sont sortis en 2007, à nous de les trouver. Ouais. Ça peut être collégial, hein, si vous voulez. Dim, Elohim, vous êtes prêts? Ouais, je suis dessus. Ok, allez-y. Alors, je procède comment? Je dis. Bah, dis les 10. Hein. D'accord, ça marche. Alors, pour la Wii, Super Mario Galaxy, Wii Party, Epic Mikey, DBZ Budokai Tenkaichi, Endless Ocean, Wii Fit Plus, Carnival Games, Cooking Mama, CSI Hard Evidence et Okami. T'as comme c'est dur. Je pense que le Wii Balance Board, il y avait ça, non, là, t'as dit Wii Fit Plus. Wii Fit Plus, c'est plus tard, je crois. C'est plus tard, ouais. Parce que, attends, la Wii, elle est sortie en quelle année? 2006. Hein, donc c'est 2007, c'est un an après. Ouais, c'est pas un an après le Balance Board. Et c'était en décembre, hein. C'était en décembre 2006. Ouais, décembre 2006, ouais. Moi, je dirais que Okami, il est sorti en 2007, puisqu'il a été porté quand même super rapidement. Non. Merci Julien de nous avoir fait perdre un point. Le Dragon Ball Z, je pense, il est sorti en 2007. Ouais, c'est possible. Dim, un point déjà. Oh là. Ouais, enfin, un point. Dim a bien vu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mario Galaxy, non. Epic Mickey est sorti plus tard. Epic Mickey dit plus tard, Elohim dit pour Epic Mickey. Ouais, il a raison. Ouais. Et Galaxy aussi plus tard. Non, 2007. Oh, pour Mario Galaxy ouais. C'est 2007. Ouais. C'est-à-dire qu'il est sorti l'année d'après de la sortie de la Wii. Je suis Fred Mickey aussi. 2007. Putain. Il y avait quoi d'autre? Moi, je l'ai acheté après la Wii de toute façon. Il y avait quoi d'autre? Donc après, il y a Wii Party. Wii Party. Ouais, Wii Party, je le vois bien aussi. Non, non. Oh putain, de c'est tout tard, Wii Party. C'est 2008, je crois. Si j'ai pas il y avait rien sur la Wii. Après, il y a DBZ, je sais pas si. DBZ, Dim l'a dit, non? Dim l'a dit, ouais. Il a dit DBZ. Ouais, ouais. Endless ouais, Ocean. Ça, je sais pas. C'est un jeu de rôle, c'est un. Non, c'est un jeu de plongée. Endless Ocean, un jeu de plongée. Ouais, bon. On va dire oui. Bien vu. C'est une chance sur deux. Hein. C'est au début, tous les concepts, ils les ont. Ah ouais, putain, celui-là. Wii Fit Plus, tu m'avais dit. Moi, j'aurais dit plus tard, ouais. Ouais, plus tard. Ouais, Wii Fit Plus, ouais. Carnival Games. Ça, je connais pas. Bon, ça, oui. Ouais, c'est une connerie à la con. Ouais, un jeu à la con, là, un jeu party game. Cooking Mama. Cooking Mama, c'est plus tard, ça, non? Cooking Mama, je me rappelle. Cooking Mama. Ouais, je dirais 2007, moi. Je sais pas, on a fait combien en 2007, là? Mais j'ai même pas sur cette console ou Cooking Mama, j'ai même pas. Ouais, plus tard. Si, ouais, il était sorti sur Wii, ouais. Mais je sais plus. C'est pas en 2007. Plus tard, nous dit Yao, finalement, on s'est pas trompé. Ouais, après, il y a CSI, Hard Evidence. Ah, je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, t'as été le chercher. Celui-là, t'as été le chercher. Il est forcément de la bonne année, celui-là, non ? Il n'est pas connu, il est à 2007, celui-là. Alors ? Eh, bah, je dirais non, moi. Moi, je dis oui, ouais. Moi, je dis oui aussi. Ouais, 2007. Allez, allez Julien. Et voilà. Ça, c'était pour la liste de... Alors, PS3, maintenant. Donc, voilà. Donc, PS3, j'ai la liste. Alors, il y a Conan. Oh, putain. Flower. Comment ? Flower. Ah, Flower, est-ce qu'il est sorti ? L'air, les fameux jeux de dragons. L'air, oui. L'air, oui, ça s'est sorti très, très proche. NBA Street Home Court. Ouais, ça, oui. Oh, Dieu, je ne fais même pas la liste. Ah. Ouais. Allez. Non, ça, oui. Infamous. Ninja Gaiden Sigma. Les Sims 3. The Darkness. Bionic Commando Rearmed. Et Fat Princess. Oh, putain, c'est pas facile. Alors, tu penses, vas-y, dis les jeux dans l'ordre. Alors, Conan. C'est le quoi, ce, je me rappelle. Conan, je sais. Un beat VMO, bah, Conan le Barbare. Ouais. 2007, je crois. Ouais. Bien dit. Quand il y a du gros muscle, il est là. Flower. Ouais. Flower. 2007, Flower. Alors, attends. Non, moi, je dirais non. Ils ont mis 5 ans à sortir, je crois. Non, moi, j'aurais dit oui. J'aurais dit non, plus tard, mais... Dimi a raison. Ouais. Ouais, plus tard. Plus tard. C'était 2008. Je sais plus la date. Parce qu'ils ont mis quoi, 5 ans à sortir de Journey. C'était quand Journey, c'était fin de la PS3. Sachant que la gêne, elle a duré au moins 8 ans. Bon. Donc ça, c'est bon. Flower, ensuite. L'air. Ça, ouais, là, l'air, oui. Ouais, ouais, ouais. L'air 2007, ouais. Ouais, ouais, bien vu. Pas de cette merde. Bien vu, les gars. Le NBA. Bon, je dirais oui, parce en que général, c'est toujours un jeu de lancement. Tu serais pas allé le chercher super loin, ça. Ouais, 2007. Ouais. Il y a toujours un NBA. Bien vu, souvent NBA. Bien vu, Julien. Je connais Liao. The Infamous. Ah, ah. Infamous. Aucune idée. Moi, j'aurais dit plus tard. Ah, j'aurais dit 2008 ou 2009. Ouais. Bravo, Julien. Ouais, c'est plus tard. Je suis plus calé sur la PS3 que sur la Wii. Ninja Gaiden Sigma. Ça, je sais pas. C'était sorti sur Xbox, donc il est peut-être sorti. Moi, j'aurais dit oui. C'est sorti au début de la console, un peu. Ouais. Sinon. T'as raison, Julien. Ah, 2007. Bien vu, Dimitri Julien. Les Sims 3. Ça, c'est la grosse. Il est bien dans les bacs au champ, celui-là. Ça, c'est pas de souci. Je sais pas, moi, je me souviens pas que je. Sims 3, ouais, sur PC. Je dirais non, moi, je dirais l'année d'après. Ouais, t'as raison. Je sais pas quelle année, mais pas 2007. Bien vu. The Darkness. C'était un FPS un peu horrifique. Ouais, ouais, non, c'est pareil, ça c'est pas sorti au début de la console. Ouais, si je crois. C'est au début, ça. 2007. Ah, putain, ça m'est pas plus tard. Bien, 2007, ça. Ah merde, ouais, je me suis fini qui là-dessus. On appelle du logo. Ouais. Ouais, t'es pas mal. Moi j'ai fait la démo, c'était sympathique. Bionic Commando Rearm. Ça c'est plus tard, ça. J'adore ce jeu. Il dit que c'est plus tard. Bien joué, Dan. Bien vu. Et Fat Princess. Fat Princess, c'était un jeu en téléchargement, donc sûrement plus tard. Exact. Et ben voilà. Eh bah écoute, merci pour ce quiz. Ouais, pas mal. On est pas pour un fanboy de Nintendo, Julien. Je l'ai eu pratiquement à la sortie de la PS3, alors que j'ai eu la Wii plus tard en fait. Ouais, c'est bien joué. Et merci pour ce quiz. On va passer à la partie critique et conseil pour conclure ce podcast. Partie critique et conseil, et tout de suite, je passe la parole à Dimitri. Qu'est-ce que tu as été voir? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, tu veux nous parler cette semaine? Pas grand-chose, j'étais en plein déménagement. J'ai quand même eu le temps d'aller au ciné. J'étais voir Les Gardiens de la Galaxie 2, donc c'est très récent. Et vu que je suis un grand fan du premier, j'attendais beaucoup ce volume 2, malgré les bandes annonces qui annonçaient un bis. D'ailleurs, pour beaucoup, suite au visionnage du film, c'est le cas. Mais bon, tout d'abord, je comprends pas trop cette comparaison. Le premier allait à 100 à l'heure, alors que celui-là, je trouve, a un sacré problème de rythme. Et oui, je suis un peu déçu par ce film, surtout à cause de ce défaut de rythme. Le film patine pas mal, surtout dans sa première heure, où il ne se passe pas grand-chose. Les enjeux racontés par l'histoire ont beau être importants, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et que les personnages n'en sortent pas grandis. Le premier film était hyper cool aussi, car c'était un film d'équipe, alors que là, c'est plus un film de duo, où l'équipe est séparée. Alors, il y a des duos qui marchent, comme Mantis ou Drax, qui sont très drôles, ou Yondu et Rocket, et d'autres beaucoup moins, à mon avis, comme Star-Lord et Ego, joués par Kurt Russell. Après, on retrouve des qualités du premier, comme l'humour qui marche toujours aussi bien, un univers décalé, des tonnes d'easter eggs. Les personnages sont toujours attachants. Mention spéciale à Michael Rooker qui dans le rôle de Yondu, clairement, qui est pour moi le perso le plus intéressant du film. Je suis vraiment content de voir que cet acteur plus habitué à des seconds rôles et aussi à des petits films crève enfin l'écran dans un, on va dire, un gros blockbuster. J'ai envie de croire que son rôle est assez méta et que ses interactions avec Star-Lord renvoient directement à la relation qu'a l'acteur avec le réalisateur James Gunn, c'est-à-dire un ami de toujours et mentor. Le film n'est pas avare d'ailleurs en émotion, il y a plusieurs passages assez touchants, j'ai trouvé. Bref, je peux pas dire que c'est un mauvais film, mais bon, je le conseille vraiment seulement aux fans du premier, car c'est un plaisir de retrouver les anciens personnages, de découvrir les nouveaux, et aussi replonger dans, on va dire, cet univers coloré, rempli d'humour. Mais bon, c'est juste dommage que le rythme n'est vraiment pas maîtrisé, et qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, quoi, entre ouais. Le 1, celui-là, on a l'impression qu'il n'y a rien eu, quoi. Ouais. Greg, tout à l'heure, a dit que t'es un étron. Purge, hein. Ouais, moi, j'ai été beaucoup plus dur que Dim, hein. Je serais un peu plus mesuré, j'ai dit étron pour aller vite, mais ouais, clairement, effectivement, je pense qu'il faut être vraiment, vraiment... Citerne de merde, t'as dit. Non, ça c'est dit. Non, il faut vraiment être fan du... Il faut vraiment être fan du 1 pour vraiment apprécier le 2, mais ouais, clairement, on se fait pas mal chier quand même dans ce film. Il sert pas à grand-chose et ils auraient pu carrément passer à une autre histoire directement ou raccourcir celle-ci dangereuse beaucoup parce que là... Ouais, c'est, je pense qu'il y a facile, une demi-heure en trop, quoi. Voir une bonne. Mais c'est marrant parce que moi, vraiment, quand je suis sorti du film, j'étais vraiment dégoûté. Et... Bon, plus j'y repense, plus quand même il y a des trucs qui ça c'est Dim. Oh, avec le recul, finalement, c'est pas si mal. Voilà ce qu'il va nous dire. C'est vrai qu'il y a une version longue qui va sortir. Donc non, ouais, mais voilà, ce que je disais, enfin voilà, c'est vraiment parce que moi, je suis vraiment un gros fan des personnages. Et... Il y a vraiment des moments aussi. Non, par contre, c'est vrai que Yondu, alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une réussite dans ce film, c'est Yondu, je sais pas comment on prononce, mais ce personnage est hyper réussi. L'acteur est vraiment brillant dedans et c'est le gros point positif de ce film pour moi. Et là, ils ont vraiment réussi le truc avec ça. Donc voilà, pour Gardien de la Galaxie 2, je vais quand même continuer. On va continuer, on va passer la parole à Elohim. Elohim qui a une recommandation musicale, je crois, assez pointue, il me semble. Si, ouais, alors j'ai aucune idée de comment j'ai découvert ce truc, mais ça s'appelle Zainichi Funk, donc Z-A-I-N-I-C-H-I Funk. Et ouais, c'est un groupe japonais qui chante en japonais et qui fait du funk à la James Brown, hein, vraiment. C'est, on voit l'inspiration. Il y a 2-3 clips sur YouTube, donc je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est les singles. Ils sont très sympas. Ils ont 5 albums à leur actif. Je pense qu'on ne peut pas en trouver la moitié en Occident et ça doit être sans doute des imports, mais en tout cas, on peut quasiment tout trouver en ligne et en vidéo. Je crois que sur Bandcamp aussi, ils doivent avoir leurs albums dessus. Je vous conseille d'y jeter un œil, c'est vraiment cool, ça bouge. Voilà, en tout cas, pour moi qui me réveille parfois la tête un peu entre les jambes et quand je dois prendre le vélo, c'est parfait. Bah écoute, on va mettre on mettra un lien ou un lien vers des clips de Zainichi Funk. Je confirme, j'ai écouté un petit peu avant le podcast, c'est très cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Ouais, ouais, ça déménage pas mal, ça met de bonne humeur. Donc allez voir ça, c'est le conseil d'Elohim. Je vais passer la parole à Yao qui a de son côté un conseil ou un déconseil, je ne sais pas, à toi de me dire. Dim, il va me dire que c'était bon. Hein, mais... Non, c'était pour parler de Power Rangers. On en avait parlé. Non, je ne dirais pas ça. C'est en gros, c'est une grosse merde. Hein. Voilà, c'est une grosse chiasse. Hein. Une citerne à merde. Hein, pour reprendre que ce soit une licence ou non licence, hein, c'est juste le rythme est à chier. Il va nous faire croire à une sorte de Chronicle. Je ne sais pas si vous avez vu un peu. L'ambiance Chronicle entre jeunes. Entre jeunes lycéens qui sont un peu paumés avec les stéréotypes du brillant qui a tout gâché lors d'une soirée, d'une semi-lesbienne, d'un asiate qui s'occupe de sa maman toute seule, d'un noir autiste et la cinquième, enfin bref. Donc du coup ouais, donc c'est adapté de la série Power Rangers que tout le monde connaît, je suppose, qui elle-même a pompé une série japonaise, donc faut rien attendre. Ouais, c'est l'échec. Est-ce qu'on en attendait quelque chose? Est-ce qu'on attendait quelque chose? De base, on n'attendait rien, mais... Le film, je trouve qu'il ne fait pas du tout Sentai, on va dire, pendant les trois quarts, quoi. Les trois quarts du film ne font pas du tout Sentai, c'est juste à la fin où, on va dire, ça se réveille, ça ressemble un peu plus à un Sentai. Ça ressemble plus à du Marvel ou à du truc comme ça au début du film, je trouve. En fait, je crois que le film doit durer 1h40 ou 1h50, on dirait qu'il en dure 4 heures, tu vois. Parce qu'en gros, on va séparer le film en deux, t'as genre une bonne heure où... Il se base sur la psychologie des personnages, entre guillemets, trouver leurs angoisses, leurs mal-être, tout ça, mais je trouve que ça ne marche pas du tout. Déjà, les acteurs, ils sont tous pourris. Et la réelle est vraiment à chier. Et en plus, est-ce qu'on peut spoiler pour ce film? Écoute. Globalement, je pense que tu peux. Parce qu'on voit Bryan Cranston au tout début avec une sorte de costume bleu tout dégueulasse qui joue. C'est le Power Ranger, c'est le Power Rouge en fait. Il est à poil même. Ouais, enfin, il a ça, il joue un alien à poil. Donc voilà. Il faut que je le voie ce film en fait. Et en fait, ouais, par rapport à ce que tu disais, l'esprit Sentai, c'est que en fait, le film a le cul entre deux chaises. Il veut d'un côté être un peu sérieux, mais dans un autre, il dit hey les gars, c'est quand même Power Rangers, donc faut être fun, faut sortir des conneries. C'est ça, et en plus, il y a vraiment la coupure entre le moment où ouais, on est trop déprimé, voilà, on est des ados mal dans notre peau, enfin voilà, le côté un peu sombre, et puis à un moment, t'as l'espèce de petit robot qui fait go Power Rangers, et puis là, t'as la musique qui débarque, et puis là, ça devient du gros n'importe quoi. Bon, donc Power Rangers, pas dans les conseils. Le pire, c'est que normalement, à la base, ces séries, c'est quand même des bonnes scènes d'action, c'est ce qui fait. Enfin, l'essentiel même de la série, et là tu as tout cassé, t'as quoi, genre 2 minutes de baston. Ah ouais. Et à la fin, t'as genre, enfin toute la fin, c'est centré sur le combat entre les robots, quoi. Ouais. Et merci Michael Bay pour ces designs dégueulasses, Transformers tout pourri, qui ressemblent à rien du tout. Et pareil pour les costumes qui sont vraiment, enfin pour moi c'est une aberration d'avoir fait un design comme ça. Donc pour moi, il y a rien à sauver dans ce film, qu'on soit fan ou de la licence ou pas. T'enlèves le nom, c'est une grosse chiasse. Je sais pas ce qu'on pense, Dim, si peut-être moins catégorique, mais moins catégorique. Non, je suis d'accord avec toi, mais bon, après, moi, c'est pas une licence qui me. On va dire, dont j'étais fan quand j'étais gamin. Enfin, je pense que j'étais trop vieux à l'époque où c'est sorti. Donc, j'attendais vraiment rien. Je suis allé un peu sans trop connaître. Et, bon, je l'ai vu et aussitôt oublié, quoi. Allez hop, un autre. D'ailleurs, je préfère le film des années 90, à tout dire. Du coup, t'avais un autre conseil? Non, mais c'est Ghost in the Shell, c'était pour dire, en fait. Je sais pas, tu l'as vu, Dim, aussi, ouais. Moi je l'ai vu aussi. Lequel? Ghost in the Shell. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Donc voilà que ça se regarde. Moi je trouvais que c'était une mauvaise adaptation, mais que ça c'était un film qui se regardait. Oui, ça se regarde, mais c'est une mauvaise adaptation. Ouais, c'est une mauvaise adaptation, mais plutôt une réussite visuelle, en tout cas sur la première partie du film, qui après s'écroule comme une espèce de. Ce qu'on a vu un peu sur les trailers, que visuellement c'était quand même. Ouais, visuellement ça claque, c'est plutôt bien respecté. Enfin, en tout cas ça a eu une personnalité, c'est bien fait. Ouais, mais je trouve pas. Après, voilà. Justement, ça reprend des plans, mais pour rien en fait. Ouais, voilà. Après, pour rien. C'est moins fort. Puis Scarlett Johansson, pour moi, ça confirme que c'est une mauvaise actrice, enfin, de mon point de vue. Hein. Je sais pas si je dirais ça, mais en tout cas, là, on lui donne pas un rôle facile et bizarrement, on n'arrive pas à retransposer. Finalement, c'est un film sans âme alors que c'est un film sur l'âme, théoriquement. Puis, du coup, il y a un peu raté, quoi. Tu la vois, elle a une démarche chelou. Pour moi, c'est raté. Je sais pas si c'est la démarche du robot, entre guillemets, de l'androïde. Je suis un robot. Mais ça fait vraiment ça, quoi. C'est avec les bras qui se balancent et tout. C'est clair, elle danse le robot. C'est un peu pitoyable. Et on avait parlé, du coup, d'assumer ou pas. Le nom du personnage. Finalement. Moi, il l'assume pas. Ouais, non, il l'assume pas du tout. Non, il l'assume pas. Non, mais après, si t'enlèves l'adaptation, ça se regarde, quoi. Ouais. C'est pas un bon film non plus. C'est pas un bon film. Non, c'est pas. Toi, t'as un troisième conseil en plus, Yahoo. Attends, j'ai mis un troisième. Bio Suda 51, où ça date d'une autre fois. Ah oui, non, c'est pour la biographie de Suda 51. Ah ouais. C'est pour le bouquin, j'en avais parlé. Ouais, t'en avais parlé, c'est ça. C'est super intéressant. Tu le confirmes? Ouais, mais donc Suda 51 ouais, donc c'est la biographie de Mehdi. Mehdi et Florent Gorge. Et Suda Goichi, donc Suda 51, c'est un créateur de jeux vidéo. Killer 7, No More Heroes. Donc c'était intéressant, sauf après, c'est, en termes de temps, je suppose que c'est normal, mais ils n'abordent pas toutes ces dernières prods. Alors c'est quoi, c'est une biographie, je veux dire, stricto sensu, c'est-à-dire de sa naissance, ou alors ça passe en revue toutes ses œuvres. En fait, la première partie, on dira, c'est de sa naissance à son début dans les jeux vidéo, et après ça apprend chronologiquement toutes ces œuvres en fait au sein du studio. Donc Florent Gorge et Mehdi du podcast J'ai gagné moi non plus, c'est ça. Ouais. Hein. Voilà, et donc, souvent chez Au Bagage. On leur fait un bonjour à tous. Écoute, merci pour tous ces conseils et des conseils, Yao. Et il reste Julien, qu'on n'a pas encore entendu, qui va aussi nous parler de musique. J'ai un quart d'heure, c'est ça ? T'as 15 secondes. Non, tu parles de musique également. Ouais, alors pas du James Brown japonais, mais toi, c'est de l'Amérique. Parce qu'on avait fait un débat sur au moment de l'élection de Trump, de savoir si ça allait finalement avoir une influence, forcément une influence sur la façon dont on fait des disques, dont on fait des produits. Finalement, il y a deux albums qui étaient assez attendus cette année. Enfin, pour moi, hein, c'est l'album de Father John Misty, dont j'avais parlé déjà l'année dernière pour I Love You, il y a deux ans pour I Love You on a Beer, et surtout le Kendrick Lamar qui faisait suite à To Pimp a Butterfly, qui était déjà un album assez politique. politique. Et là, il revient avec Dem, et qui pour le coup n'est pas tant que ça un album politique. C'est un album beaucoup plus personnel, beaucoup plus direct. Déjà, c'est ce qui m'a surpris moi quand j'ai écouté. Pimp a Butterfly, c'est un album qui venait beaucoup chercher dans la musique black, notamment le jazz. C'était un album très très dense, assez torturé. Et là, c'est un album très très rentre dedans. Il y a presque des trucs un peu, presque de la musique un peu trap. C'est pas forcément moins recherché, mais c'est beaucoup plus direct. Alors, je sais pas si par exemple toi tu l'as écouté. Moi, je l'ai pas écouté malheureusement. Tu as pas encore écouté ? Non, j'attends encore un peu avant de l'écouter. Là, j'ai pas eu le temps et je veux l'écouter bien. Ouais. Voilà, parce moi, au début, j'étais pas forcément déçu, mais j'étais un peu surpris parce que forcément, quand t'as adoré un album comme To Pimp a Butterfly, tu t'attends un peu à la même chose tout en redoutant que ça soit la même chose. Et en fait, là, vraiment, j'étais au début pas forcément surpris en mal, mais les morceaux sont très séparés les uns des autres. Mais finalement, ça raconte quelque chose. Et je trouve que c'est un album, plus tu l'écoutes, plus il grandit. Et je trouve qu'il y a encore chez Kendrick Lamar, pour moi, il est vraiment au-dessus de la mêlée. Il a une virtuosité, enfin un phrasé, une façon d'amener les morceaux. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, moi, j'ai eu très peur, parce qu'il y a deux featuring dedans. Il y a Rihanna et il y a U2. Ouais, Bono. Donc, U2, Bono, mais ils sont crédités comme U2. Donc, je pense pas, il doit y avoir The Edge. Et en fait, quand tu écoutes le morceau qui est XXX, tu t'entends pas du tout U2. En fait. Ce qui est bien. Ce qui était la bonne solution pour faire. La vraie fois que j'écoute le morceau, je me dis, c'est pas U2 qui est dedans, on les entend pas. Quoi. Je remets la deuxième fois le morceau. Et en fait, il est juste sur un refrain. Et en fait, c'est ça la force de Kendrick Lamar, c'est que quand il fait un featuring, c'est pas le type qui vient faire qui vient poser son univers, c'est vraiment le Rihanna, c'est pareil. Rihanna, le morceau, elle a un peu plus d'importance dedans, mais il est pas mal. C'est pas mon morceau préféré, mais pour moi, c'est encore un grand disque. Les clips sont hallucinants. Le clip de Humble avec Don Cheadle, il est génial ce clip. Alors, t'as celui aussi de DNA qui est vraiment très bien aussi. Mais alors, celui de Humble, le morceau vraiment est génial aussi. Donc, moi, c'est vraiment pour l'instant l'album que je conseille. Je comptais vraiment de l'écouter, de le réécouter. Il y a des trucs vraiment dingues du début à la fin. Et puis il y avait en plus plein de rumeurs comme quoi il sortirait un deuxième album presque dans la foulée. Ça avait un peu fait grand bruit sur internet. Et le deuxième album dont je voulais parler rapidement, c'est Father John Misty, puisque là aussi on attendait un album assez politique, Father John Misty. Donc c'est l'ancien batteur des Fleet Foxes. C'est quelqu'un qui est assez intéressant à suivre sur Twitter, qui est plutôt une grande gueule. Alors l'album, j'en ai un peu débattu d'ailleurs avec Stan, qui a trouvé que c'était un album assez mou. Alors c'est vrai que c'est un album très piano. Pour ceux qui avaient aimé I Love You Neighbor, c'est plus dans l'esprit de Holy Shit et de Bored in USA, donc des choses plutôt lentes. L'album dure 85 minutes, donc en 2017. Mais dont un morceau de 15 minutes. Dont un morceau qui place carrément au cinquième, qui s'appelle Living LA. C'est assez couillu de faire ça quand même. Ouais, et moi je trouve que c'est un super disque. Alors c'est vraiment pas un disque pour le coup uniquement politique. C'est un disque qui parle de l'absurdité de la vie, de ce qu'est le morceau titre, un pur comédie qui décrit complètement la bolle et qui surtout est un album qui oppose l'entertainment, notamment le deuxième morceau, à l'entertainment, à l'art. Donc c'est un album qui trace un peu, qui parle à la fois des religions, de la politique, qui parle de tout ce qu'il y a d'absurde dans les comportements humains. Et je trouve que c'est aussi un très bon disque. Alors c'est vrai que parfois, si tu l'écoutes d'une traite, il peut être un peu. C'est ce que disait Stan dans votre débat. Je me souviens que je l'avais pu le lire également. Ouais, sur Facebook. C'est vrai que c'est un album qui n'est pas facile à écouter d'une traite, hein, notamment quand on arrive au morceau Living LA qui dure donc un peu plus de 15 minutes, qui est un très beau morceau en soi, mais qui forcément, quand tu écoutes un album, vient un peu marquer une interruption dans ton écoute. Mais par contre, effectivement, de temps en temps, 3-4 morceaux, Il passe piocher très bien. Un peu au début, piocher comme ça 3-4 morceaux. Il y a des morceaux assez forts dès le début, puis après revenir sur d'autres morceaux, parce que c'est vrai que c'est. Ça dit, ça m'a fait réécouter l'ancien album de Father John Misty. I Love You and Beer. Tu préfères lequel, Fear Fun ou... I Love You and Beer. Le deuxième. C'est vraiment monstrueux. Ouais, super album. Là, il est plus lent, plus piano. Il y a presque parfois pas forcément des ballades, mais et il y a surtout une opposition souvent entre les textes qui sont à la fois un peu satiriques, un peu assez mordants, et la musique qui peut parfois être un peu piano lent. Des fois presque, tu te dis c'est un peu du Elton John en pas mal. Hein. Tu vois, il a même très bon, mais parfois il a une apparence un peu mielleuse, un peu douce, un peu comme ça. Mais je trouve que quand tu creuses un peu dans tous les textes, c'est vraiment un super disque. Et je trouve que c'est un des disques qui est les mieux chantés que j'ai entendu ces derniers temps. Je trouve que c'est un super chanteur, à la fois un peu, il y a un côté un peu crooner et en même temps parfois assez pop. Je trouve que c'est quand même un très très bon disque, c'est un des disques de cette année. Voilà pour les deux disques qui vont vous occuper dans cette première moitié de 2017, hein, en tout cas pour d'autres, du côté du lien. On va parler des sorties ciné pour conclure ce podcast, ce long podcast. les sorties ciné, c'est bientôt, hein, puisque c'est le 3 mai. Je vais faire parler un petit peu d'Im, qui a sélectionné trois films hein, pour le 3 mai. Braquage à l'ancienne, déjà, d'Im. tout de suite dans la... sans trop de conviction, on va dire. Mais j'ai vu, et ça m'a étonné, que le réalisateur, c'était Zach Braff. Ah, tiens. Donc, l'acteur-réalisateur. Et j'aime beaucoup son premier film, qui a maintenant une quinzaine d'années, Garden State. Ouais, Garden State, ouais, qui a 15 ans. Donc voilà, on va dire, ça m'intrigue. Mais bon, je vois la bande-annonce, bon, ça n'a pas l'air d'être génial, mais bon, des fois ça peut être trompeur, donc je ne dis pas que j'irai le voir, mais on verra bien. Enfin, si j'ai le temps, si. Mais... Ça a l'air d'être un film de commande plutôt. Je ne sais pas si c'est un film très personnel pour lui. Peut-être Garden State l'été, mais peut-être pas celui-là, j'ai pas l'impression. Peut-être besoin de garnir des sous, non? Ouais, parce peut-être que... aussi, je sais pas. Donc, braquage à l'ancienne, hein, que Dimitri est le seul à avoir dedans, sélectionné. Dans les anciens, c'est qui du coup? Il y a Morgan Freeman, Michael Caine. Ah, c'est lui Caine. Qui a gagné ça, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis étonné, ouais, d'accord. Et Alan Arkin, que je connais pas. Ouais, qui est apparemment une légende, hein, selon les affiches. Trois légendes. Tu sais, il y en a un que tu connais pas, t'es là, genre, ok. Il y en a que tu connais pas, un que t'as oublié, un qui est dans tous les films, quoi. C'est ça. Ensuite, il y en a plusieurs d'entre vous. Donc, Yao, Dim, Julien, Elohim l'avait pas sélectionné, mais c'est Get Out. Ouais. Qui est une sorte de film d'horreur sociale, si j'ai bien compris. Racontez-moi pourquoi vous l'avez sélectionné. Moi j'ai rien vu dessus, mais apparemment c'est un truc de fou et qu'il faut pas trop regarder la bande annonce. Moi j'ai vu la bande annonce. Moi j'ai pas regardé donc je vais rester. Alors est-ce qu'on laisse les spoilers? Est-ce qu'on dit rien sur ce film d'horreur? Peux, hein, vas-y, hein. Bah, moi en fait c'est parce que j'en entends beaucoup parler, que ce soit sur Twitter ou dans les autres podcasts que je peux écouter. Tout le monde dit ah, Get Out, c'est le truc qu'il faut aller voir, tout ça. Donc forcément ça titille un peu ta curiosité. Et... c'est surtout le thème en fait. Du couple interracial. D'accord. Oui, voilà, il y a un truc un peu. Alors, oui, est-ce qu'il faut spoiler? Je sais pas, on va peut-être pas forcément spoiler, mais ça a l'air intéressant dans la façon dont c'est fait. En tout cas, ça cartonne aux États-Unis, hein, clairement, ouais. Ce film. Il fait des records de vente de billets aux États-Unis, je ne sais pas comment on dit. Donc, bon, on va pas en spoiler plus que ça, à la rigueur. Non. Allez voir la bande-annonce si vous avez envie de vous auto-spoiler, sinon, allez le voir directement. Faites confiance aux critiques. Ça suscite la curiosité. Ou autre, oui. Ça a suscité notre intérêt. le 3 mai, donc Get Out. Autre film, je ne sais pas si c'est un film d'horreur ou un film de science-fiction, on l'appelle Jig Robot. Dim, parle-nous-en un peu, c'est un film pour Dim. Ouais, je crois que c'est plus soit science-fiction que horreur. C'est un film italien, il me semble. Ouais. Et bah écoute, pareil, quoi, j'ai pas trop vu la bande-annonce ni rien, mais je sais qu'il a fait quand même pas mal le tour de festivals comme celui de Gérard Armé, où il s'est fait un peu remarquer. Donc voilà, ça m'intrigue, mais bon, je suis même pas sûr qu'il va sortir chez moi dans mon petit cinéma, mais bon, on verra bien, quoi. Ouais. Mais ça m'intrigue, j'essaierai de le voir un jour ou l'autre. C'est un brigand qui devient super-héros, un truc comme ça. Enfin, ça je crois, ouais, un truc comme ça. Le fait que ça soit italien aussi, ça attise ma curiosité, ouais. Parce que s'ils peuvent faire un peu des blockbusters à l'italienne, on va dire. Julien et moi, on avait aussi sélectionné tous les deux sans trop de conviction Tunnel. Ouais. Un film ouais. De Corée du Sud, hein, ouais, il me semble. Ouais, ouais. Voilà. Jeune réalisateur. Hein. Du coup, j'étais voir la bande-annonce. C'est un jeune réalisateur. Ouais, c'est un jeune réalisateur. Ah ouais, ouais. Bah, j'avais même pas été voir, du coup. Donc Tunnel, hein, qui est tout simplement. Ouais, une sorte entre le film catastrophe et le huis clos, je sais pas trop comment dire. Plutôt ouais. Le film catastrophe, un type donc qui reste enfermé dans un tunnel. Voilà. Le tunnel s'effondre sur lui. Ouais. Mais bon, qui est un prétexte, j'imagine, comme quasiment tous les films qui parviennent de Corée jusqu'ici, à regarder un petit peu l'état de la société derrière en Corée du Sud, hein, ouais. Comme on l'avait eu avec et puis le dernier train pour Busan. On a l'impression quand même de comprendre que ça va être un film qui va beaucoup parler de la société et de la place de l'individu en Corée. Donc, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air effectivement quand même un peu chiant. C'est peut-être pour ça qu'on l'a mis. Il y a un autre film conviction. De tunnel, là, c'est pas un film avec Stallone. Hein, Daylight. Daylight. Daylight. La prochaine fois, on prendra le pont. Tu l'as vu, Daylight. Putain, j'ai oublié ce film. C'est assez mythique entre bon, pour Dim et moi, ce film. Hein, donc, voilà. Elohim avait rien sélectionné pour le 3 mai, rien qu'il aspire hein, chez Elohim. Je sais pas s'il est encore non, avec nous. Bah, non Get Out, moi je le regarderai de. Il s'est barré. Ah, il s'est Jean-Michel, pas de chute. Bon, vous l'avez compris, on a des petits problèmes techniques avec Elohim qui doit rager parce que je pense qu'il nous entend en plus, mais que nous on t'entend plus, Elohim. Donc voilà, bah malheureusement, on a compris que Get Out, tu le regarderas peut-être. On ne sait pas comment. C'est un canapé, je sais pas. Pas au cinéma. Pas au cinéma. Écoute, Elohim, si tu reviens avec sorti nous. Sorti au Canada, je pense. Ouais, je sais pas si c'est peut-être déjà sorti ou pas, je ne sais pas. Bon, on va passer au 10 mai en attendant qu'Elohim nous rejoigne peut-être pour la fin de ce podcast. Je suis là. Oh, tu es là. Alors, Elohim, tu disais Get Out. Ouais, j'aime bien Key & Peele, donc je pense que j'irai le voir. J'aime bien le réalisateur. Ouais. Après, j'étais pas sûr de ses talents de réalisateur, mais apparemment, ça a l'air bien. Voilà, je suis curieux, mais plus que ça. Quoi. Tu l'aimes bien parce que... Je préfère avoir une bonne surprise. Il a fait quelque chose de connu avant, le réalisateur de Get Out ? Non, ils ont fait un seul film tous les deux, qui est une comédie qui s'appelle Kinou, et qui n'était pas très réussi. D'accord. Mais après, eux, ils ont fait des sketchs pendant des dizaines d'années ensemble, et donc... plutôt des comiques, quoi. Voilà. Alors, en tant que réalisateur, j'ignorais ses talents. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, Get Out reste voilà, le film un peu intriguant du 3 mai pour le 10 mai. Elohim, toi, tu nous parles pas du tout de cinéma, tu nous parles de Netflix. Hein. On va dire que c'est pas vraiment du cinéma pour le coup, mais c'est un film qui s'appelle Mindhorn, c'est ça ? Ouais, absolument. Alors, Mindhorn, c'est vraiment par curiosité parce que je suis très fan du mec qui l'a écrit et qui joue le premier rôle. Ouais. C'est une histoire un peu spéciale où c'est une sorte d'acteur raté. Qui faisait un espèce de l'homme qui valait 3 milliards dans les années 80 et qui aujourd'hui n'arrive plus à rien faire. Et il se retrouve pris par un tueur en série, je crois, comme étant la seule personne à qui il peut parler parce qu'il pense que le personnage est réel. Donc lui doit revenir dans les chaussures de son personnage des années 80 et devenir enfin quelqu'un d'importance. Voilà. Et pas le réalisateur, mais celui qui a écrit le film et qui joue l'acteur principal. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui faisait une série qui s'appelle Mighty Bush, et qui est très très très drôle, une série de la BBC. Je pense pas qu'elle soit dispo en France, mais elle doit être peut-être trouvable ici ou là. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, Mindhorn, ça sort sur Netflix le 11 mai, c'est ça, 12 mai. Ouais, 10 mai, 10 jours, enfin dans ces alentours-là, d'accord. Bah écoute, on va suivre ça, on va regarder. Et pour revenir du coup aux sorties sur grand écran, au cinéma, il y a un film qui a été pas mal sélectionné, c'est Problemos. par nos auditeurs, participants autour de cette table et par Dimitri également de son côté. Moi, je suis un très très grand fan d'Eric Ramsey et d'Eric, même en solo, quand il faisait Platane. Platane, c'est peut-être même pour moi ma série française préférée. Enfin, tout ce côté méta et tout, c'était super marrant. Donc, c'est pour ça que je lui fais confiance. Je sais que ça va me faire rire. J'ai écouté le dernier After Eight où ils en parlent et ils en disent aussi du bien, comme quoi c'était très drôle. Donc, voilà, je pense que j'irai le voir les yeux fermés. Problemos, donc le 10 mai, hein. Julien, toi des choses à ajouter sur Problemos? Ouais, moi je suis pas du tout fan d'Eric Ramsey. Je me suis infligé à l'aile police d'État et j'ai beaucoup souffert. Et j'aime beaucoup Eric Judor, notamment on l'avait chez Quentin Dupieux. Enfin, je trouve que c'est un acteur intéressant. Et là, la bande-annonce, ça a l'air plutôt sympa, parce qu'il y a une histoire de communauté, une histoire de pandémie. Voilà, ça a l'air assez barré. J'aime bien l'humour fonctionne vraiment sur la réaction sur réaction en fait. Et c'est ce que je trouve assez drôle en fait dans la bande-annonce, c'est-à-dire que voilà, t'as un côté. Je crois qu'il y a une scène. Moi, j'avais vu une scène avec un chien où il insulte un chien et il se fait reprendre par les acteurs les membres de la communauté qui lui gueulent dessus parce qu'il faut pas insulter les chiens. Ils ont le même droit que les autres. Donc voilà, il y a un côté un peu de rencontre de plusieurs univers qui a l'air plutôt réussi quoi. Yao, toi, t'as sélectionné un film le 10 mai qui s'appelle Sayonara. Ouais, c'est la construction japonaise, hein. Ouais. du pitch et rapidos, en fait. Alors, dans un avenir proche, le Japon est victime d'attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, atteinte d'une longue maladie originaire d'Afrique du Sud, attend son ordre d'évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par Leona, son androïde de première génération, qu'elle lui a offert son père. Toutes deux deviennent les dernières témoin d'un Japon qui s'éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères discriminatoires. Et donc voilà, c'était juste... C'est à Bercy, à Allociné, pour la... Ouais. Faut préciser toujours avec le partenaire. Hein, ouais, bah, non, en fait, ça me disait rien, mais en fait, je m'en rappelais, j'avais déjà entendu parler de ce projet parce que bah, c'était... Je me demande si c'était pas un des premiers films à avoir un androïde réel. Enfin, dans le sens, je crois que c'est une vraie poupée. Ah oui, c'est pas un... C'est pas un truc créé comme d'accord. On pourrait dire les flics, c'est des androïdes que. Qui sont vraiment des androïdes, quoi. Ouais, au Japon, quoi. Donc, ouais, c'est plus ce côté-là qui me parlait, mais ça me fait flipper, donc j'irai pas le voir. Ça arrive du coup, alors. Il y a un clown aussi, en plus. Donc Sayonara, ça c'est le 10 mai. Autre film qui a été sélectionné par Julien, par Dim, Alien Covenant. Oui, vous l'avez pas sélectionné à part Dim. Non, moi je te promettais. Ouais, j'étais étonné. Quoi, ouais. Alors que quand tu vois la bande-annonce, ça a l'air quand même un retour un peu à l'esprit d'original d'Alien. La bande-annonce, ça veut rien dire. Ah, je sais pas Dim ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'il y a quand même il y a quand même des plans qui sont hallucinants. Enfin, je trouve quand même, c'est Ridley Scott, ça reste quand même. Moi, j'ai ni pour ni contre Prometheus. Bien au contraire. Prometheus, toi, moi, je suis pas. Non, mais tu sais qu'il y a des détracteurs, les gens qui adorent. Voilà, c'est un peu un film qui est clivant. Et voilà, donc voilà, je trouve que c'est un film plutôt intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Dim. Ouais, bah, moi pareil, je pense que... Enfin, je suis pas plus hypé que ça par la bande-annonce, quoi, mais bon, oui, j'avoue que visuellement, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, c'est quand même une très grande saga du ciné, de la SF, et que j'adore, donc forcément, j'ai envie de le voir. Et la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait un petit court-métrage promotionnel qui faisait lien entre Prometheus et celui-là. Et du coup, ça m'a un peu replongé dedans et tout. Donc, ouais, j'ai quand même bien envie de voir le film. Je suis curieux, quoi. Mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera au prochain podcast. Il y a de fortes chances. Mais... Ouais, à voir. Et t'avais sélectionné un film, c'était Outsider. Outsider, ouais. Donc, c'est un film de boxe. C'est un biopic. C'est l'histoire vraie d'un boxeur, Chuck Wepner, négociant en alcool du New Jersey, qui a tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, lors d'un championnat du monde en 75. Ouais, bah moi j'ai toujours bien aimé en fait les films de boxe, la boxe au cinéma. Enfin, je trouve que c'est vraiment un sport très cinématographique et donc du coup, bah voilà, ça me tente. Et Greg, tu l'avais sélectionné aussi, Outsider. Ouais, je l'avais sélectionné, mais je me souviens plus pourquoi. J'avoue, non, je sais plus, je sais même plus trop ce que c'est. Donc non, moi j'avais sélectionné aussi. I Am Not Your Negro, qui est un documentaire qui est, en fait, que j'ai vu déjà, qui est parce qu'il c'est Arte, c'est Arte, donc Arte fait ce truc qui sort en même temps les films qui passent sur Arte et qui les sort en même temps au cinéma, donc c'est assez cool, c'est si on n'a pas envie. Et bah ouais, en fait, c'est pas mal. Alors je dirais pas que c'est forcément le meilleur documentaire que j'ai vu, ça m'a appris beaucoup de choses. Après, j'ai des petits reproches à faire dans la façon dont il est construite. En français, il est... C'est Joey Starr qui narre et il a une intonation de voix qui est pas toujours convaincante, qui est pas toujours intéressante et qui même un peu nuit, je trouve, au rythme. Ça donne Jackson, du coup, c'est mieux. Bah, je l'ai pas vu avec Jackson, mais t'avais le choix sur Arte. Mais en fait, on l'a spontanément mis en français, on n'a pas fait gaffe et voilà, du coup, on est resté comme ça. Mais par contre, après, voilà, le documentaire en soi est hyper intéressant, il y a des témoignages hyper forts et c'est vraiment, ça vaut le coup de le voir. Bon, en plus, il reste disponible actuellement sur Arte, voilà. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller au cinéma le 10 mai le voir, vous pouvez toujours le voir sur Arte, ça reste un bon film. Est-ce qu'il y a d'autres films qu'on n'a pas dit dans cette liste? Moi, j'en ai encore un. Ouais. C'est Message from the King. Ah oui, Message from the King. Et c'est un film, on n'en a pas trop entendu parler, mais c'est un polar américain réalisé par Fabrice Duvels. C'est un Belge qui a fait plusieurs films, dont son premier film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Calvaire. Donc voilà, bah, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner, son premier film américain. J'en ai aussi entendu parler, c'est un peu en publicité suggérée sur Facebook où j'avais vu la bonne annonce tourner. C'est bon, notre nouveau partenaire. Pour le coup, ça m'a attiré l'œil, ça faisait un peu polar, un peu noir, un peu aussi un peu style années 70 et tout. Enfin, c'est une histoire de vengeance. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a attisé ma curiosité. T'as l'air convaincu, quoi. Message from the King. J'aime bien le réalisateur aussi. Message from the King. Eh ben, écoute, j'avoue que j'ai même pas vu la bande-annonce passer, je crois, dans la sélection du 10 mai. Donc voilà, bon, en gros, ça nous fait quand même une petite sélection intéressante de films. Dim a sélectionné le meilleur film des années 2000-2010. Ressorti. J'ai ressorti de Mulholland Drive. Voilà. Je pensais que t'allais le sélectionner aussi. Non, parce que généralement, on prend pas trop les ressortis ou les. Mais c'est pas fait. J'ai sélectionné quand en faisant. Est-ce qu'il ressort dans beaucoup de salles ? Mes petites courses chez le partenaire. Non, en plus, ça clôt le débat de Super Ciné Battle, puisque tout le monde sait que Mulholland Drive est le meilleur film des années 2000-2010. Ça me paraît évident. Nous, est déjà là, mais voilà. Ils l'ont déjà classé, il a déjà été. Non, il serait déjà numéro 1. S'ils le mettent pas numéro 1, là, je crois. Bah, surtout devant History of Violence, je crois que c'est celui-là qui est numéro 1. Ah, History of Violence, c'est un bon film. C'est un bon film, mais par rapport à Mulholland Drive. Mulholland Drive, ça va largement devant. Ah, bah, clairement. Moi, j'hésite avec Big Mama 2, mais. Il y a match, ouais. Il y a quelque chose à faire entre les deux. Moi, je le reverrai bien, j'irai bien le revoir parce que je l'ai jamais vu au ciné, en fait. Il est en version restaurée, en plus. Ouais, en version restaurée. Donc, en plus, j'espère qu'ils ressortiront un Blu-ray, ce qui est déjà sorti, mais la copie est pas géniale. Mais voilà, parce que au cinéma, ça vaut quand même le coup d'œil. Ouais. Surtout avec des moments assez flippants, là, avec les espèces de petits bonhommes et tout, les petits gus que tu vois à un moment. Quand ils sont dans le théâtre, dans génial ce film. Ou l'espèce de gars un peu bizarre, là, l'espèce de sorcière, ou je sais pas. Ah, qui sort du. Qui est derrière Oh putain, c'est ma scène préférée, tout film confondu, ça. Quand il raconte son rêve et qu'il va derrière le drive-in et qu'il voit ce mec. cette scène elle est incroyable. Puis la scène de Silencio, dans mes souvenirs, on l'avait vu ensemble avec Greg et on avait bien sûr sauté. Oh putain, comme j'ai flippé Maras. Mais dès que je le vois, je flippe à nouveau, quoi. Comme les. Bref, tout. Grand film. Bon, bref, voilà. Bon, bah, vous avez plein de choses à aller voir le 3 mai et le 10 mai au cinéma. Bah, on se retrouvera certainement bientôt pour un nouveau podcast. On est toujours là, on n'a pas été racheté. Donc... Non, y a des... si vous voulez nous contacter sur les réseaux sociaux, c'est Dim qui s'en charge. Donc voilà, vous allez sur @subcastfrance sur Twitter et c'est Dimitri qui vous répondra certainement. Sur le site upcast.fr pour aller mettre des commentaires. Vous allez retrouver sur upcast.fr également toutes les bandes annonces dont on a parlé, les liens éventuels qu'on aura à mettre, le jazz japonais, ce genre de choses. Vous pourrez aller l'écouter sur upcast.fr. On mettra tout ça là-bas. Et ça serait bien aussi d'avoir encore un petit like sur Facebook parce que pour l'instant, on n'a que 99 fans. Regardez-moi ces gros losers. 99 fans, même pas foutu d'en avoir 100. Putain. Ça, c'est vraiment de l'air. Ça fait pas sérieux, 99. Faut des étoiles aussi, pareil, que ça fait monter les. Des étoiles, même si je crois qu'on est toujours classé dans technologie. C'est vrai, ouais. Faut faire le changement. Mettez des étoiles, faites quelque chose. Aidez-nous. On est toujours un podcast technologie. Envoyez des dons. C'est vrai, ouais. Envoyez des dons. Envoyez des sous. Envoyez-nous des sous. Et bon. Sinon, il y a aussi Upcast Music sur Spotify. Ah oui, y a ça, la t'as playlist. Ça, t'as raison. Ouais, bah, ouais, voilà, on a une discussion avec Greg, parce que moi, j'avais recréé une playlist pour 2017. Non. Sauf qu'on avait perdu les 11 abonnés qu'on avait sur la liste. Perdu la totalité de nos abonnés, nos 11 abonnés. 11 abonnés. Donc maintenant, on a fait, en fait, donc il y a 130 morceaux depuis 2016, c'est quand même assez énorme. Voilà, donc après, c'est dans l'ordre à chaque fois donc qu'on vous remet allez un morceau. Sur, sur soit le site Upcast allié, ouais. Soit vous allez tout simplement sur Spotify, vous tapez Upcast et vous allez trouver une playlist donc tenue par Julien, par Dim, par moi. Bon, j'ai ajouté un seul morceau. Moi, Dim n'en faire. A pas ajouté moi, encore. Mais on va en ajouter. Je pense qu'on pourrait proposer également à Yao et Elohim d'en rajouter de temps en temps. Parce que ça pourrait un peu vous permettre de voir ce qu'on écoute, ce qu'on vous conseille en ce moment qui est sorti. Voilà. Moi, je sais que je l'écoute de temps en temps. Allez, c'est une bonne playlist. Bravo, Julien. Maintenant, elle est un peu grande quand même parce que 130 morceaux. Parce mais non, 130 morceaux, ça passe. Mais si vous vous mettez, je crois que c'est à partir de XX, ça doit être 2017. Allez, bah écoutez, on vous redit merci. On se retrouve dans. Ouais, il faut un morceau, non c'est ça. 15 jours, ouais, on va finir en musique. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu veux nous mettre ? Bon, bah, je me suis dit, on passe souvent des trucs c'est un peu déprimant, donc j'ai choisi un truc positif. Ooh. Alors je sais pas si tu connais, c'est un groupe et un artiste qui s'appelle Sin Cane. Non. Donc c'est un groupe et c'est, on va dire, c'est une sorte d'électrofunk et c'est un peu pour moi le petit tube de ce début d'année qui s'appelle Téléphone. Donc c'est un type qui vient, enfin je crois qu'il est né au Soudan, après il a grandi aux États-Unis et ça ressemble un peu dans l'esprit funk de ce que faisait Jamie Liddell. Je sais pas si tu vois qui est Jamie Liddell, donc aussi que ceux qui ont joué à Red Dead Redemption connaissent, puisqu'il y avait Compass qui était sur un de ses albums, mais surtout ça ressemble un peu à ce qu'il faisait un peu période électrofunk quand il était sur l'album Jim. Mm. Voilà, donc moi je trouve un truc très très positif. Il faut écouter ça le matin, très très funky. On parlait de funk japonaise, là c'est plus funky électro et Téléphone. Je trouve que c'est vraiment un super morceau, un petit tube. Moi, j'appelle ça, un petit tube. C'est un mini tube. Mais écoute, on écoute ça. Ça serait chez Charlie et Lulu. Dans les... Allez, putain. Voilà. On dit oh, regardez, vous voulez écouter Téléphone, voilà, un super c'est morceau. C'est un bon tube. C'est un tube. On écoute ça en fin de podcast. Donc, on vous retrouve dans 15-20 jours, un mois, je ne sais pas exactement. On verra. Quand tout dépend de tes vacances. Ouais, ça va être ça. Il va falloir que je reprenne des vacances. Par au Japon, là. On m'a déjà fatigué ce podcast, moi. J'espère qu'il est bien ton morceau parce que je suis crevé. Ouais, il est bien. Ouais. Allez, on vous dit à bientôt. Et puis, merci à tous d'être venus. Merci, Eloï. Merci, Yao. On vous retrouve bientôt. Merci. Et salut à tous. Salut à vous. Salut.